bénédiction pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes grâces, ta faveur, ta bienveillance dans nos vies et dans la vie de notre frère. Que ton nom soit glorifié. Glorifié dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom seul est élevé. Tu es le Dieu grand et redoutable qui délivre. Si toi tu ne délivres, qui peut délivrer? Si toi tu ne parles, qu'est-ce que son peut changer? Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour mon frère. Bonjour frère. Ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Le jour tant attendu est arrivé enfin pour ton témoignage. Amen. Parle-nous. On commence par là. Mm-hmm. Tu es surpris, n'est-ce pas? Je suis surpris. Pourquoi? Yeah. Où est-ce que ma Bible se trouve là? Pas cette Bible-ci. Donne-moi ma Bible, madame. Dans mon sang. Oui, donne-la. Tu peux la petite Bible? Oui, une petite Bible. Attends, on va la rechercher. Tu as un parcours atypique, un parcours de ta vie qui peuvent inspirer plusieurs. Mm-hmm. Amen. Donc vous tous qui nous écoutez en direct sur Bamba Iba, nous sommes ici avec le frère Paul qui va vous raconter des choses qui risquaient de vous troubler. Mais restez tranquille, c'est un frère en Christ qui a eu des hauts et des bas comme chacun de nous. Et chacun de nous a son témoignage, son propre témoignage. Amen. Mmh, parle-nous, mon frère. Avant que mon épouse ne trouve la Bible là, je vais lire, parce qu'il y a un passage qui a venu à cœur. Je vais lire ce passage-là, à un moment donné, dès que je le trouve, pour amplifier, pour saler un peu ton témoignage. Vas-y, parle-nous. Mmh. Qu'est-ce que tu veux que les frères et soeurs dans le monde entier savent? Oui, surtout que ce témoignage devait vraiment être édifiant si c'était vidéo. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on doit souvent pratiquer. Oui. C'est-à-dire faire physiquement. Ok. Ok, mais dans ce cas, tu le promets donc qu'on aura le temps, un jour on va faire vidéo. Voilà, c'est plus mieux vidéo. Ok, qu'en vidéo, ça va beaucoup plus édifier. Ok. Donc on attend la prochaine séance pour la vidéo, les pratiques. Allons-y. Parle-nous. Bon, bref, ce que je vais dire n'est pas tellement nouveau. Oui. Puisque ce sont des scènes qui ne font que se répéter. Oui. Parce que le diable, étant tellement méchant, oui, n'a pas seulement eu à m'utiliser. Oui. Il a aussi utilisé plusieurs. Oui. Voilà, maintenant, comme j'ai trouvé la Bible, je l'ai ici dans le livre de Proverbes, c'est cette partie-ci. Je vais lire ces passages, si les deux passages ou bien trois passages, et il dit bien, ça va saler ton témoignage. Amen. Dans le Proverbe chapitre 20 et le chapitre 21. Mm-hmm. Le chapitre 20, verset 17 dit, le pain du mensonge est doux à l'homme. Mm-hmm. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Amen. Puis au chapitre 21, la Bible déclare au verset 6, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité furtive et l'avant-coureur de la mort. Des trésors acquis par une langue mensongère. Comment est-ce qu'on acquiert des trésors par une langue mensongère? Ton témoignage tourne autour. Je suis surtout du mensonge. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité furtive et avant-coureur et l'avant-coureur de la mort. Le verset 21 du chapitre 20 de Proverbes dit, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. Un héritage promptement. Mm-hmm. Donc ça veut dire que donc on a utilisé les voies détournées pour l'acquérir. Dès le départ, à la fin, Dieu ne peut pas bénir ce qui n'a pas donné à l'héritage. Donc, nous tournons autour de ce qu'on appelle la fémania. La fémania. Et la Bible parle donc de la fémania ici. Mm-hmm. C'est quand même curieux, n'est-ce pas, que la Bible parle de fémania. Amen. C'est que la Bible dit est vrai. Sans appeler le nom de fémania. C'est ça. Maintenant, j'ai lu encore Proverbe chapitre 21, verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère. Mm-hmm. Ça, c'est la fémania. C'est la fémania. Explique-nous donc. Donc, j'ai mis donc de l'eau à ton moulin ou bien amen, de l'eau. C'est vraiment de l'eau que tu as mis au moulin, frère. Mm-hmm. Bref. Comment je vais même commencer? C'est bien que le fil là qui manque. Voilà, donc pour te donner le fil, nous sommes au Cameroun. Oui, oui. Tu es allé jusqu'à dans le pays étranger. Mm-hmm. Allons-y à la base. À la base. Comment tu as commencé? Comment tu es entré dans ce domaine, dans cette ville? D'accord. Au départ de mon aventure, je suis né au Cameroun. Oui. Et j'ai vécu dans une famille, je peux dire, pas trop pauvre, pas trop riche, qui se suffisait. Oui. Puisque j'ai fait le collège de la Salle. Oui. Pendant la première, collège deuxième... Collège de la Salle ici, à Douala. Mm-hmm. Mm. Et entre-temps, le collège de la Salle était même l'un des collèges les meilleurs réputés, même mm-hmm. de la zone du Cameroun en général. Même. Oui. Et la pension vraiment coûtait tellement cher même. Mm-hmm. Parce que je voyais comment les parents se sacrifiaient pour nous mettre. Mm-hmm. Et nous étions deux, moi et mon jeune frère. Oui. Et entre-temps, c'est comme ça que la délinquance a commencé lorsque j'ai échoué mon CAP d'abord, oui. pour la première année. Mm-hmm. Après... Comme il n'y avait plus tellement d'argent pour nous inscrire à deux collèges de la Salle, on m'a plutôt inscrit dans un collège privé IST, oui. Institut Secondaire Technologie. Oui. C'est là-bas que je n'ai pas repris la classe de quatrième année, je suis plutôt allé en seconde. Oui. Et en sans CAP. Oui. Et je crois bien que c'est en seconde que j'ai eu le CAP. Oui. Je suis resté maintenant là-bas pour la première. Mm. Et en première, j'ai échoué le probatoire. Mm. Et j'ai échoué encore la deuxième fois. C'est comme ça que la délinquance au Geneville a commencé. Mm. Quand on m'a remis l'argent de la pension pour aller m'inscrire, j'ai pris l'argent de la pension. Je suis plutôt allé acheter un salon de coiffure. Oui. Après le salon de coiffure, j'ai aussi créé une bouquinerie. Oui. Là, on vend les bouquins. Les bouquins, les romans, oui, les romans que les femmes aiment. Les sas, les rodéos, tous ces romans-là. Oui. Et c'est pas là maintenant que je suis vraiment entré dans le cœur de la délinquance. Oui. Puisque je me trouvais déjà en train de faire l'autodéfense dans la nuit. Oui. Comme j'étais toujours avec des voyous. Là, nous sommes en quelle année? Et parce que nous sommes en 2017 maintenant, nous sommes en quelle année? Aux environs de quelle année? Je crois que ça fait aujourd'hui quand même plus de... Parce que j'ai fait 15 ans en aventure. Oui. Quand j'ai fait un peu calculer 15 ans... Ça fait presque 20 ans aujourd'hui, comme dans ça. Dans les années 20 ans aujourd'hui. Oui, donc dans les années 1999-2000. Effectivement, c'est ça. Mm. Oui, c'est ça. Parce que je sors du Cameroun lorsque le coup d'État en Côte d'Ivoire vient même juste même de déclencher. Donc, déclencher. Oui, parce que les troubles, oui, ça me trouve quand je suis à Abidjan. Abidjan. En Côte d'Ivoire, oui, les troubles d'Abidjan. Donc, on va raconter ces phases, comment tu as survécu, comment tu t'en es sorti mm-hmm. en tant qu'étranger. Mm-hmm. Donc tu te trouves au cœur de la vente des livres où il y a le film, et là aussi tu fais l'autodéfense. Et les autodéfenses, c'est. Les groupes qui suivaient dans les quartiers dans les nuits, c'est-à-dire que dans les carrefours, oui, dans la nuit, comme il n'y a pas la sécurité, c'est ça. Les jeunes s'organisent pour eux-mêmes être les chefs des gangs dans le quartier. Dans le quartier, mm-hmm. en soi disant protéger le quartier. Protéger. Alors qu'en tant que toi, des fois, vous-même vous volez. Nous-mêmes aussi, souvent on indiquait même des maisons là où c'est un peu nanti, oui. pour que si ça se passe bien, ils viennent vous partager. Donc ça veut dire qu'en fait, explique-nous. C'est-à-dire les groupes d'autodéfense qui se trouvent au quartier, mm-hmm. dans les entrées, parce que quand vous entrez dans un quartier, vous trouvez des groupes de gars qui ont mis des barrières, et vous dites, oh grand, voilà. donne-moi quelque chose, vous le donnez. Mm-hmm. Si vous avez de l'argent, c'est eux, vous-même qui indiquez aux bandits que telle personne a de l'argent. Quand ils partent réussir les coups, voilà. ou vient vous partager. Effectivement. Mais même quand la police vient, on dit que vous n'avez vu personne passer. Oui, puisque la police nous connaissait. Oui. On travaille à la police. Quand, si c'est qu'on se rend compte que tu es un peu dur, oui. on te fait asseoir. Oui. Et la patrouille de 4h30, bien une patrouille qui passe à n'importe quel. Vous les livrez. On te prend, on te met dans la voiture de la police pour qu'on t'amène. Donc en même temps, vous êtes l'intermédiaire entre les bandits et les policiers. Et vous jouez en même temps un temps le rôle de police, un temps le rôle de bandits. Et vous avez bien dit que le témoignage va beaucoup nous édifier. Donc désormais, il faut qu'on fasse attention avec nos gars qui sont au quartier. Pour les autodéfenses. Continuons. Bon, c'est comme ça qu'après, au fur et à mesure que j'ai grandissais dans la délinquance, et il y avait certains grands frères de l'époque, qu'on peut dire, qui partaient beaucoup plus tôt à Jakarta, là-bas, Jakarta, en Indonésie. En Asie. Oui. Bon, quand ils revenaient, oui. ils nous frimaient. Mm-hmm. C'est-à-dire, on les enviait oui. avec leur manière de dépenser, leur manière de vivre, leur manière de monter, de descendre. Ils vous étonnaient. Ils nous étonnaient. Mm. Voilà, ils nous étonnaient. Et on les portait déjà dans le cœur comme pour idole. Oui. Bon, on voulait les ressembler. Ils étaient devenus vos modèles. Nos modèles, voilà, c'est ça. Bon, on disait maintenant que je veux être comme je veux être comme lui, parce que la manière comme il vivait, il faut que moi aussi j'ai de l'argent, il veut me frimer au quartier. C'est ça même, c'est ça. Et c'est comme ça que la graine de l'aventure a commencé. Parce que quand ces grands frères-là me donnaient un peu l'occasion de causer avec eux, Oui. ils nous disaient que petit frère, qu'est-ce que tu peux me au Cameroun? Oui, Alors que tu sortez. peux me sortir, comment? Bon, ils nous encourageaient. Mais est-ce qu'il vous disait comment faire pour avoir cet argent qui dépense facilement? Non, ils ne nous disaient pas, ils ne nous disaient pas. Ils disaient que vraiment, à nous voir, comme on a le cœur là, on peut facilement gagner. Donc, vous voyez que vous avez le cœur. Voilà. Vous sortez là, vous allez On gagner de a l'argent. gagné, oui. Puisqu'ils ne voulaient pas nous dire exactement ce qu'ils faisaient. Oui. Peut-être en nous disant que ça allait nous décourager. Oui. Mais on savait quand même que si c'est qu'on a, comme il disait, comme on a le cœur, Oui. on peut bien s'en sortir. C'est comme ça que ça nous, la graine La de semence était l'aventure, là, voilà. on est né. Au fur et à mesure, ça grandissait, au fur et à mesure, ça grandissait, au fur et à mesure, ça grandissait. Jusqu'au jour où un jour, ma mère m'a appelé. Parce que comme je suis le premier garçon de ma famille, le premier garçon, ma mère m'a appelé en me disant quoi, en me faisant comprendre que là, voilà, qu'elle est entrée. Bon, en fait, là, voilà qu'elle est en train de vieillir. Oui. Et son premier garçon. Oui. Tu Bon, n'as pas de je fruits n'ai ni pas lui, je rien. n'ai rien. Comment ça va se passer? Oui. Bon, c'est à partir de notre conversation Oui, c'est ça. qu'elle et moi on a eu Ça a que j'ai déclenché. vraiment pris la résolution de voyager. Oui. Et c'est comme ça, j'ai rencontré un ami. On n'a Bon, fait pas du tout. restons sur la conversation de ta maman. Déjà, pendant que tu es dans les dents et autres là-bas, tes parents sont vivants. Ils ont dit, ils Est-ce sont vivants. que tu dors encore à la maison avec eux? Parfois. Est-ce qu'ils savent ce style de vie que tu mènes? Bon, Ils puisque. savent que tu es grand, tu sors, tu Lui, il rentres. savait, il savait. Bon, je peux dire qu'il savait. Oui. Je peux dire qu'il savait. Ok. Même s'il ne parlait pas, parce que j'étais déjà indépendant. Oui. Bon, on ne pouvait plus me battre à la maison. Oui. J'étais déjà vraiment. Bon, j'étais indépendant. Oui. Je venais à la maison quand je voulais. Oui. Je dormais dehors quand je voulais. Puisque je dormais même avec un ami en face de moi. Oui. Bon, lui, son papa était déjà mort, sa maman était morte. Oui, dans la maison et est libre. il était libre là-bas. Oui. Bon, parfois, je dormais à la maison, parfois, je dormais plutôt là-bas. Ok. Maintenant, la conversation de ta maman porte sur ce point. Tu es le premier garçon de la famille. Tu n'as ni femme, ni rien de produit, ni situation. Ta maman souhaiterait te voir réussir, comme tous les autres, les mamans, les enfants, les autres de la famille, C'est ça dans le même. quartier. Et il dit, pourquoi donc tu m'amènes le pro comme ça dans la famille? Pourquoi Oui. je vais descendre dans la terre sans voir que tu as Oui. réussi? Oui. La conversation avec la maman n'était pas beaucoup du même au niveau des fruits des entrailles. Oui. C'était Du matériel. beaucoup plus du niveau du Du matériel. matériel. En disant que vraiment, bon, si c'est que je veux en déduire, c'est qu'elle voulait me dire à ce temps-là. C'était que vraiment, demain qui va me nourrir. Voilà. C'était vraiment sa propre question là-bas. Ça a Ça a déclenché. déclenché direct. En fait, ça une Ça a fois scellé. scellé. Oui. C'est une fois scellé qu'il faut que je parte. C'est une fois scellé qu'il faut que je parte. Puisque au Cameroun, même, malgré mon CAP que j'avais eu, on me proposait des travaux pesant par la Guinée, je refusais. Bon, la délinquance m'empêchait absolument de travailler quelque part. Oui. C'est comme ça qu'après maintenant, là, quand j'ai conversé avec ma maman, et puis j'ai scellé une fois Est-ce qu'il que faut tu lui que. as dit que tu vas aller voyager? Non, je ne lui ai pas dit. Tu as seulement crié cela, J'ai personne pris n'a la cru que. résolution d'un qu'il veut partir. Et Et quel comme. était le but donc de vouloir partir? C'est vouloir venir satisfaire ce qu'elle a dit là. Effectivement, C'est-à-dire qu'en sortant, quel est le projet dans ton cœur? En sortant, le projet c'était qu'il faut que je revienne aussi pour être comme nos grands frères qu'on voyait Oui, pour qu'on constamment te voie là. aussi au cas où on te Comme on voyait respecte. aussi, voilà, c'est On ça. respecte ta Comme il famille. respectait. Ok. C'était ça, directement, l'objectif. Oui. C'est comme ça qu'entre-temps, j'ai rencontré un ami. Je lui ai fait part du projet. Il était d'accord. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, lui et moi, on nourrissait le projet. Oui. Jusqu'à ce que un jour, on devait partir. Mais on s'est rendu compte que je crois bien que son sac ou bien sa carte d'identité était plutôt chez sa tante. Oui. Nous sommes partis chez sa tante maintenant. On est arrivé, c'était fermé. Oui. Et je lui ai dit qu'il faut qu'on casse la porte, on retire. Oui. Il a dit que non, qu'on Parce ne veut qu'il n'a pas. plus le temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre parce Oui. qu'on joue maintenant sur le temps. Oui. Puisque entre-temps, il y avait même certains itinéraires qu'on vendait un peu de partout. Oui. Voilà. On avait tracé les Donc, on itinéraires. traçait des Et on itinéraires. vendait On cela. vendait, on vendait, on vendait des itinéraires. Il y a, bon, c'était quoi? C'était Douala. Les itinéraires, ce sont les fiches sur lesquelles on a dessiné les cartes de lieu en lieu pour vous De lieu en montrer, pour vous lieu. repérer, pour C'est ça, pouvoir de ville en ville de même. ville pour tracer Oui. comment suivre, pour monter. Pour arriver là où tu pars, puisqu'on Oui. vendait les itinéraires de l'Algérie, Oui. on vendait les itinéraires même de la Côte d'Ivoire, Oui. on vendait les itinéraires même du Kenya. Oui. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que ces itinéraires-là sont les itinéraires mafieux parce que pour voyager dans un pays, normalement, il faut avoir un document officiel, prendre le Effectivement. visa. Et là, vous ne pouvez pas utiliser cette voie officielle. Là, Effectivement. maintenant, vous passez par les frontières, par la voie terrestre, C'est par ça. les eaux, par la terre, le désert, ainsi de suite. Et Effectivement. donc, pour cela, ces routes-là, comme c'est secret, on les vend. Les gens qui y sont tracés, vos prédécesseurs, donc, tracent là et établissent là pour vendre. Pour vendre. Comment coûter, par exemple, un itinéraire? Puisque normalement, le prix de base, je crois, en ce temps-là, c'était 1000 francs CFA. 1000 francs de papier. C'était 1000 francs CFA pour avoir ces papiers. Okay. Et mais vous, comme, vous les avez acquis. Je crois qu'on l'avait acheté. Okay. Ou bien si peut-être on avait quand même eu à multiplier. Oui. On avait eu à photocopier. Ok, ok. Oui. Mm-hmm. Et c'est comme ça que quand on allait pour prendre la carte dentée de mon ami, oui, on est arrivé, la porte était fermée. Mm-hmm. Je lui ai suggéré qu'il faut qu'on casse la maison mm-hmm. pour prendre. Parce qu'on jouait maintenant sur le temps. Mm-hmm. Tellement que la gangrène, maintenant que la rage est partie oui. déjà là, on ne voulait même plus dormir. Oui. On voyait qu'en dormant. Ce jour-là, c'était le jour J. C'était le jour J. Mm-hmm. Et j'ai forcé la porte, c'était difficile. Et comme en ce temps, à l'époque, j'étais un peu trop leste. Oui. Je lui ai proposé que non, laisse, je vais grimper, sauter, entrer, pas sauter, dis-moi ce moment-là où ça se trouve, parce que moi, il voulait qu'on parte. Oui. Et puis, je me suis rendu compte que lui, il tournait un peu. Oui. Il avait un peu l'envie de rester. Mm-hmm. Bon, donc, ça donc, va. Il avait double cœur. Il avait double cœur. Il n'était pas tellement, engagé tourner, comme moi. Oui. Oui. Et après ça, quand j'ai su ça, il a dit que non. J'ai dit que bon, comme c'est comme ça, alors on va venir plus tard. Mm. Quand ils seront, on va prendre. Oui. Et plus tard, vraiment, on est revenu à la maison là. On a pris la carte. Et puis. On allait prendre la voiture à Bounaïs, ici à Terminus, oui. je crois très bien. Oui. On a pris Terminus. Terminus, pour, un quartier de Douala. Oui. Mm-hmm. Terminus, on a pris Terminus Bonabéry. Oui. De Bonabéry, maintenant on a pris. Vous avez traversé le pont du Voury pour aller à Bonabéry. Mm-hmm. Et là, vous avez à la gare routière de Bonabéry. Oui. Je crois qu'à la gare routière, on a pris Kumba. Oui. Kumba, c'est dans le sud-ouest. Mm-hmm. Oui. Kumba, on a pris Manfé. Manfé, ça c'est dans, oui. pour aller vers la frontière du Nigeria. Mm-hmm. Et à Manfé, là-bas, il a commencé à pleurer, qu'il a mal au ventre, oui. il a commencé à crier, j'ai ressenti vraiment qu'il avait déjà peur. Oui. Et en ce temps-là, ça m'a aussi maintenant découragé. Oui. On a maintenant fait retour à la maison. Ah, vous êtes rentré encore? On a retourné, puisqu'il m'a un peu désaxé. Oui. Comme il a dit, comme j'avais ressenti qu'il avait un peu peur. Oui. Et j'ai vu que, étant là, je vais partir seul comment. Oui. Bon, c'est mieux que je rentre encore, reprendre encore un nouveau souffle. Oui. Je suis maintenant retourné, on est retourné à Douala. Mm. Et dès qu'on est retourné, le peu d'argent que j'avais mis a fini. Oui, il faut encore accumuler. Il fallait encore accumuler. Mm. Je suis allé maintenant, j'ai vu ma vieille. Oui. J'ai dit que maman, je l'ai fait pas du problème. Oui. J'ai dit que voilà. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Et je crois que ce jour-là, je peux dire que c'est une erreur qu'elle avait fait. Parce qu'elle ne m'a pas donné l'argent directement. Oui. Elle m'a plutôt donné son porte-monnaie. C'était de garder un truc comme ça là. Mm. Et à l'intérieur, il y avait de l'argent à l'intérieur. Oui. J'ai pris cet argent-là. Combien comme ça? C'était, je crois bien, ça pouvait monter dans des cinquantaines de mille. Oui. J'ai complété maintenant sur ce que j'avais. Mm-hmm. Et sur moi, j'avais dans les montants, j'avais presque 85 000, 85, 90 000. Oui. Maintenant, seul, oui. j'ai dit que bon, maintenant, comme il s'est découragé, moi, je vais aller seul. Oui. Et là, tu ne l'as plus dit? Non, je ne l'ai plus dit. Maintenant, c'était action personnelle. Oui. Puisque je n'avais même plus de salaire de coiffure, je n'avais même plus de bouquins. Parce qu'en quittant, tu as vendu. J'avais tout vendu. Pour partir pour toujours. J'avais tout vendu. Oui. Et mes vêtements, j'avais déjà tout distribué. Et là, quand tu as fait cela, dans le premier acte, tu vends tout avant de déguerpir. Mm-hmm. Quand tu reviens, comment tu vas au quartier? Non. Quand je reviens, puisqu'on ne connaissait même pas, puisqu'on n'aime pas faire 2 à 3 jours de haut. Oui, oui, oui. On a fait qu'un aller-retour. Aller-retour. Bon, c'était pas encore. On ne sait pas quoi vous avez dit. Ce n'est que, je crois que ce n'est que peut-être. Personne ne connaissait même, personne oui. ne connaissait. Mm-hmm. Ni chez nous, personne ne connaissait là où tu étais en train de partir. Oui. C'est quand maintenant je suis revenu au deuxième tour-ci. Oui. Et qu'en ressortant maintenant, oui. j'ai eu à voler l'argent de ma maman pour compléter mon argent. Oui, l'argent qui t'a donné garder. Effectivement, oui. Mm-hmm. Et ce jour-là, ma grande soeur que je suis directement avait accouché. Oui. Le bébé était encore, parce que l'enfant aujourd'hui a presque 17 ans. Oui. Il a 18, monte à 17 à 18 ans. Oui. Elle était déjà en train d'allaiter. Oui. Il lui a dit que je suis bon parce qu'il est en train de partir. Oui. Elle m'a dit que c'est comment. Je viens parler, dit que non, comment tu vas venir, laisse-moi partir seul. Oui. Mais elle comprenait. Est-ce qu'elle comprenait ce que tu disais? Oui, oui, je lui ai dit, puisque avec elle, on s'est partagé beaucoup de choses. Okay. Oui. Je lui ai dit que moi parce qu'il est en train de partir. Mm. Parce que sinon, je l'avais quand même brossé ça entre temps. Oui. Et entre temps, j'avais encore un de mes petits qui élevait même le poulet. Oui. C'est pour l'élevage. Mm-hmm. Elle m'a aidé, m'a volé tous ces poulets là. On allait là. Ta grande soeur t'a aidé à voler les poulets là. De mon deuxième petit frère. Oui. On allait vendre ces poulets là. Et puisque je devais aller chez un en soit c'était l'argent pour aller chez un marabout, un truc comme pour ça. Voir là. Si ça va donner. Oui. Si devant l'aventure sera bon. C'est comme ça que j'ai volé tous ces deux poulets. Et ton petit frère a su que c'est vous qui avez volé le poulet. Il s'est plus tellement, il a su que c'est moi qui ai volé son poulet. Mm-hmm. Continue. C'est comme ça que maintenant, quand j'ai eu à préparer toutes ces choses-là, mm-hmm. l'argent maintenant, j'avais, je crois que j'avais 85 000, 90 000 francs sur moi. Mm-hmm. Je suis maintenant allé seul. J'ai pris Douala Kumba. Mm-hmm. Dans le même itinéraire. Même itinéraire. Kumba, mm-hmm. jusqu'à Manfé. Manfé, maintenant, j'ai pris Ekok. Oui. Ecorc maintenant, Ecorc comme Ecorc, c'est la frontière du Cameroun. Cameroun oui. Ecorc maintenant, j'ai maintenant pris Aba. Aba. Aba, j'ai pris Lagos. Oui. De Lagos maintenant, j'ai pris, je crois que c'est Lagos, j'ai pris Cotonou. Cotonou au Bénin. Au Bénin, oui. De Cotonou maintenant, j'ai pris Abidjan. Mais comment tu traverses les frontières? Tu voyages avec quel document officiel? Je n'avais aucun document sur moi. Tu voyages comme ça, tu je traverses. Comme ça. Comment tu fais avec les gardes frontières ou ainsi de suite? Comment vous parvenez à traverser oui. les frontières sont peureuses ou poreuses comme ça? Non, les frontières sont normalement surveillées. Oui. Mais comme avant d'entrer dans la voiture, j'ai informé le chauffeur politique que vraiment, je n'ai pas de papiers, je n'ai rien sur moi. Donc celui qui gère avec c'est lui qui gérait. Oui. Et je peux dire, en des temps, ils avaient parce que tellement que j'étais jeune, oui. J'étais vraiment. Mon apparence était vraiment une apparence naïf de bébé en général. Mmh. Et puisque avant quelques kilomètres de la frontière, il me disait de descendre avec le motoboy. Oui. Le motoboy devait contourner la frontière. Oui. C'est comme ça qu'on a eu à traverser même la frontière de Cotonou. Vous descendez pourquoi? Vous marchez à pied? Oui, on descendait parce que la voiture devait passer normalement au niveau de la douane. Oui. Vu que c'était des voitures commerciales. Oui, on doit vous suivre. On doit suivre là-bas normalement. Oui. Puisqu'en Afrique de l'Ouest, comme ils ont une liberté de circulation, là, avec oui. le cadre d'antique, ils peuvent circuler normalement et le cadre de vaccination. Oui. Mais comme moi maintenant, j'étais de l'Afrique centrale, oui. il nous faut automatiquement un visa. Oui. Raison pour laquelle je descendais avec le motoboy et on contournait. Ok, vous contournez la barrière des douanes, vous passez autre pour aller les attendre devant. Devant. Mm-hmm. Soit on passait même au niveau de la plage, comme ça. Comme c'est les frontières qui font encore. Ils ont une même eau. Oui. Bon, on contournait, on jonglait en général. Oui. C'est comme ça qu'au fur et à mesure on avançait. Oui. Jusqu'à ce qu'on a bien maintenant pris Cotonou, Abidjan. Là, depuis le Cameroun, quand tu voyageais seul cette fois-ci, mm-hmm. n'y a-t-il pas eu un moment où tu as eu des regrets ou quoi? Non, au contraire. Tu fonçais. Au contraire, j'étais foncé. Tu étais galvanisé. Oui, vraiment, oui. Mm-hmm. Il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher puisque quand je voyageais en général, même, j'avais toujours du succès. Bon, je peux dire que j'avais du succès parce que je n'avais pas de problème en route. Mm-hmm. Ni avec la police, ni avec des bandits. Oui. Tout le monde, bon. Et là où j'étais assis, le voisin, quand il payait même quelque chose, il me donnait. Oui. Donc tu avais la grâce d'avoir des gens qui te nourrissaient même. C'est ça même. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Donc tu as traversé deux frontières, la frontière Cameroun, Cameroun-Nigeria. Et puis de l'intérieur de Nigeria au Bénin. Mm-hmm. Oui. Et tout ça passait à Mévé. Sans problème. Ok. Maintenant Cotonou, maintenant on a pris Abidjan direct. Abidjan. Parce que je ne voulais plus m'arrêter à Lomé. Ouais, à Lomé au Togo. Au Togo. Mm. J'ai directement pris Abidjan. Oui. Puisque je crois que tu avais payé 25 000 francs CFA. Oui. Pour des transports, pour la vol. Cotonou, Abidjan. Oui. La voiture a décollé. Puisque pour entrer maintenant à Abidjan, on passe maintenant par Accra. Par Accra, au Ghana. Lui. Au Ghana, oui. Mm-hmm. Et au Ghana, je n'ai pas eu tellement des problèmes aussi. Oui. Puisque je crois bien qu'on avait jonglé. Oui. C'est maintenant à Abidjan même. Quand vous êtes arrivé à l'intérieur d'Abidjan. À l'intérieur d'Abidjan, qu'on a traversé la frontière de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est là où les contrôles, les barrages. Il y avait beaucoup de barrages. Oui. Et c'est là où... Parce qu'en ce temps-là, la Côte d'Ivoire était sous tension. Effectivement. Et là, il y avait des mesures de sécurité. Mm-hmm. Qui étaient partout. Des sécurités qui étaient partout, oui. Qui étaient partout. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on a eu à jongler. Bon, je ne peux pas vraiment encore bien me détailler comment ça s'est passé. Parce que ça fait bien l'année d'aujourd'hui. Oui. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Abidjan même. Oui. On est arrivé à la gare d'Adjamé. Oui. C'est à la gare d'Adjamé que je suis descendu. Je ne connaissais personne. Oui. Mais il savait quand même que mon oncle est en Côte d'Ivoire. Oui. J'ai dit que Seigneur, comment je dois faire? Il est en Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas où il se trouve. Oui. Je suis comme ça à Djamé. Oui. Je regarde de gauche à droite, je vois, je vis ce qu'il fait comme. Avec ton petit sac. Avec mon petit sac. Oui. Est-ce qu'il y avait un voyage comme petit? Je n'avais même pas plus presque rien sur moi. Il n'avait rien. Parce que j'avais su que pour bien voyager, il ne faut pas voyager. Il faut avoir les charges. Il faut avoir les charges. S'il faut fuir, quelque part, tu fuis. Il faut fuir. Puisque j'avais même cousu, j'avais payé, comment on appelle encore si j'avais un Bermuda. Oui. J'ai fait une poche à l'intérieur avec fermeture. Pour toi-même. Ben, moi-même. Tu es devenu couturier. Oui. Bon, pour garder ton agence, on allait à l'intérieur. Comme ça, même si donc quelque part, tu sais, c'est bien protégé. Oui, c'est comme ça. Oui. Parce que ça veut dire que, bon, Tellement que au Cameroun, j'étais un peu délinquant. J'avais compris que c'est quand tu regardes à l'extérieur, oui. Le on peut voler. Oui, oui. Bon, j'avais plutôt fait ça qu'à l'intérieur, à l'intérieur. Dans le Birmingham même. Mais comment tu fais pour. Parce que le franc CFA de la zone de l'Afrique de l'Ouest est différent de la France. Comment tu fais? Tu as fait des changements oui. J'ai changé ça au niveau de Cotonou. De Cotonou, donc tu as changé j'ai pour changé. Avoir des francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Okay. J'ai même eu certains problèmes avec même des changeurs là-bas. Oui. Parce que normalement, le franc CFA de l'Afrique centrale est. Quand tu donnes, c'est un peu 10 000. Oui, on te donne ils vont te donner 9 000. 9 000 bon, quand je me suis rendu compte comment je donne mon nom, tu me donnes mon nom comme ça, là, comment? Donc, tu pensais qu'ils sont là, comment pour te faire la même chose? C'est ça. Mais, oui, donc on se trouve au marché d'Adjamé. D'Adjamé. Au marché d'Adjamé, maintenant tu es en train d'attendre, tu ne sais pas où tu vas. Tu regardes tout le monde, ça tourne autour de toi. Bienvenue à un territoire étranger. Oui. Et entre-temps, il a déjà, vous avez fait combien de jours as-tu pris de Douala jusqu'à Adjamé? Combien de jours as-tu vous avez comment? Fait j'avais fait moins de 3 jours. Hein. 3 jours. Oui. Donc vous avez fait des stops dans le pays. Vu que j'étais allé une seule fois. Une seule fois. Je ne suis pas arrêté. Oui. Bon, au fur et à mesure, quand la voiture arrêtait, j'ai connu une voiture qui était prête à partir. Prêt à partir. Prêt à partir. Donc tu dormais dans la voiture. Je dormais que dans la voiture. Waouh. Continuons. Puisque je crois bien que j'avais fait de Douala pour Abidjan 4 jours, un truc comme ça. 4 jours. 4 jours de voyage. 4 jours de voyage. Tu dors seulement dans la voiture. Je dormais que dans la voiture. Étant à Djamé maintenant, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était au niveau de la grandeur des routes. Parce que c'était difficile. Parce que les routes sont vastes à Abidjan. Effectivement. À contrairement aux pistes que nous avons au Cameroun. C'est ça. Même. Merci d'insulter ton pays. Non, c'est que la vérité. C'était qu'une vérité. À ce temps-là, peut-être au niveau du Cameroun, on a eu à changer, je ne sais pas. Mais tu es au Cameroun, on a changé une route. Bon, puisque je ne circule pas vraiment dans les grands axes. Tu as entendu qu'il y a des grands chantiers au Cameroun. Je comprends. Donc, on va continuer. Donc, à Djamé, première remarque, les routes sont vastes. Comment avez-vous fait pour traverser ici? Pour traverser la route. Bon, vraiment, j'ai eu de la peine. Hein, oui. Pour traverser un boulevard pour partir de l'autre côté. Parce que je me rendais compte que c'était environ, quoi c'était? 5 voies. Le 7, oui. 5 voies d'un côté. Oui, c'était vraiment très difficile. Et jusqu'à ce que... Et à grande vitesse. À grande vitesse. Oui. C'est vraiment un passant, un citoyen de la Côte d'Ivoire qui a tenu ma main pour m'amener de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté de la route. Oui. Et j'arrive maintenant par la base. Comment je vais faire pour trouver mon oncle? Oui. Je savais seulement que mon oncle est en Côte d'Ivoire. Oui. Tu ne connaissais pas la ville dans laquelle il connaissais pas la ville d'été. Je savais quand même qu'il était à Abidjan. Ok. Bon, j'avais qu'il était à Abidjan, mais je ne savais pas dans quel quartier il était. Oui. Je n'avais pas son numéro, je n'avais absolument assez, rien. C'est assez vaste. C'est très vaste même. Je crois ce jour-là, j'ai commencé à. J'ai pris une rue. Dans tout ça, tu n'as pas prié. Ou bien tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Tu n'as pas de. C'est parce que c'est là, à la fin, c'est là où ça aboutit. Je n'ai pas prié. Quand tu restais au marché d'Adjamé, disant que mais voici maintenant, il me faut trouver mon oncle. L'équation, c'est trouver une aiguille en bordure de mer. Là, comment, qu'est-ce qui t'est venu à cœur de faire? Je crois, si j'ai bonne mémoire, j'avais quand même dit qu'il ne faut pas que je dorme dehors. Oui. Je crois que j'avais dit qu'il ne faut pas que je dorme dehors. Je dois dormir chez mon oncle. Chez ton oncle. Oui. Sinon, je ne crois pas que j'avais quand même invoqué le nom du Seigneur. Oui. Là, tu n'as pas son adresse. Alors, dis-nous comment tu as fait. J'ai pris un tronçon. J'ai commencé à marcher. Je suis arrivé. J'ai vu, je crois que c'était une femme qui. Une couturière. Oui. Comme il y a beaucoup de couturiers là-bas. Oui. J'ai dit que, ouais, vraiment, je cherche un Camerounais. Oui. Qu'on appelle. Tonton Patrice. Oui. C'est tout ce que j'ai dit. Mais Tonton Patrice, c'est le nom que vous connaissez au Cameroun. Oui, c'est le nom de mon oncle. Oui, et là, allons-y, tu vas en aventure et tu te trouves à Abidjan. Tu as quel âge exactement? Parce que pour le moment, j'ai 39 ans. Oui. Je crois que j'étais 20 dans en arrière. Oui, 20 en arrière. Et là, nous sommes aux environs de 19 ans. 19 ans, oui, à peine même 19 ans. À peine 19 ans. À peine 19 ans. Donc, avec 17 ans, 18 ans, 19 ans, tu es en aventure. Effectivement. Ouais. À peine 19 ans même. Et c'est comme ça que j'ai demandé à cette femme-là que je veux voir un Camerounais qui appelle Tonton Patrice. Elle m'a dit qu'il y a beaucoup de Camerounais, je ne sais pas comment je vais te indiquer. Et elle m'a plutôt maintenant conduit vers un autre Camerounais. Maintenant, quand je suis allé vers ce Camerounais-là, je lui ai maintenant indiqué. Je lui ai dit que, mais comment tu cherches qui dit que cherche tonton Patrice. Il est de quel village? Et c'est qu'il a qu'à Abidjan, comme il s'est réunissé à la communauté là, il m'a plutôt maintenant orienté vers le clan Bamileke. Oui. Et puis j'ai dit que non. Lui, il était un Camerounais de quel Je crois qu'il était un Camerounais Bassa. Bassa, oui. Il m'a plutôt indiqué maintenant le clan Bamileke. Je vais le chercher, là-bas. Et quand je suis venu au clan Bamileke, on m'a dit qu'il est de quel village. Oui. J'ai dit qu'il est Bansois. Oui. Bon, c'est ça qui a permis à ce que on contacte maintenant. On contacte maintenant rapidement les Bansois. Oui. Et puis quand je suis comme moi en face d'un Bansois maintenant, le Bansois là, lui, est maintenant connu. Wow. Je crois qu'autour de 17h, j'étais déjà chez lui. Et il n'était pas étonné? Non, il était étonné. Mm. Il était étonné, puisque il est pas. Au fait, je peux me dire que je ne l'ai pas vu quand il était au Cameroun. Oui. C'est là-bas maintenant que oui, je pour la première fois. Mais comme tu as regardé le nom, c'est effectivement. Mm. Quelle était sa réaction et comment? Ne t'as-tu pas posé de questions? Sa réaction, c'était qu'il a. Bon, il était seulement face au mur. Oui. Je sais que dans son cri, il n'était pas content. Oui. Parce que personne n'aimerait être dans une situation là-bas, il voit sa personne venir comme ça. Oui. Du coup, sur lui, il ne s'en donne même pas. Oui. Donc, il est marié. Il était marié. Avec des enfants. Je crois qu'il avait deux femmes. Il avait deux femmes et puis des enfants. Et dans quel quartier d'Abidjan, finalement? Il était à deux plateaux. À deux plateaux. Deux plateaux à Abidjan. Deux plateaux, oui. Deux plateaux à Abidjan, oui. Et entre-temps aussi, j'avais aussi certains cousins à Abidjan aussi. Bon, c'est-à-dire. L'enfant de la petite sœur de mon père. Oui. Et entre-temps, lorsqu'ils ont su que j'ai voyagé, ils ont fait une réunion familiale ici au niveau du Cameroun pour informer son enfant là-bas que fais attention, il y a un bandit qui est en train de venir. Oui. Bon, ne le reçois pas chez toi. Oui. Ça a permis à ce que quand je suis arrivé à Abidjan comme ça, puisque ce cousin il est très bien connu à Abidjan, puisqu'il fait dans les vestimentaires. Oui. Ils avaient un magasin qu'on appelait les jumeaux. Oui. À Abidjan, mais en général, même il est bien connu. Oui. Oui. Et c'est comme ça qu'on a fait la réunion pour lui dire qu'il fasse attention, que si j'arrive là-bas, s'il me reçoit, je vais tout voler chez lui. Oui. Bon, l'ampoule rouge était déjà allumée. Oui. On avait mis le feu rouge partout. Mm-hmm. Bon, c'est mon papa même. C'est mon papa même qui part comme ça, même dit à sa soeur, informe vite ton enfant là-bas, parce que le grand bandit... Donc, on peut te considérer comme un grand bandit. Effectivement, il me connaît comme un bandit, puisque lui et moi, on a toujours eu... Des antagonismes, des tiraillements. Des tiraillements. Maintenant, je crois bien, j'ai été conduit maintenant plutôt chez mon cousin. Oui. Parce que quand mon oncle a su que j'étais là, a dit que, ouais, amenez-le plutôt chez mon cousin, il va venir me chercher plus tard. Oui. Puisque lui, et il voulait s'en débarrasser, c'était terrible pour s'en débarrasser ou quoi? Bon, je crois que, puisqu'il était quand même reconnaissant que c'est mon papa qui lui payait la pension des études là. Bon, je me dis que peut-être c'est parce qu'il était occupé, parce que lui faisait dans la librairie. Oui. Il fabriquait les ardoises. Oui. C'est sûr qu'il était à la fabrique. Oui. Comment il sait? Parce que plus tard, moi-même, c'est dans ça que lui-même m'a pris aussi plutôt. Il formait là-dedans. Bon, j'ai été conduit chez mon cousin. Et mon cousin, étant maintenant déjà allaité, il y avait des distances. C'est comme ça qu'il a rapidement fait pour se débarrasser de moi. Il m'a plutôt renvoyé chez mon oncle. Chez mon oncle, maintenant, c'est comme ça qu'on vivait ensemble. On partait travailler ensemble, puisqu'il avait une bouquinerie. Il avait une. Dans le temps, tu avais ton bémina, ton chaud, toujours. Non, je n'avais plus que. Tout était fini. Okay. Il n'avait plus que rien. Maintenant, il fallait maintenant seulement que je remplisse encore. Tu avais comme ça pour emmagasiner. Oui, j'emmagasinais. Mais quand tu travailles là-bas, il croit que tu es venu rester là-bas alors que ton objectif c'est de continuer. Non, mon objectif c'était de gagner de l'argent pour rentrer au Cameroun. Pour rentrer au Cameroun, pourquoi encore? Non, puisque je voulais aussi revenir comme nos grands frères. Ok, donc ça veut dire que comme tu étais en Abidjan, tu pensais que si tu pouvais faire cet argent là-bas, et rentrer au Cameroun. Un coup quelconque. Un coup, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si tu pouvais trouver même, comme on dit, un job, c'est-à-dire. Oui. Si tu vois quelqu'un qui a négligé l'argent, effectivement. Tu vois cet argent, tu rentres au Cameroun. Bon, c'était ça dans mon objectif. Donc en fait, tu n'as pas un pays bien précis où tu devais partir. Non, je comptais rentrer au Cameroun. Je n'en viens pas à l'Europe, je ne veux pas aller en Europe. Je voulais seulement rentrer au Cameroun pour aussi. Aussi. Tu peux dépenser de l'argent. Effectivement. Et c'est comme ça que quand mon oncle m'a mis dans ces petits trucs là-bas, j'ai commencé rien qu'à voler. Oui. Bon, si j'ai parti, j'ai vendu 10 000 par exemple, je coupe 2 000, je garde. Oui. Et c'est pour là que j'ai gardé, c'est moi qui gardé, c'est moi que j'ai gardé. Oui, quand tu gardes, tu penses au Cameroun. Effectivement. Quand c'est 2 000, c'est bien les dépenses au Cameroun, on le voit. Et pour finir, même, la poche de Vida était là tellement petite. Oui. Ça ne suffisait même plus pour garder là, c'est saturé. Oui. Et je me sentais vraiment mal à l'aise. Oui. Bon, au fur et à mesure que quand je le voyais maintenant venir, il fallait que je cache pour qu'il me voie. Pour qu'il va commencer à gonfler. Bon, c'est comme ça que tellement que ça m'a gêné. Je suis maintenant plutôt allé maintenant voir mon cousin. Je lui ai maintenant confié. Il a dit que, pardon, garde-moi mon argent que j'ai gardé. Oui. Bon, c'est tellement bizarre. C'est celui dont tu parles qui a les boutiques là. Effectivement. Et qu'on avait averti que averti que c'est un grand bandit. Mais lui-même, il t'a dit cela qu'on avait averti. Non, c'est plus tard quand je rentre au Cameroun. Oui. que maintenant, ça, que maintenant il y a eu problème familial entre temps là. J'ai sorti, j'ai entendu. Et là, comment était son comportement vis-à-vis de toi quand tu venais vers lui? Puisqu'on avait dit qu'il était trop méfiant. Il était trop méfiant. Parce qu'il embauchait plusieurs personnes. Oui, mais oui. Moi, il a carrément refusé que j'habite chez lui. Oui. Ni même m'embaucher. Oui. Bon, tellement qu'il était sur ses gardes. Oui, oui. Et là, tu es venu donner ton argent. Ton argent était aux avenues de combien? Je crois que c'était dans les 200. Presque dans les 200, 300 000, un truc 300 000 déjà, en billets. En billets de 2 000. Tu sais pas billets. Comment garder, parce que c'est tellement que ça gonflait. Et j'avais peur que mon oncle, parce qu'il louait dans un studio. Oui. Et en tant que grand garçon, comme ça, tu vois un peu, bon, je dormais sur un canapé, sur un fauteuil au niveau du salon. Oui. Bon, ça me gênait tellement aussi. Oui. Et entre-temps, ça gonflait déjà tellement beaucoup. Oui. Bon, j'avais vu comment il devait faire. Je suis maintenant plutôt allé donner à mon cousin de garder. Oui, parce que c'est la seule personne. La seule personne qui pouvait garder. Et quand je lui ai donné, certainement, ça n'a que reconfirmé que ce qu'on avait dit. Comment tu as fait pour avoir la salle beaucoup? Il ne m'a rien demandé. Oui. Il a seulement gardé. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai encore eu le fardeau de retourner au Cameroun. Oui. Bon, est-ce qu'il n'a pas averti ton oncle avec qui tu habitais que ce garçon m'a donné de l'argent de garder? Je ne crois pas. Ok. Je ne crois pas. Sinon, que mon oncle devait me dire. Je suis resté maintenant comme ça un jour encore le fardeau. Et tu continues toujours à accumuler encore dans le... J'accumule encore l'autre. Oui. Maintenant, le fardeau de retourner au Cap, parce que j'avais fait maintenant moins d'un an. Oui. J'ai eu envie de rentrer au Cameroun. Oui. Je suis allé le voir. Oui. Il m'a remis mon argent. Oui. J'ai pris encore la route. Je suis rentré au Cameroun. En tout cas, entre temps, là, il a moins 300 000 qu'il a gardé. Effectivement. En tout cas, tu as encore épargné dans ta banque de Bermuda. Moins de 100 000. 100 000, oui. J'ai eu 70, 80, 50, un truc comme ça là. Oui. Ça n'a que permis que je complète ce que j'avais. Oui. Je suis rentré au Cameroun. Tu as compris le même itinéraire. Même itinéraire, je suis arrivé au Cameroun. Oui. Et quand j'arrive au Cameroun maintenant, beaucoup de mes amis maintenant aussi sont en chaleur. Oui. Ils veulent qu'on parte aussi maintenant. Ils ont maintenant vu de l'argent que tu allais faire en quelques temps. Et les vêtements que j'avais apportés. Oui. Comment j'avais un peu changé tout. Oui, tu avais pris comme le Abidjanais s'habille là. Voilà. Quand tu es venu là-bas, tu t'habillais bien. Voilà, c'est ça. Et ça les a aussi un peu galvanisé. Ils ont compris. Et ton ami avec qui tu t'es allé la première fois, quand il a vu que tu étais venu, que tu revenais avec l'argent. Il s'est maintenant quoi attaché à moi maintenant pour dire qu'il faut qu'on parte la prochaine fois ensemble. Et en quittant Abidjan, est-ce que ton oncle était au courant? Je ne l'avais pas quand même dit au revoir. Tu as disparu comme ça la situation. Je suis parti une fois comme ça là. C'est le cœur de lion que tu as, non? Ah. C'est même pas encore vraiment un cœur de lion. Le cœur de lion est venu plus tard. Ok, donc ça veut dire qu'on a. Donc vous tous qui nous écoutez, c'est Bambay Baba. Le cœur de lion de notre frère bien-aimé. Continuons. Bon, c'est comme ça que maintenant, quand je suis revenu au Cameroun, il y a eu deux de mes amis qui m'ont contacté, qui veulent aussi aller. Et entre temps. Attendons doucement. Je pose des questions. Tu rentres, tes parents sont là, ton père, ta mère, ta soeur, qui t'a fait partie, et celui que tu as volé le poulet, on est parti. Quelle est la, comment est la paix? Ils sont contents, ils sont dans la joie, ils sont contents. Même celui que tu as volé le poulet. Tout le monde est content. Oui, même le papa est content. Je crois que le papa, entre parenthèses, est content, même comme on ne se voit pas, parce qu'on ne se voit pas physiquement. Oui. Il savait quand même que j'étais là. Oui, et la maman, quelle était la maman? La maman disait que ouais, tu m'as encore revenu faire quoi? Pourquoi tu n'es pas resté? Mais tu leur devais quand même son argent que tu avais volé. Non, il n'est pas donné. Oui. Il n'est pas donné. Puisque c'est tellement que. Tu peux dire quoi? Tellement que l'accélération de la vie, ça a fait que. Oui. Dans le quartier aussi, on a entendu parler de ça. Oui. Quand j'ai passé maintenant, on pointait aussi du doigt. On dit que Quel est le petit nom qu'on t'avait donné là? Tu sais que dans ces cas, on a le petit nom. On a le petit nom, n'est-ce pas? Bon, en ce temps-là, je crois que je suis. C'est pas Rambo. Non. C'est pas Chao Mao. On m'avait donné le nom d'Esprit. Esprit. Voilà. On dit que, oh, Spirit. Oui, on dit que voilà un esprit. Oui. Il est parti seul et il est revenu seul. Il est revenu seul. Oui. Et c'est comme ça que maintenant, parmi mes amis, ça a rapidement fait une distinction. Oui. Et puis maintenant, deux. Et toi-même, tu commences à choisir maintenant, toi-même. Tu avais une autorité au point où c'est toi qui fais maintenant le choix de tes amis. C'est ça même. Et puisque je crois que j'avais fait moins de 2 mois. Oui. Et l'envie de repartir encore venue. Revenu. Oui, et maintenant deux se sont attachés à moi. Oui. Et y compris celui avec qui tu étais passé la dernière fois. Non. Je l'ai laissé parce qu'il a vu que on ne pouvait plus aller loin. Puisque l'acte qu'il m'avait fait, tout m'avait beaucoup déçu. Oui. J'ai plutôt choisi deux autres. Oui. Ils sont venus, ils m'ont expliqué leur problème. Oui. C'est même la maman de l'autre qui m'a expliqué, ouais, vraiment, on n'a pas l'argent, prends celui si tu pars avec lui. Oui. Et entre-temps, mon cousin qui était à Abidjan maintenant m'a aussi appelé. Oui. En me disant que, pardon, que j'aille au village, je prends son petit frère aussi. Oui. Ah, celui qui était à Abidjan, oui. Dont on a averti que. On a averti que oui. Je suis un grand bandit là. Oui. Il t'a encore galvanisé. Il prend son petit frère. En venant. Et il y a aussi quelqu'un aussi à Abidjan qui m'a aussi dit de prendre encore son petit frère. Oui. Bon, j'ai voyé quatre personnes. Quatre personnes. Tu étais le chef de groupe. Effectivement. Esprit. C'est comme ça que je les ai guidés jusqu'à ce qu'on arrive à Abidjan. Oui. Je les ai remis chacun dans leur famille. Wow. Et puis maintenant, j'ai maintenant pris mes deux amis. On est plutôt allé quelque part, on a loué. Oui, donc puisque tu connais un peu le territoire. Mmh. Et tu as encore revu ton oncle? Je ne l'ai plus revu. Donc quand tu es allé jusqu'à revenu, tu ne l'as plus revu. On ne s'est plus revu. C'est comme ça qu'on est resté. Je crois que c'est à partir de la Côte d'Ivoire maintenant que l'envie d'aller maintenant en Algérie. En Algérie. Naît en moi. Et là, la deuxième fois, quand tu pars et tu reviens avec tes amis. Ton cousin qui a la boutique d'habits jumelles, il t'a fait que tu l'expédies ou bien tu viens avec une personne. Tu viens, il est content de toi. Il est très content de moi-même. Il me paye même, il me reçoit bien. Oui. Il me donne encore le nouveau vêtement. Oui. Il est très content. Il est très content. Et là, vous faites combien de temps à Abidjan? Je crois qu'on avait fait moins d'un mois quand même. Donc vous avez trouvé une location avec les deux amis ou vous aviez à trois. Quel était votre quotidien? Vous faisiez quoi? Le quotidien, c'était qu'on quittait souvent vers le soir parce qu'on dormait beaucoup plus en journée. Oui. On quittait vers le soir, maintenant on partait au niveau de la rue de la Joie. La rue de la Joie à Abidjan. C'est comme ça qu'on tournait, on vagabondait aussi, comme ça on montait, on descendait. Je crois même pas qu'on essayait une activité. Vous avez un peu d'argent si vous mangez. On dépensait, puisque eux ils avaient un peu d'argent. Oui. Et comme c'était moi qui les guidais, j'avais accès aux finances facilement. Et c'est comme ça qu'on. Et eux ils avaient quel âge? Comparativement à toi. C'était tes grands frères ou tes petits frères? Non, il y avait un qui était mon petit frère et un qui était mon grand frère. Oui, mais jusque-là, tu étais le chef. Parce que j'étais plus éveillé que tous les deux. Et je crois bien qu'on a tourné. Bon, au fait, on a aussi vu certains gars qui venaient de l'Algérie. Oui. C'est maintenant eux qui nous ont aussi blasés. Oui. On m'a dit que bon. Ok, donc en même temps, vous êtes à Abidjan. Il y a aussi des gens qui font les navettes Algérie, Abidjan. Oui. Donc quand ils trouvent l'argent à Abidjan, en Algérie, ils viennent à Abidjan dépenser aussi. Oui, continuons. C'est comme ça que quand on les a rencontrés, ça m'a aussi galvanisé. Je m'a dit que bon, il faut qu'on parte même plutôt en Algérie. Oui. C'est comme ça que pour aller en Algérie, il fallait qu'on fasse maintenant par le Mali encore. Par le Mali, oui. On est encore retour, on est même passé par le Mali. On est arrivé au Mali. Lorsque la CAN, je crois que c'était la CAN 2002. La CAN 2002, c'est le Cameroun. Le Cameroun, oui. Oui. Là où le Cameroun, quoi, le Cameroun avait gagné le Mali. Oui. Le Mali, oui. On avait le Mali. Et entre-temps, il y avait. Avec les Pius Ndjefi et les Salomon Olemi. Oui. On arrive au Mali et tellement qu'on était bouleversés, même dans les idées. Oui. On arrive au moment de la finale. On dormait plutôt au camp camerounais. Oui. Parce que c'est pour que la CAF avait donné un camp pour le Camerounais. Oui. C'est là où on venait aussi jongler. C'est là où il y avait beaucoup de Camerounais. Oui. Et le soleil, tellement qu'il faisait chaud au Mali, oui. J'ai compris que non, il ne faut pas qu'on reste au Mali. Que la température, oui, le climat, là, c'est pas pour vous. Oui, c'est pas pour nous. Et entre-temps, on a suivi dans les rumeurs qu'il y a un train gratuit pour ceux qui veulent aller au Sénégal, oui. Pour les Sénégalais. Oui. C'est comme ça qu'on a maintenant jonglé. Après la CAN, on est entré dans le train pour aller même plutôt au Sénégal. Oui. Attends, vous n'êtes pas Sénégalais, comment vous entrez dans le train pour les Sénégalais? On a seulement jonglé. Ok. Parce qu'on a gens sont sûrs que ceux qui entrent sont les Sénégalais. C'est ça. Puisque c'était un train pour les supporters sénégalais, oui. Qui retournaient. Oui. On a profité maintenant l'occasion. On est plutôt entré maintenant. Voilà combien on vient d'arriver au Mali. Hein. Oui. On n'a pas fait parce que même 2 semaines au Mali. Oui. Voilà plutôt maintenant qu'on a vu un truc. Donc vous dites toujours aux aguets des occasions. Des occasions. Oui. C'est comme ça qu'on est maintenant allé plutôt au Sénégal. Oui. Dès qu'on arrive à Dakar maintenant, on cherche les Camerounais. On nous montre un quartier qu'on appelle Gueule Tapé. C'est là où ils étaient. Oui. À Dakar. Au Sénégal. C'est comme ça qu'on part, on rencontre des Camerounais, on se rend compte qu'ils dormaient plutôt qu'au bord de l'océan. Oui. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas de maison. Oui. Et en temps, la vie coûtait tellement cher. C'était coûté tellement cher. Donc, ils trouvent les cartons et là-bas, ils mettent au son, ils dorment là où les pêcheurs viennent souvent pêcher en journée. Oui. Bon, et dans la nuit, maintenant, on vient, on balaye. On met les cartons là-bas, oui. On dort. Oui. Le matin, on se lève, on passe la vie à l'université chez Kanta Job. Oui. Comme c'est une université. Bon, tout le monde ouvert, tout le monde entre quoi. Oui. Bon, avant d'entrer, on se dresse un peu comme les étudiants. Oui. Vous entrez, on profite. Oui. On part directement à la douche, on se lave. Oui. Et c'est comme ça, nous, souvent, même pour manger, oui, on arrive aussi. À l'heure, on ne pas avoir le vestiaire. On se dresse aussi normalement. Ceux qui ont la chance, ils parviennent à entrer sans prendre leur contrôle au restaurant. Mm-hmm. Et ceux qui n'ont pas la chance, on les bloque dehors. Oui. Et c'est comme ça, quand on te bloque dehors maintenant, puisque le Sénégal, vraiment, c'est un pays très très difficile. Oui. Que manger là-bas n'est pas facile. Oui. Jusqu'à ce que quand tu ne parviens pas à manger, quand tu ne parviens pas à trouver. Quand tu ne parviens pas à entrer, oui, tu es obligé maintenant d'aller attendre les restes de nourriture que les universités vont. Qu'on va baisser. Oui. Là, maintenant, on profite aussi, on mangeait quand on ne parvenait pas à entrer à l'intérieur, du restaurant. Mmh. On a jonglé. Et puis, on s'est rendu compte que c'est un pays qui fait. C'est un pays là où il y a les bateaux qui vont en Espagne. En Espagne. C'est oui, un, on dit que, ah, okay. On dit, oh, ok, voilà une occasion, oui, qui est arrivée. Mmh. Il y avait un Camerounais qu'on appelait Asimba. Mmh. Il travaillait au port. Oui. Il avait contact avec certains Sénégalais qui travaillaient dans des bateaux. Oui. C'est comme ça qu'on est entré en contact avec Asimba. Asimba, oui, nous a mis en contact avec ces Sénégalais-là. Oui. Ils nous ont dit que bon, si on apportait 50 000, oui, par personne, oui, il va le mettre dans le bateau. Oui. C'est comme ça qu'on a commencé à contacter la famille. Puisque là, je n'avais même plus l'argent. Oui. J'ai contacté le Sénégal, maintenant, vous appelez au Cameroun, oui, pour dire envoyer de l'argent. Mmh. Mon ami a appelé au Cameroun, envoyé son argent. J'ai plutôt appelé mon cousin. Oui, que j'avais perdu sur Abidjan, il m'a envoyé un peu d'argent. Oui. Je crois qu'on s'est encore battu. Il n'y a pas le travail. Mais attends, ça me pose un problème. Mm-hmm. Vous voyagez sans pièce d'identité. Mm-hmm. On vous envoie l'argent porte forcément par des agences. Mm-hmm. Comment faites-vous retirer cet argent? Puisqu'on envoyait, on s'était fait certains faux documents. Ok, donc entre temps, vous faites des faux documents. Oui, puisqu'il y a des Camerounais sur place qui sont comme les ambassadeurs. Ils ont tous les cachets. Ils ont le cachet de l'ambassade, tout. Les Camerounais ambassadeurs. Oui. Et c'est comme ça qu'on a fait. Ils ont fait. Oui, attends. Ils établissent le cadre d'entrée ou bien le passeport. Non, ils établissent beaucoup plus les cartes consulaires. Les cartes consulaires, soit les permis de conduire. Oui, puisqu'avec ça, vous pouvez toucher quoi que ce soit. Effectivement, puisque il y a un cachet normal, tout ça. Oui. Ce sont les Congolais qui traçaient les cachets. Waouh. Avec, je crois bien, les babouches. Oui. Ils coupent ça, ils tracent ça normalement, ils écrivent normalement. C'est exactement ça. C'est net. C'est même. C'est même plus authentique. C'est même plus authentique que l'original même, oui, qu'on fait à l'ambassade. Donc il y a des Camerounais à l'extérieur qui vivent de cela. Même l'acte de mariage, ils étaient faits sans problème. Tout document qu'on fait au Cameroun, là-bas, ils te font ça sans problème. Ils font ça? Sans problème. Même les impôts, même ils fabriquent ça. Ils te font ça. Les impôts, comment on demande les patents là dans les ambassades? Ils font ça sans problème. Et c'est authentique? Plus que même ce qu'on fait ici au Cameroun. Et sont les Camerounais qui font cela? Bien sûr. En utilisant les armoiries du Cameroun à l'extérieur. Mm-hmm. C'est quand même terrible, pas vrai? Ah. Avec le recul. Vraiment, c'est vraiment terrible, c'est terrible. Donc nous comprenons pourquoi le Cameroun est un pays listé en rouge à l'extérieur à cause de ces actes-là. Donc, non, ça veut dire qu'on fait les documents, les faux documents qui vous permettent de voyager. Mm-hmm. Et là, ça vous permet de prendre de l'argent qu'on vous envoie. Qu'on nous envoie. Mais il y a une histoire qu'on nous a racontée au Nigeria, quand nous étions au Maroc. Il y a une histoire d'une soeur, une vague de personnes qui devaient traverser, je crois, entre le Burkina, ou je ne sais pas quel pays là. Mm-hmm. On a dit que sauf le Malien ne traverse pas le Camerounais. Oui. Je ne sais pas si tu connais cette histoire-là. Je connais l'histoire. Essaye de me raconter, ça va avancer, parce que c'était trop amusant. Bon, l'histoire concerne que comme les Camerounais ont déjà une mauvaise réputation. Oui. Et entre-temps, les policiers burkinabés, oui, tellement qu'ils ont pas, en fait, la majorité d'eux ne sont pas instruits. Ils sont pas instruits, ils sont seulement l'armée comme ça là. Oui. Et ils ont demandé que les Camerounais d'un côté, les Maliens d'un côté. Côté, oui. Et entre-temps, même les Camerounais avec des documents maliens. Oui. Puisque en fait, c'est facilement accessible. Oui, c'est accessible. Et avec le document là, ils peuvent se rouler l'Afrique centrale facilement. Facilement. L'Afrique de l'Ouest. Facilement. Donc quand les Camerounais partent là-bas, oui, ils ont les documents maliens. Oui. Oui. Parce que moi-même, j'en ai eu. Oui. Et entre-temps, les Maliens ont commencé à pointer en disant que non, ceux-ci ne sont pas les Camerounais, ils ne sont pas les Maliens. Ils ne sont pas Maliens. Et là, vous avez les mêmes documents. Ah, Camerounais. Et là, ils ont les documents de leur pays. Vous avez aussi les documents de leur pays. Même chose aussi. Et ils vous dénoncent en disant que vous n'êtes pas les Maliens. On les dénonce qu'ils ne sont pas les Maliens. Oui, vous aussi les dénoncez qu'ils ne sont pas les Maliens. Oui. Ok, dis-nous comment ça arrive. Les policiers, quelle était leur réaction? Et les policiers, maintenant, tellement qu'ils étaient confus, puisqu'on se pointait des doigts. Oui. En disant que non, ils ne sont pas comme Maliens, ils sont Maliens, ils ne sont pas comme Maliens. Oui. Pour finir, les policiers nous ont maintenant classé deux camps. Oui. Ils ont dit que bon, vous qui dites qu'ils ne sont pas Maliens, mettez-vous de côté. Oui. Vous la mettez de côté. Mm-hmm. Chantez dites-moi national, on comprend. Du Mali. Est-ce que c'est ça? C'est là où l'affaire est intéressante. C'est ça. Mm-hmm. Maintenant, et comme les Camerounais vraiment sont éveillés. Éveillés, oui. Ils sont vraiment sans, bon, je ne sais pas comment c'est, bon, ils sont très éveillés. Oui. Quand ils sont mis de côté, oui. Les Maliens maintenant étaient perdus. Oui. Bon, ils ne sais pas comment ils étaient embrouillés. Oui. Et les Camerounais, subitement, ils ont eu l'envie de se mettre en rang une fois. Oui, ils sont en rang, ils ont mis les enfants à l'école. Oui. Donc, l'un d'eux est maintenant monté devant pour Antonio Lima. Oui. Donc, gauche, droite, gauche, repos fixe. Oui. Repos fixe. Oui. Même les policiers maliens étaient étonnés de voir comment il y a une harmonie. Oui. Mais dis, repos, autant fixe. Oui. Autant fixe. Mm. Au Mali. Berceau de nos ancêtres. et dans ce l'hymne national camerounais qui chante en mettant le nom Mali. Comme ça, les policiers que les commerçants ensemble, c'est le hymne de Mali. C'est ça. Le... Donc, en clair, cette histoire est vraiment amusante parce que ce sont les Camerounais qui chantent l'hymne national du Cameroun en mettant le nom de Mali. Et les Maliens sont à côté, ils ne connaissent pas l'hymne national. Ils ne connaissent pas l'hymne national de leur pays. Ils ne connaissent pas. Et par conséquent, les policiers burkinabés, qu'est-ce qu'ils font? Les policiers de ces chants-là. Burkinabés ont dit que les Maliens, là, qui rentrent au Mali. Les Camerounais? Les Camerounais continuent. Donc, finalement, on a chassé les Maliens, on a chassé les Maliens, on dit qu'ils rentrent. Que nous avons le vrai Malien. Qui rentre. Mais ils n'ont pas contesté. Puisqu'ils ne savent, ils ne savent pas bien parler français. Oui. Ils ne se défendaient pas normalement en français. Oui. Ils voulaient parler le Bambara. Oui. Et le côté de la frontière, là, ne parlait pas Bambara. Oui. Bon, si c'était le côté ivoirien, ils pouvaient bien s'en sortir. Oui. Bon, c'est tellement les policiers, les gardes là, oui. C'était, ils n'entendaient pas Bambara. Oui. Ils parlaient juste un peu français. Un peu français. Et comme nous parlions bien français là, oui. ça fait on s'entendait bien. Oui. Et là, vous avez chanté au Mali, berceau de nos ancêtres, va debout, dans l'autre fois de Talé. Ils ont compris que c'est nous les vrais Maliens. Que c'est nous les vrais Maliens. Ils nous ont salués, ils ont dit qu'entrer. Entrer. Oui, on a continué. Et les Maliens sont rentrés. On les a bloqués. N'est-ce pas terrible les Camerounais à l'extérieur? Très terrible. Donc, en une circonstance, les Camerounais changent l'hymne national du Cameroun changent, au Mali pour pouvoir réussir. Pour réussir et ça. Quand on traverse, quand ils traversent, entrer dans le Burkina, parce que le but c'est entrer au Burkina Faso et continuer. Pour continuer. Quand ils entrent là comme ça, ils sont quoi? Ils sont contents. Ils sont contents, ils avancent. On se disait que non, on a réussi la première étape. Oui. Maintenant, on attend ce qui sera là-devant. C'est quand même terrible, n'est-ce pas? Vraiment. Voilà, c'était une histoire seulement pour rigoler. Maintenant, revenons jusqu'à au niveau de là où on fait le papier pour pouvoir avoir 50 fois pour donner à un monsieur qui est le contact pour aller le bateau. Mm-hmm. Avançons. On a eu à jongler. On n'avait même pas d'argent ces temps-là. Oui. On a même, tellement qu'on était sûr qu'on a envoyé déjà les codes. Oui. On lui a montré les codes. C'est comme ça qu'on a fait rapidement. Il a fait. Il nous a donné. Oui. Faire le papier. Parti. Mm-hmm. On est parti retirer les 50 000 francs. Oui. Il fallait quoi comme papier pour entrer dans le bateau? Il fallait quoi? Il ne fallait quoi comme papier? Le papier était juste pour prendre l'argent. Ok. Pour prendre l'argent à Western Union. Ok. Oui. Et venir donner à ces responsables messieurs pour qu'ils nous introduisent dans la cale du bateau. Dans la cale, oui. Oui. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on a donné l'argent. Il nous a maintenant pris, mon ami et moi. Oui. Parce qu'entre temps, l'un de mes amis est plutôt resté au Mali. Pourquoi? Bon, à la canne là. Oui. Puisqu'il avait vu certains de ses amis du quartier. Oui. Il a profité de rester avec eux. Vous avez continué. L'autre ami et moi maintenant, celui qui était moins âgé que moi, oui. Lui et moi on a continué plutôt. Bon, il a refusé de partir dans le train qui allait quitter le Mali pour gratuitement pour le Sénégal. Effectivement, il est resté au Mali. Ok. Bon, l'autre moi on est monté maintenant au Sénégal. Ok. C'est comme ça que du Sénégal maintenant on a eu à jongler et on a payé la carte du bateau. Des moments où vous avez pris le bateau, le train pour quitter le Mali pour le Sénégal. Mm-hmm. Et là, au Sénégal, vous avez vadouillé pendant des moments, autour de l'université entière, job, mm-hmm. jusqu'à découvrir cette autre. Vous avez fait combien de temps? Ça fait combien de temps que vous avez mis dans... On a fait environ dans les 6 mois. 6 mois, 7 mois, mois, mois quand on tournait comme ça, là, mm-hmm. quand on parlait. Vous allez chercher la nourriture de part et d'autre. Mm-hmm. On contournait, on partait lancer les commentaires, parce que c'est le seul divin que le Camerounais fondait, rien qu'à le commenter. Commente sur le pays, le football. Il y a même certaines nationalités, quand ils veulent même s'informer. Ils viennent chez le Camerounais. Il vient chez le Camerounais. Ils ne disent que la radio. Ils disent que non, bon, ils ont un débat entre eux. Oui, ils disent pour être sûr. Oui. Ils disent allons demander Camerounais. Pour savoir ce qu'on dit là. C'est comme on dit là, c'est vrai ou pas? Oui. Bon, tellement que les Camerounais sont, je peux dire quoi, sont oisifs. Oui. Ils passent leur temps rien que dans les commentaires, la majorité de ceux qui sont en aventure là-bas. Oui. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a eu à remettre les 50 000 francs à ce monsieur. Mm-hmm. Il nous a fait venir un jour dans la nuit. Je crois que c'était dans la nuit vers 16 heures. Oui. Il a ouvert la cale. Oui. La cale du bateau, nous sommes entrés. Il a dit que bon, bonne chance à lui. Oui. Et je crois que c'était une cale de phosphate. Oui. C'était la phosphate qui devait aller en Espagne certainement. Oui. Mm-hmm. La cale du bateau, quelle est sa caractéristique? Frère, franchement, le bateau étant à l'extérieur, tu crois que c'est petit. Mm-hmm. C'est quand je suis entré dans la cale là, oui, que j'ai su que vraiment j'étais comme ça dans un autre monde. Oui. Explique-nous. Tellement à l'intérieur, c'est tellement. Mm-hmm. Comme la cale du bateau est très profonde, oui, et c'est spacieuse, c'est sous l'eau. Oui. Oui, c'est sous l'eau, c'est spacieuse. Oui. Et entre-temps, quand ils ont... Parce que c'est tellement pour introduire la phosphate, ils ont introduit ça que pas des tuyaux. Oui. Bon, assez verse, ça surmonte. Oui. Ça surmonte. Oui. Et lorsque nous sommes entrés, tout était blanc. Oui. Tout était blanc dans la dame. Puisque il a ouvert la porte. Oui. Un petit portail, nous sommes entrés. Oui. Quand c'est ce que j'avais vu. Oui. Tout était blanc. Oui. Mais lorsqu'il a fermé, c'est oui, devenu totalement noir. Noir. Donc vous ne voyez pas. On ne voyait plus absolument rien. Oui. On ne voyait pas. Je ne pouvais même pas voir celui qui était devant moi. Comment expliquer ça? Le blanc, la blancheur là venait de quoi? De la lumière? Puisque je crois bien que la phosphate est d'abord de couleur blanc cassé. Oui. Et certains graines encore sont encore bien blanches. Oui. Bon, c'est quand il a ouvert que la lumière du jour là a rendu tout ça. C'est que je vois okay, tout ça blanc. Oui. Et quand il a fermé, non, c'est devenu une obscurité totale. Mais c'était pas toxique pour vous? On voulait seulement arriver. On voulait seulement arriver en Espagne. Et lui voulait seulement prendre que son argent. Oui. Et vous savez que c'était là, dans la chambre là, il y a la force. On savait. Vous même aussi. Puisque c'est, je peux dire quoi? C'est l'une des matières premières du Sénégal. Du Sénégal. Mmh, et on avait vu même comme. Il transportait. Comme transporté. Bon, maintenant, et ça veut dire que ce monsieur a fait ce trafic là depuis. C'est un Sénégalais lui. C'est un Sénégalais. Oui, qui travaille dans le bateau. Qui travaille dans des bateaux. Dans des bateaux. Quand un bateau vient, comme il se fait, il a un bateau qui permet de travailler dans plusieurs bateaux. Oui. Et bon, ce bateau-là partait en Espagne. Ok. Et c'est comme ça qu'il a pris notre argent. Mmh. On a jonglé. Ça fait 100 000 francs CFA. Ça fait 100 000 francs CFA. Oui. On a jonglé jusqu'à ce qu'on entrait dans ce bateau-là. Oui. Et voilà qu'on entre dans ce bateau, on avait un sac aussi, il y avait la nourriture dedans, oui, les biscuits, l'eau, puisqu'on avait compris qu'il faut acheter bien la nourriture. Oui. Puisqu'on risque de faire un mois de voyage. Oui. Et on n'avait pas tellement acheté grand-chose. Oui. Bon, on se disait qu'à un certain moment, on va sortir pour aller au restaurant, oui, du bateau. Oui. C'est comme ça que nous sommes entrés dans la cale du bateau. Et je crois bien, très bien, en tant qu'un bon catholique en ce temps-là, quand je suis entré dans mon côté, oui, puisque les abords du bateau avec certains petits bars qui oui, bloquaient, oui, bon, c'était des bars comme ça là qui bloquaient. Oui. Tu vois, je oui, suis entré dans mon côté, j'ai fait le signe de croix, oui, en disant que je ferme la porte. En disant que je ferme avec, la avec porte. Avec ton nom, dans l'espace dans, comme ça. Oui. André, il ferme la porte, le signe de croix, mm-hmm, il ferme la porte. Mm-hmm. Mon ami, tellement que lui était aussi un enfant, mm-hmm, il a une fois entré de son côté, il a commencé à dormir. Il est fatigué. Tellement il est fatigué. Oui. Il dormait maintenant. Et bon, j'avais sa responsabilité et ma responsabilité. Oui. Surtout que c'était moi qui l'avais pris du pays pour l'amener là où il se trouvait. Justement. Là. Bon, s'il n'était pas là, s'il était là, on va me demander qu'il est où. Oui. On est resté. Le bateau a signalé première fois, boum, on avait dit que quand ça va siffler trois fois, oui, ça va sachez que ça en fait partie bientôt. Oui. Première fois, ils ont sifflé, boum, oui, deuxième fois, on attend, deuxième fois, boum, troisième fois, on attend, ça ne siffle plus, mais il y a encore quoi. Oui. Subitement, on a vu comment la cale s'ouvrait. Oui. Et c'était une patrouille. Oui. Ou bien on avait seulement signalé qu'on se met à l'intérieur. Oui. Je ne sais pas quoi s'est passé. Oui. Les messieurs sont entrés avec les torches. Oui. Ils commencent à parler espagnol en fouillant les cales, oui, en contournant comme ça là. Oui. Ils fouillaient. Et ils sont venus, ils ont attrapé mon ami. Oui. J'étais à côté, ils sont partis. Je me suis dit que c'est ma porte qui est fermée là qui m'a... Attends, pourtant si tu es physiquement là. J'étais là. On a attrapé plutôt mon ami qui s'est à côté. Et les surveillants sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Ils l'ont pris. Ils sont partis avec lui. Oui. Ils n'ont pu continuer. Oui. Ils se sont arrêtés juste à son niveau. Toi, tu les voyais. Moi, je les voyais. Eux, ils ne te voyaient ils pas. Ils ne me voyaient pas. C'est quand même terrible. C'est vraiment terrible. Tu n'étais pas. Ils avaient les torches. Ils avaient des torches. Et c'est allumé. Très pesantes même. Oui. Ils l'ont pris en prison, mon ami. Ils sont partis. Oui. La porte s'est encore refermée. Oui. J'ai compris que non, je suis seul. J'ai seulement pris sa nourriture. Oui. J'ai mis près de moi. Oui. Pour dire que bon, maintenant, j'ai bien à manger. Oui. C'est mais comme ça. On l'a pris. Il s'est réveillé puisqu'il dormait. Oui. Il s'est réveillé. Il n'a pas crié. Il n'a pas crié. Puisqu'on savait déjà qu'à l'aventure, quand on te prend, tu ne l'as rien dit. Tu n'as pas trahi celui qui est près de toi. Oui. On avait déjà ces informations-là. Oui. C'est comme ça qu'on l'a mené, il est prêt de partir. Oui. Maintenant, dans mon cœur, j'étais maintenant en train de vouloir accepter maintenant que je suis seul. Oui. Parce que quand tu es avec quelqu'un, ça t'encourage un peu. Oui. Il fallait que j'accepte parce que tu es seul maintenant. Quand je suis en train de vouloir me reconforter en acceptant, je comprends comment la carte s'ouvre encore. La case du tchat, maintenant qu'ils entrent encore maintenant, ils viennent uniquement là où je suis, ils envoient la main, ils me prennent. Oui. Bon, certainement, c'est plus tard que je dis que mais comment tu m'as trahi. Oui. Il a commencé à nier, mais c'est après qu'il m'a avoué que non, c'est lui qui avait dit qu'il était. D'accord, comment je veux partir, je le laisse. Donc, comment est-ce que le Cameroun, on ne peut pas le laisser. Oui. Donc, on est venu te prendre là-bas. On m'a pris là-bas. Tu n'as pas changé de position. Il a dit que non, tu ne peux pas faire ça. Il a donc brisé les règles de l'aventure. De l'aventure. Il m'a trahi. On est venu me prendre. Tu devais être en Espagne. Peut-être que je devais aussi mourir. Et oui, peut-être que je devais mourir. Et peut-être également, on ne serait pas là aujourd'hui de faire ce témoignage. Amen. Que gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que maintenant, on est sorti, on nous a mis dans la prison des immigrés. Oui. Certainement, ce bateau avait eu à payer. Oui. Quand on attrape un clandestin dans un bateau, il doit payer une certaine somme d'argent pour l'entretien du clandestin jusqu'à ce qu'il retourne dans son pays. Oui. Le capitaine du bateau, certainement, a versé bien d'argent parce qu'on nous a maintenant mis au petit soin qu'on ne voulait même plus sortir. Donc, vous étiez sur la responsabilité du capitaine du bateau. Le capitaine du bateau, il a versé une caution par rapport à nous, pour les vêtements, pour la nourriture et pour notre billet d'avion jusqu'au Cameroun. Waouh, pour retourner. Nous, on retourne au Cameroun. Là, ce sont les policiers, les gardes-côtes espagnols, sénégalais qui ont fait le nous étions encore au niveau du Sénégal. Oui, mais parce que tu as dit que ceux qui sont entrés, tu as entendu parler, ils parlent espagnol. Oui, ils parlent espagnol. Donc, c'est les policiers sénégalais qui causent espagnol aussi. Oui, sénégalais et aussi c'est un membre de l'équipage du bateau. Du bateau. Qui s'était entré. Donc c'est sûr que donc peut-être soit il y a la caméra de surveillance qui vous a pris, peut-être quand vous entrez, vous ne saviez pas. Oui, certainement ce n'est pas la caméra de surveillance. Il peut dire que c'est beaucoup plus. Soit c'est ce monsieur qui nous a donné l'argent, qui nous a fait entrer dans le bateau. Qui allait dire qu'il y a quelqu'un là-bas. Qui allait trahir. Oui. C'est sûr que c'est lui qui allait trahir. Oui. C'est sûr. Oui. Parce que je sais pas, parlant de caméra, de surveillance, bon, on était entrés d'une manière très très discrète. Oui. Nous avons porté une blouse bleue comme ceux qui travaillent aussi pour mettre le phosphate dans le bateau. Oui. C'est pas qu'on a jonglé, puis on est entrés tranquillement. Oui. On est entrés discrètement. Bon, c'est comme ça qu'on nous a maintenant amené. Donc, dans la prison, on vous a amené en prison, on vous nourrissait et vous ne voulez plus sortir. On ne voulait plus sortir parce que c'était tellement bien. La prison des immigrés était à part. Oui. C'était juste une cellule. Oui. Une cellule au commissariat central, d'un truc comme ça, du Sénégal. Oui. On nous nourrissait bien, on mangeait bien, on était tellement qu'on vivait mal dehors. Oui. On voulait que rester que là-bas. Mais là, les interrogations, quand vous prenez, il n'y a pas des interrogations. Non, il n'y a pas d'interrogations, ils savent plus que c'est courant. C'est une routine. Oui. Et puis même, il y a même certains immigrés gagnants qu'on a pris en mer. Oui. Et un bateau qui descendait, on a eu à transférer pour les ramener. Oui. Donc okay. Plusieurs immigrés venaient, les gagnants, les immigrés. Donc il n'en passait pas des jours, il n'y a pas des immigrés là-bas. Tous les jours, il y avait des immigrés qui venaient. Oui. Et quand un immigré venait, bon, si c'est que un bateau, c'est par exemple un bateau nommé Marina, elle est en train de monter. Oui. Il se rend compte qu'il y a un clandestin. Oui. Il attrape le clandestin. S'il y a un bateau qui descend, il le passe. Il le transfère. Il le transfère. Il essaie de sécurité là-bas. Oui. Il le transfère. Oui. En le transférant, il lui remet son argent de billet d'avion. L'argent de tout sa nutrition jusqu'à ce qu'il arrive dans son pays. Oui. Comme ça, il avait l'habitude de remettre ça au commissariat. Ok, je comprends. C'est comme ça. Sinon, si le bateau accoste dans un autre pays et qu'on voit cela, ils ont des pénalités terribles. C'est ça même. C'est ça. Okay. C'est comme ça qu'on est resté, plusieurs venaient, on lançait des commentaires et tout, voilà qu'on avait un pris goût. Oui. Jusqu'à ce que maintenant on est venu le matin, on dit que sortez. On dit qu'on sort pour aller où? Vous dites que vous ne sortez pas? On ne sort pas, on veut rester ici. Ils nous ont brutalisés, ils nous ont jetés dehors. Oui, que sortez. J'étais dehors complètement. Normalement, c'était censé qu'ils nous déportent au Cameroun. Oui. Ils font ça, vous ne pas donné l'argent là. Ils nous ont rien donné. Oui. Ils nous ont ouvert la porte, ils nous ont poussé de la commissariat. On est maintenant retourné dans la rue encore. Au niveau du ghetto. Oui. Du côté là où nous vivions avec certains Camerounais aussi. Oui. On est retourné là-bas. Et pendant que vous étiez dans ce lieu, ton ami de l'aventurier qu'on avait d'abord fait sortir, vous avez causé. Non, il n'y a pas eu de problème. Ok. Il n'y a pas eu de problème. Bon, c'était juste des rancunes que j'ai gardées dans mon cœur, j'ai mûrissé un peu. Oui. C'est avec Cameroun que c'était lui qui m'a trahi. Oui. Bon, c'est comme ça qu'on est retourné maintenant au niveau du ghetto camerounais. Oui. On est resté. Et entre temps, voilà là où même. Voilà où mon introduction dans la Femania commence. Oui. Il y avait maintenant certains Camerounais qui connaissaient déjà la Femania. La Femania, c'est cette technique qui consiste en faire quoi? Je peux dire. On a compris que c'est une invention camerounaise particulièrement. Le mot là. Oui, c'est effectivement. C'est une invention camerounaise. Oui. Explique-nous pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore la technique. Je crois bien que selon l'histoire qu'on a eu à comprendre, c'est une invention camerounaise ayant pour fondateur Donatien, quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun, oui. Et qui a fait sa renommée dans le monde entier. Beaucoup d'argent. C'est ça. Il y a même certains jeunes affaires économiques que Blaise Pascal Tala a fait même. Il était au milieu. Il y avait Mobutu à côté. Oui. Il y avait Omar Bongo. Oui. Il y avait plusieurs leaders de ce monde-ci que lui, il a eu à anarcher. Oui. Donc, la Femania peut être définie comme une science camerounaise de l'arnaque. De l'arnaque. Donc, surtout dans l'optique de transformer les formats blancs en argent de l'oncle Sam. En argent de l'oncle Sam, c'est-à-dire que en dollars. C'est-à-dire que quelqu'un vient vers vous et dit qu'il a une façon, il peut multiplier votre argent. Parce qu'il faut qu'on explique ça pour que les gens comprennent ce que nous sommes dédiés. On a des techniques, quelqu'un vient et vous propose que je voici une valise, on a coupé des formats en forme de billets d'argent, mais c'est blanc. Oui. On vous propose, et peut-être ils ont des techniques de faire des exemplaires initiales qui sont des fausses techniques, parce que c'est la manigance. Ils vous présentent cela en disant si vous donnez tel nombre de sommes, on multiplie cela par 2 ou bien par 10. Vous tombez dans le piège, ils prennent cet argent qui est vrai, ils partent avec et vous tombez dans le faux. C'est ça même. Voilà. C'est ça. C'est la Femania. Donc, au Sénégal, qui commence l'initiation à la Femania. Oui. Bon, lorsque nous sommes revenus, après avoir été déchus du bateau, on a commencé à tourner à Del Tapi, au Sénégal. Oui. Tantôt, on partait un peu à la Médina. Tantôt, on se baladait. On faisait presque de tout et de rien. Casamance, Oui. On tournait maintenant comme ça là. Et c'est comme ça qu'après, il y a... Et là, vous étiez toujours deux avec ton ami. On marchait toujours à deux. Oui. On marchait toujours à deux. Et comme au Cameroun, j'exerçais la coiffure, je maîtrisais un peu la coiffure. Oui. Il y a eu un Camerounais qui avait un salon de coiffure. Oui. Bon, parfois, je venais l'aider. Oui. Et comme je coiffais bien aussi, et comme même mon ami l'a coiffé aussi, oui, ça a permis à ce que maintenant, ce Camerounais qui était installé maintenant, parfois, quand il voulait voyager, quand il voulait se balader, il nous laissait le salon de coiffure. Une coiffure. Parce que là, quand on parvenait aussi à avoir un peu de quoi manger, on est parti puis errer à l'université, chez Kanta Diop pour se laver, pour manger les restes de nourriture. Mais là, on avait nous, de quoi maintenant payer notre plat de nourriture de 200 francs. Oui. Et parfois, même aider ceux qui étaient gentils avec nous. Oui. Parce que ce gars, tu nous as même montré comment on coupe même d'abord les papiers là, on coupe. Oui. Comment on prend un format, on coupe en 10 000 ou bien en 1 000 francs, en forme, là, et les différents noms des produits qu'on utilise, comme la diode, la colle, le manganèse, et aussi la vitamine C, avec lequel on lave la diode pour que ça devienne normal. Là. Oui. Bon, c'est lui qui nous initiait. C'est un Camerounais. Je crois qu'on l'appelait Niamsi. Il est maintenant en Égypte même. Il est en Égypte. Il vit en Égypte. C'est comme ça qu'on nous a... Il vit toujours dans ça. Il fait que dans ça. Oui. Si ce n'est pas du Christ qui te délivre, tu vas toujours continuer dans ça. Absolument. Là, il n'y a pas... Oui. Et... Le contact avec lui, ça se passe comment? Le contact, Parce que tu as fait la coiffure en mangeant. Comment vous le rencontrez? On le rencontre parce que lui-même, il passe une situation difficile. Oui. Ses affaires ne marchent pas. Donc, il ne trouve pas de clients. Il n'y a pas de clients. Ses affaires ne marchent pas. Oui. Et les gars sont dit pour qu'ils mangent. Oui. Et là-bas, quand on a faim vraiment, oui. le soleil te touche, oui. La famine te touche. Et ils ont un faux temps, c'est la matin. Oui, ça blesse tout. Oui. Bon, il faut automatiquement que tu manges. Oui. Sinon, ça va trop te menacer. Oui. Et comme parfois on l'aidait, ça a permis à ce qu'ils nous prennent vraiment comme ses petits frères, comme ses complices. Oui. Et ils nous aiment maintenant formés. Oui. Chaque temps. Puisqu'ils n'ont pas de maison, ils dorment qu'à la plage. Oui. Bon, s'ils ont le matériel à faire, ils veulent un endroit discret. Discret. Ils venaient maintenant au salon faire. Oui. C'est comme ça qu'en venant au salon maintenant faire, nous voyons comment ça s'est passé. Explique-nous par exemple comment ils font ces choses-là. Parce que nous trouvons en plein dans ce que j'ai lu dans le proverbe, chapitre 20, chapitre 21, ici là-dedans. Comment ça se passe? Comment ils font par exemple? Qu'est-ce que tu as vu faire? Et là où tu as dit, prochain témoignage, on va faire la vidéo. Parce qu'en vidéo, on devait pratiquer. On devait pratiquer cela. On va faire la pratique. Donc on va se préparer pour cela, pour que les frères et sœurs puissent voir. Donc comment ça se passe? Essaye d'expliquer, voir comment il fait, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les matériels qu'il a à sa disposition, comment il fait. Bon, concernant comme matériel de base, oui. c'est un format, oui. un format A4 blanc, oui. et puis une règle. Oui. Il y a un instrument qu'on vend en librairie qu'on appelle le coton. Le couper. Sinon, c'est pas les ciseaux. Pas le ciseau. Oui. Parce qu'avec le ciseau, ça va être penché. Oui. Avec le côté, c'est tout droit. Lorsqu'on dépose la règle, on trace les formes, oui. les formes rectangulaires de l'agent de biais là. Dès que tu as fini de tracer, si c'est que tu veux montrer l'échantillon à ton client en 10 000, tu coupes en 10 000. Donc, c'est parce que la grandeur de 10 000 n'est pas la même chose par rapport à la grandeur de 5 000 francs. Comme 1 000 francs. Si c'est que tu as la possibilité d'aller, comme on disait, on avait un langage qu'on dit exé. Bon, exé veut dire t'es trompé en général même. Oui. Si c'est que tu avais la possibilité de jeter, d'aller exé avec un 5 000 oui. ou avec un 10 000, oui. et au fur et à mesure que tu lèves le niveau, oui. ça convainc plus le client. Oui. Si par exemple, je viens te montrer des chantiers avec 500 francs, oui, donc, tu les seras. Tu utilises vraiment cet argent, oui, le vrai argent. Donc je veux dire comme un sacrifice. Oui. Tu vois un peu bon. Avant ça, tu coupes d'abord la forme de l'argent. Sur le format blanc. Sur le format blanc. Oui. Tu coupes comme ça là deux. Oui. Deux formes. Je peux dire deux biais en blanc. Oui. Tu poutres. C'est-à-dire tu prends la non au fait. Comme il y a plusieurs manières, je vais parler un peu d'une manière esthétique, oui. une manière normale. Oui. Tu prends maintenant de l'huile d'arachide, oui. tu mélanges avec le diluant oui. pour rendre ça un peu bien fine, parce oui. que l'huile est un peu lourde, le oui. diluant va venir encore bien rendre ça. Dès que tu as mélangé de l'huile d'arachide avec le diluant, oui. tu trempes, tu prends un coton, oui. tu trempes ça sur le mélange là. Et puis on imbibe. Après tu nettoies. Oui. Tu nettoies sur l'argent, oui. sur le format blanc. Oui, ça devient un ça peu devient blanc comme un léger oui. et transparent. Oui. Ça quitte directement du format blanc, oui. du papier blanc. Oui. Ça devient maintenant, ça prend maintenant un style calcaire, quelque un signe ouais. normal, bien jusqu'à ce que tu ne peux pas imaginer que le papier blanc. Mm-hmm. Et quand tu as fait, tu poudres maintenant encore. Oui. Tu poudres. Oui. Et dès que tu as fait de poudrer, tu mets dans un. Bon, tu selles. Oui. Dans un plastique blanc oui. pour rendre ça encore plus esthétique. Oui. Pour que quand tu arrives devant le client, tu dis que bon, j'ai travaillé à la barre oui. et j'ai eu à détourner quelques. Bon, voilà l'échantillon. Oui. Et quand le client voit comme ça, il voit comment c'est d'abord protégé. Oui. Et avant même de lui montrer cela, oui. tu mets d'abord les gants même. Oui. Bon, tu rends la chose valable. Oui. Tu mets les gants qu'on vend en pharmacie. Tout là. Ça, c'est la manipulation. La manipulation. Oui. Et tu mets même certains, tu mets même... Vous si c'est côté de ton nez. Même cache-nez même en général, oui. tu mets même pour le client oui. aussi là. Oui. Tu le mets aussi les gants. Oui, pour qu'il touche, pour montrer que c'est délicat. Pour montrer que c'est délicat. Et c'est un peu... Permets-moi de lire encore ces versets là. Oui. Verset 5 du chapitre 21 du Proverbe, verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Amen. Verset 21 du chapitre 20. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. Oui. Donc on est devant le client, il faut convaincre. On est devant le client. Et pour le convaincre, il faut que tu utilises les manières stratégiques, oui. les manières d'élégance, oui. les manières... Quand tu t'habilles, même on croit, on ne sait pas que tu as faim. Effectivement. On doit savoir que tu es quelqu'un qui travaille vraiment dans l'argent. Oui, que tu te connais. Effectivement. C'est pour ça que ces fémaniens, ils prennent vraiment du soin... Par rapport à leur peau. À leur peau, oui, à leur entretien comme ça. Oui. Et quand tu es en face du client et que tu lui es remis, c'est là. Comment vous obtenez les clients? Puisqu'il a dit que son marchandise, que son, oui. son, son, son, comment on cible? Les clients, en général, sont obtenus par tous ceux qui sont cupides. Oui. C'est pour ça que le Seigneur, plus tard, j'ai compris que si quelqu'un n'est pas cupide, ça ne peut pas l'attraper. On a même eu à anarquer même les soi-disant prêtres. Prêtres. Même les soi-disant religieux, même les imams. Même les imams. Même les imams. Oui. Tu vas nous expliquer ça, oui. comment vous en faites. Toute personne qui ne vit pas le contentement, oui. c'est anarchie. Oui. Là, si c'est que ce n'est même pas par cette forme qu'on oui. étudie, parce qu'on a fait plusieurs, on a été les marabouts même, on a été même des astronautes, on a toute casquette. Bon, en fonction de ton besoin, oui. on devient ta solution. Ou devenir la solution. La solution, oui. oui. Si c'est qu'on se rend compte que tu aimes les marabouts. que tu aimes le marabout, on devient marabout. Vous vous habillez comme le marabout. On s'habille comme le marabout. On paye les chapeaux, on met des plumes, on arrange tout, on arrange la maison en rouge, oui. On allume des bougies, oui. On fait tout comme le marabout. Oui. On prend l'œuf, on enlève l'eau, on prend la seringue, on injecte à l'intérieur, oui. On retire tout l'intérieur du liquide qui est à l'intérieur. On prend maintenant un liquide rouge, oui. On introduit avec des cheveux, on introduit. Oui. Ça fait que maintenant, on dit que paye un œuf. Oui. Dès que tu payes l'œuf là, comme on ça, je te apporte, tu me remets maintenant, j'échange. Oui. J'échange. Comme on appelle souvent ça en général, comme motion. Mm-hmm. Bon, je motion ça. Bon, j'échange en général. Son œuf qu'il a amené. Son œuf que tu as amené. Tu prends ton œuf. Moi, maintenant, je contourne. Et puis, dès que j'ai fait des simarées sur toi, je casse la tête. Bam. Tu te rends compte que c'est des trucs rouges, des cheveux blancs. Voilà ce qu'on a attaché. On va te tuer bientôt. Oui. Et là, maintenant, la panique. Voilà une preuve certaine. Oui, puisque tu as apporté, tu sais que tu as apporté l'œuf. Tu as apporté l'œuf normal quand tu as acheté à la boutique. À la boutique. Et voilà qu'on a fait, c'est sorti comme ça là. Avec les cheveux. Oui, ça veut dire que ta vie est en danger. Oui, et là, maintenant, il panique. Tout ce que tu vas demander à cet instant-là, il va donner. Et si on voit que c'est quelqu'un qui est nanti, on demande qu'on veut 2000 litres d'eau humaine. Oui. Il suppose vous savez qu'il ne peut pas trouver. Il ne va pas trouver ça. Oui. Et c'est comme ça, par l'instant, il dit qu'il va trouver ça où. On appelle maintenant un collègue marabout qui est là plutôt au Sénégal, qui est dans un pays étranger. Oui. Parce qu'on sort du pays pour rendre la chose très très lourde. Oui. Lui maintenant, il dit que oui, il a ça. Oui. Il va envoyer. Oui. C'est comme ça qu'après. Et c'est donc ton complice que tu appelles comme ça. C'est mon complice que j'appelle. Oui. Il envoie normalement, ça calme maintenant à l'aéroport pour maintenant des douaniers. Oui. Et voilà que de normalement, on prend maintenant l'argent. Okay. Et si on voit que c'est quelqu'un qui a bien de l'argent, il donne cet argent, on prend des douanes et on avance l'affaire. Oui. Maintenant, on avance l'affaire. Mais en fait, vous ne bougez même pas d'un seul. On ne bouge pas. Oui. On ne bouge pas. C'est toujours son argent que vous prenez. C'est toujours son argent qu'on prend toujours. Oui. Puisque l'eau du mort est arrivée. Oui. C'est là et la douane a bloqué. Oui. Il faut 800 000. Oui. Ça dépend maintenant de comme tu le juges. Oui. Il faut 500 000. Il faut 50 000. Il faut. Oui. Quand maintenant, il développe les 50 000 là. Oui. Et on se rend compte qu'il a l'argent encore. Oui. On prend maintenant cette taux-là. Oui. Ou bien on peut fabriquer ça comme il peut dire quoi en 3 tons. Oui. En 3 tons. On sait bien qu'en chimie, si on met l'huile va rester ça, en bas. Oui, ça va on, met les, on met le pétrole oui. Et puis on peut mettre encore l'eau là normalement. Oui. Ça fait que dès qu'on prend maintenant, si on le fait comprendre que voilà l'eau là. L'eau de Covid, c'est oui. Bien protégé. Oui. Puisqu'on va prendre ça, c'est quoi devant lui. Mixer. Ça va se mélanger. Après, on va mettre à terre. Ça va encore de la même façon. On dit que c'est la bonne qualité. Oui. Et si on voit que c'est un client qui est un peu dû un genre, on le transforme maintenant en système d'argent. Oui. Tu vois, on prend l'eau là maintenant, là, on dit qu'avec l'eau aussi, on peut faire quelque chose avec. Mm-hmm. On prend la seringue, on introduit, oui. On lave l'argent devant lui. Oui. Il comprend que mais, sur l'argent qu'il a gardé en banque, il peut apporter, il multiplie. Oui. On le remet, on prend nos bénéfices, on le soigne avec. Oui. C'est bon, il y a plusieurs systèmes. Donc, une personne qui vient pour vous consulter en tant que marabout, vous pouvez devenir maintenant Femania et ainsi de suite. On peut devenir Femania, on peut devenir même ambassadeur pour donner un visa. Donc, que tu as même les gens même qui peuvent donner le visa. Oui. Alors que toi-même, tu ne peux pas avoir ce visa. Donc, vous avez eu plusieurs coups comme ça. Plusieurs coups. Et là, les généraux de l'armée, on a eu à les rencontrer pour les présenter ça. En fait, comment pour les rencontrer? C'est ça mon problème. Comment faites pour vous cibler quelqu'un que vous... Parce que les généraux sont dans leur bureau. Dans le bien gardé. Oui, toi, tu es en train de vadouiller en plein rue. Comment tu fais pour cibler le général qui est là-bas? Le général que j'ai eu à rencontrer personnellement. Tu as bouffé. Non, il était. Bon, c'était un monsieur. Je peux dire que c'était un monsieur. Comment le terme là, je peux dire, il était. Parce qu'il m'avait dit ce qu'il m'avait dit que mon fils. Mm-hmm. Parce que c'était un papa. Oui. Mais c'était un général. Oui. Comment est-ce que j'ai su que c'était un général? J'étais pas au Sénégal. Non, ici non, on est comme ça au Maroc. Au Maroc, ok. Donc tu fais un tour au Sénégal. Mm-hmm. Ce monsieur général, puisque tellement que j'étais déjà ancré dans la Femania. Oui. J'étais plus un bébé. J'étais déjà ancré totalement dans la Femania. Tout à l'heure, parlons de l'initiation. Donc tout à l'heure, rapidement, on rentre dans l'initiation, commence à continuer, oui. J'étais vraiment tellement ancré, puisque j'avais même deux marabouts. Oui. Parce que ces choses-là marchent mystiquement. Oui. Bon, ce n'est pas une affaire que c'est parce que, tu as trop parlé. Oui. C'est une domination. Oui. Donc, tu dois avoir un esprit qui est pour dominer. Tu dois dominer non seulement le client, oui. Même tes partenaires. Oui. Parce qu'il y a le combat. Il y a un combat. Oui. Chacun veut dominer. Oui. Bon, jusqu'à ce que nous, quand on a compris ça, maintenant pour repartir, oui. On contactait plusieurs marabouts au pays. Oui. Et plusieurs marabouts dans le pays étranger. Oui. Ça fait que quand tu rencontres un client, oui. Tu prends le nom du client, tu donnes au marabout. Oui, le marabout. Soit au Cameroun, il traite. Oui. Il te dit que ne le rencontre pas. Oui. C'est quand je vais te dire que pas que tu vas partir. Oui. Et quand le marabout te donne le OK. Oui. Bon, puisque moi de mon côté, j'avais Ibrahim et j'avais encore un marabout qu'on appelait un marabout Bamoun. La tribu de l'Ouest. Oui, c'était ici au Cameroun. Oui, Ibrahim est au niveau du. Comment on appelle le quartier là? Le quartier Bamoun. Oui, c'est un musulman. C'est un musulman, oui. Oui. Et l'autre, c'était un Bamideke. Il était plutôt. Comme ça fait tellement longtemps là. Oui. Il était plutôt au niveau des villages. Oui. Des villages, un truc comme ça là. Oui. Bon, quand on a eu ce contact, on a déjà envoyé le nom. Mmh. À Ibrahim, oui. J'ai envoyé le nom à l'autre. Mais Ibrahim ne connaît pas l'autre marabout. Il ne se connaît pas. Tu essaies de voir pour voir où ça pèse. Je veux le maximum d'onction qu'on peut dire oui. Pour que le client soit un béni, lui. Oui. Et ça marchait vraiment. Hein. Oui. Ça marchait vraiment. Donc il travaille son esprit. Il travaille le bloc. Oui, quand je viens vers lui comme ça, là, tout ce que j'ai dit, il fait oui. Oui. Oui, oui. Il me donne tout et tout se passe normalement. Oui. Et dès que je sors, j'envoie pour Ibrahim, j'envoie pour l'autre. Oui. Je garde ma part. Il comprend que ça a bien marché. Que ça marche bien. Oui. L'autre même, elle m'est venue à la maison avant-hier. Oui. Parce que ma mère est toujours en contact avec toujours lui là. Oui, oui. Non, c'est ta maman qui était en contact. C'est maman qui m'a mis en contact avec ce monsieur. Oui. Il m'a même dit que mais c'est comment, pourquoi depuis, tu ne me cherches même pas. Si le transport, si ce que tu n'as pas le transport, viens me voir. Je vais te donner le transport, tu vas repartir. Pour encore repartir. Pour repartir, oui. Pourquoi tu vas nous travailler encore? La dernière fois, je l'avais comprendre que si ça marche bien, je vais l'acheter une voiture. Oui. Il était très d'accord. Oui. Et en moins de 3 semaines, je lui ai envoyé l'argent. Oui. J'ai envoyé à l'autre. Il a compris que ça, marchait bien. Mais malheureusement pour lui, on va revenir sur cet épisode-là. Donc, tu dis, ils ont fait ça et tu étais sur le plan d'expliquer le cas du général. Général, explique-nous. Bon, le cas du général, c'était parce que c'est un Marocain. C'est un Marocain, un général marocain. Oui. Je dis bien un général de l'armée. Oui. Parce que devant sa maison, il y avait les chars, il y avait une armée, comme un camp militaire. Oui. Je dis que mais comment tu m'envoies d'un camp? Je dis que non. Mon oncle. Qui vous a envoyé? Tu as un contact qui vous met à l'intermédiaire? Puisque tellement rusé, oui. Tellement que le diable m'accordait la ruse. Oui. J'avais compris maintenant que le monde se trouvait derrière l'Internet. Oui. Que l'Internet, c'est le filet par excellence. Oui. J'ai travaillé maintenant beaucoup plus avec Internet. Oui. Bon, je ne marchais plus n'importe comment. Oui. Bon, tellement que j'étais devenu professionnel. Oui. J'avais payé un laptop. Oui. J'avais mis la connexion, il m'était connu un mois. Oui. Et j'avais suffisamment de crédit. Oui. Et j'avais encore des amis à l'étranger, en Angleterre, oui. En Suisse, oui. Un peu de partout dans le monde. Toujours content de mauvais sens. Effectivement, toujours nos amis avec qui nous étions, mais qui ont plutôt préféré transiter pour aller en Europe. Oui. Et là-bas, en Europe, ils continuaient toujours les mêmes affaires. Oui. Et moi, de mon côté, j'avais préféré parce que je disais que les Arabes ont l'argent. Oui. C'est comme ça que je suis allé à l'Internet. Je suis allé dans le pavillon à faire. Oui. J'ai fouillé, je suis tombé maintenant chez un monsieur qui avait une école qui vendait. Oui. Je suis maintenant allé le rencontrer. Oui. Il dit que ton école là me plaît et tout. Parce que et tu n'as pas d'argent. Non. Quand tu pars, pour acheter, oui. Il faut que tu sois comme quelqu'un qui a l'argent. Oui. Il est rencontré. On a causé. Face à face, ce monsieur. Oui. Oui. Ce monsieur, on a causé. Il m'a amené dans cette école. Oui. On a fait le tour. C'est au Maroc, ça. Non, c'est au Maroc, oui. Et on a fait le tour de son école. Oui. Parce que ce monsieur, son école se trouvait plutôt à Meknex. Mm-hmm. Je suis quitté des Rabat oui. Pour aller nous trouver à Meknex. Oui. Et de Meknex, maintenant, on a fait le tour de l'école, on a fait les inventaires, oui. On allait au bureau, tout. On a compté le nombre de bus de l'école, tout. On a maintenant causé. Oui. Et avant qu'on ne parte, parce que pour amplifier l'affaire, oui. Il faut automatiquement que tu appelles l'étranger avec lui. Oui. Parce que les Marocains sont très complexés quand oui. Une affaire quitte de l'extérieur. De l'extérieur. Oui. J'ai maintenant appelé un ami. En mettant sur haut-parleur. Oui. Avec même son téléphone. Oui. Pour qu'il sache que c'est une affaire sérieuse. Oui. Il dit que bon. Mais en préparatif, est-ce que tu prépares cette personne-là? Non, puisqu'on est, on est déjà averti. On est averti. Oui. Bon, je n'ai pas besoin de te préparer pour t'appeler. Oui. Si c'est qu'il n'y a pas. Si c'est que je n'ai pas une occasion, je t'appelle, tu comprends rapidement le sens. Oui, donc quand tu appelles, commence à parler, c'est que tu as quelqu'un, un client devant toi. C'est ça. Oui. Et il comprend vite la ligne. Oui. Parce qu'il se tait d'abord. Oui. Il comprend là où je l'amène. Oui. Et là où je l'amène maintenant, il continue une fois. Okay. Parce qu'on est déjà éveillé. Donc vous êtes éveillé. On est déjà éveillé. Tu commences à lui expliquer que le truc de clé de l'école, c'est dont on parlait là, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que vous n'avez pas parlé. Oui, oui, allô, monsieur le directeur. Non. Monsieur Bertrand, oui. J'ai déjà fait les inventaires de l'école et tout est bien, tout est vraiment bien. Et il dit que bon, je le fais un récapitulatif. Oui. Sans que lui ne soit au courant d'abord. Oui. Oui, l'école coûte dans les 9 millions de dirhams, lui. Et c'est en équivalence de combien de dollars là? Oui. Donc tu vois un peu. Oui. Quand je dis 9 millions de combien de dollars, bon, j'ai dit combien de pour le faire comprendre que. l'argent va se payer en dollars. Dollar. Bon, mm-hmm. Bon, je ne peux pas dire comme ça. Combien de dollars? Il dit comment? Attends. Il dit mm-hmm. Que bon, attends, on te rappelle. Oui. Je coupe le téléphone. Il a déjà l'information là-bas. Il a l'information là. Maintenant, oui. Celui-ci fait les inventaires en dollars. Oui. Maintenant, pour le caler maintenant, oui. Pour le mettre entre les deux morts, oui. Il dit que oh, mon, j'ai bien le crédit. Il dit oui. Que oh, mon crédit est fini. Fini. Appelle avec ton téléphone. Oui. Lui-même, il va appeler le téléphone. Bon, oui. On le pousse maintenant. Maintenant, je me pousse à l'avant. Oui. Bon, je quitte maintenant la scène. Oui. Il me met maintenant devant la scène. Oui. Il prend son téléphone, il compose le numéro. Le numéro. Il sait que c'est un numéro étranger. Il connaît que c'est étranger. Vous avez dit que 00844. Oui. Il comprend que c'est l'Angleterre. Oui. Il compose, il appelle. Oui. Oui, c'est moi. Oui, c'est pour l'école, pour le commandement. Tellement qu'il panique. Oui. Et oui, on a calculé, c'est dans les 120 000. 100, c'est dans 100, 120 000 dollars. Oui, oui, oui, oui, oui, oui il panique. Oui. Maintenant, ça fait que maintenant, là, je suis quitté la vie. Je suis quitté de la scène. Il peut être manipulé maintenant vivement. Manipulé facilement. Oui. Maintenant, entre-temps, il est maintenant en contact avec Monsieur Bertrand en Angleterre. Oui. Monsieur maintenant Bertrand en Angleterre va maintenant lui dire comment il va l'envoyer l'argent. Oui. Comme c'est donc, un agent colossal, il ne peut pas envoyer par Union. Oui. Il va faire plutôt par une envoi diplomatique. Oui. Tu vois. Donc, ça, et la procédure n'est pas facile. Et c'est maintenant. Pour un départ, c'est très facile. Oui. C'est comme ça qu'après maintenant, il fait comprendre que monsieur... Donc vous venez traîner l'affaire dans le petit détail. On traîne l'affaire bien, on le traite bien. Mm-hmm. Parce qu'il faut traiter en professionnel. Oui. Tu vois un peu. Oui. Maintenant, dès qu'on le fait comprendre que ça va venir en maladie diplomatique, ça va venir plutôt mardi. Oui. Maintenant, mardi là, maintenant comme ça, maintenant moi, maintenant je m'en vais à l'internet. Oui. Je sors, j'ai frappé ce qu'on appelle un label. Oui. Un label, c'est comme une ordonnance. Oui. Bon, ordonnance diplomatique. Une prescription. Oui. Comment l'argent doit venir, quelle oui. étape, parce que quand j'ai dit que c'était dans cette vidéo, parce que je devais amener tout cela, oui. je devais aller dans ma boîte internet retirer pour oui. qu'on voit bien. Bon, c'est une qui dit que dans cette valise se trouve une somme de 4 milliards de dollars. Oui. Et pour éviter les vols à main armée, les braquages, tout ça, mm-hmm. on a protégé l'argent avec une couche imbubée en noir oui. ou bien en bleu. Oui. Si on voit que le noir est trop vulgaire, oui. on va l'emperdre ça en bleu. Oui. Et voilà, procédure pour décaper l'argent. Oui. On met en bas. Oui. Prendre le billet. Oui. Verser le produit. Attendre quelques minutes. Rincer. Oui. Tu vois, on a tout pour le presque. Oui. Attention, si dans cette valise, il n'y a pas le produit pour imbiber, voici le numéro sur lequel vous devez contacter pour avoir le un litre de produit. Oui. Un exemple. Oui. Avant que la mallette n'arrive, oui. Monsieur Bertrand l'appelle. Oui. Il faut comprendre qu'attends, je vais appeler Ousmane oui. ou bien Abdoulaziz. On prenait beaucoup plus le nom des musulmans noms pour attirer la confiance. Oui. Il m'appelle maintenant, je sais pas, maintenant je le rencontre. Oui. Maintenant je sors déjà, je sors le bel là, je oui. le montre. Oui, ce qui est sur Internet. Internet mm-hmm. Avec un billet de dollars. Oui. Même les 50 dollars, même les 100 dollars. Mais l'authentique. Authentique même. Oui. Que j'ai mis ça en bleu. Oui. Par rapport à ce qui va venir plus tard. Oui, pour elle peut donner l'explication que si ça vient, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Oui. Maintenant, il regarde. Maintenant, je lave ça bien devant lui. Oui. Je lui donne, il va changer. Oui. Je le laisse, je rentre à Rabat. Oui. Il reste, fait ce qu'il va faire. Il va aller changer. Tu sais que les 50, vous savez que les 50 dollars vont produire beaucoup d'argent. Va produire. Mm-hmm. Si ça marche bien, oui. ça va le produire. C'est comme la maison. Oui. Et quand ça l'attrape, vous disparaissez la situation. Ça paye beaucoup. Ça paye beaucoup même. Oui. On ne disparaît pas. C'est lui qui fuit. C'est lui qui fuit. Parce que vous allez dire maintenant qu'il a gâté le plan, oui. vous avez gâté l'argent. Effectivement. Oui. Parce que quand on t'en a que, on comprend que tu as l'argent. Bon, oui. tellement qu'on était professionnel, oui. on ne fuyait plus oui. le client. Oui, tu c'est vois, le client qui fuyait. Le client qui fuyait. Parce qu'il ne peut pas aller divulguer cela. C'est ça. Non, même si pas divulguer. Oui. Même si pas divulguer, c'est à son risque. À son risque, justement. C'est à son risque. Parce mm-hmm. que même si pas divulguer, et qu'on nous amène même au tribunal, on oui. avait des moyens. Soit des moyens financiers, oui. soit la manière de parler qui parler. Va nous innocenter. Oui. Soit même on peut même devenir même muet. Oui. Soit même il peut même nous voir. Il te remarque bien. Oui. Tu fais un tour, tu deviens inapte. Oui. Tu deviens là, bon, oui. Il dit, bon, c'est pas lui. Que c'est, pas non. Lui. C'est sûr que c'est sûr que c'est lui. C'est lui ressemble. On avait tous les rêves oui. poussés. Et quand on pratiquait encore, quand on avait encore des marabouts qui nous aidaient, qui pratiquaient, ça les manipulait. Ça les anéantissait. Oui. Et là, vous faites cela maintenant. Ça lui permet maintenant d'être dans. Quand vous allez faire la valise, va venir avec ses produits. Vous êtes sûr qu'en fait, c'est le billet blanc qui est là-bas. Et vous êtes sûr qu'il va rater son compte, vous allez dire qu'il va vous dire qu'il a raté l'argent. Effectivement. Oui. Quand tu expliques la situation, je comprends là où vous l'avez venu. Ce monsieur qui vendait l'école, on a compris que son niveau était petit. Mm-hmm. Il avait un peu d'argent, mm-hmm. mais ce n'était pas vraiment l'argent que nous on voulait. Oui. Parce que nous on ne voulait plus faire un coup pour rester encore sur place. Oui, on voulait faire un très bon coup, soit pour rentrer au Cameroun, oui. soit pour changer de pays normalement, oui. aller tout ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'il avait un peu d'argent. Oui. Mais mon collègue et moi, on a jugé bon qu'il faut qu'on le fasse. Donc, on avait un thème, choquer quelqu'un. Oui. Bon, brancher quelqu'un maintenant qui a plus d'argent que lui. Oui. On l'a maintenant canalisé. Donc, vous l'utilisez pour qu'il vous branche quelqu'un. Quelqu'un plus riche que lui. Oui, sans savoir qu'il a indiqué comme ça quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Effectivement. Mm-hmm. Il est maintenant brancher son beau-père. Oui. Parce qu'il avait épousé la fille d'un général. Oui, du général. Du général, oui. C'est comme ça qu'il demande plutôt parce que son beau-père. Oui, le général. Le général. Donc, dont c'est les questions. Et il ne nous dit pas même. Oui. On vient au rendez-vous pour l'entretenir. Oui. Parce qu'un client s'entretient pour qu'il cherche les bons, les meilleurs clients. Oui. Il dit qu'on entre dans sa voiture, on est entré. Allons, on va parler prendre un café. Oui. Bon, il ne nous a pas dit qu'on partait quoi à la maison. Oui. On roule. Après, on commence à voir les militaires en bordure des routes. Il dit qu'on nous amène comme ça là. Uh-huh. On ne fait que entrer, on ne fait que partir. On arrive, on ouvre la barrière. C'est les militaires qui ouvrent la barrière. Oui. On entre, on voit les. Les on arbres, voit les, oui. les chars. Le, mais on voit les chars, on voit les militaires encore un peu partout. Oui. Les militaires, on dit, mais c'est comment? Il dit que non, excusez-moi, je vous amène quoi chez mon beau. Oui. Puisque je lui ai fait part de la situation. Il a dit que je vous amène. Oui. J'ai dit à mon ami, on est cuit. Allons, si on tombe, on est tombé. Mmh. Mais ça donne ce que ça a vraiment donné. On a gagné 200 fois. Et dans le sac, on avait encore un autre échantillon. Oui. Dans le sac. Oui. Échantillon de $50. L'échantillon qu'on devait encore falsifier devant lui. Oui. Et maintenant, ce jour-là. Ça tombait bien alors. Ça tombait bien. Oui. Ce jour-là, c'était plus l'échantillon en dollars. Oui. C'était maintenant l'échantillon en dirhams marocains. Bon, la monnaie locale. Oui. Qui était vraiment un très grand délit. Oui. Si on savait qu'on pouvait accepter. Oui. Mais comme le fait était déjà là. Oui. Et mon ami et moi, on a serré le cœur. On a dit que, allons, ça sort comme on dit là. Oui. On est arrivé, le général s'est lavé. Ça passe ou ça casse. Ça fait ça. Il s'est lavé, on nous a montré un salon. Mmh. On allait là-bas, on l'a attendu, il a fini. Ça, c'était dans quelle ville, Casablanca ou Araba? On était comme ça qu'à Araba. Araba. Parce que tous les généraux vivent qu'à Araba. Oui. On était à Araba. Bon, on l'avait déplacé de Meknès pour Araba. Oui. Alors que nous ne vivions pas à Araba, on vivait plutôt à Casablanca. Casablanca, vous allez comment faire les coups là-bas? Le coup à Araba. Mmh. Et le général nous a reçu dans son salon. Il s'est assis. On a maintenant sorti, on a causé avec lui, oui. parce qu'il fallait une introduction, oui. avec méfiance. Oui. Bon, il fallait l'introduire étant maintenant innocent, oui. en disant que non, puisqu'on a vu l'ampleur, mm-hmm. on a vu que c'est pas bon de s'impliquer en oui. tête. Oui. Et on a introduit à ce moment derrière. Oui. On a appris le téléphone du général, oui. on a appelé M. Bertrand, oui. on a fait comprendre que la situation, on a fait un briefing oui. en mots codés. Oui. Bon, le général n'a pas pu comprendre. Oui. Maintenant, Bertrand aussi, pour encore bien amplifier oui. l'affaire, a pu demander encore un numéro en Suisse. Oui. En Suisse maintenant. Oui. On a maintenant pris encore le monsieur général. Maintenant qu'il donne, vous notez là-bas. On notait, mm-hmm. je notais là, on notait tout cela. Mm-hmm. On a noté, on a pris le téléphone du général, on oui. a appelé maintenant la Suisse. Oui. Bon, en appelant la Suisse, on le fait comprendre qu'on appelle comme ça que la Banque mondiale. Oui. Puisque la Banque mondiale se trouve pas là-bas. Suisse. Oui. Et puisqu'il fallait qu'on trouve un il alibi faut. Propre. Oui. Pourquoi est-ce que le dirham là est venu blanc et pourquoi est-ce qu'on va le faire? Oui. Maintenant, ce monsieur qui est en Suisse a tout l'esprit en disant que non, ils sont ici dans le département du dirham marocain. Oui. Et c'est pour eux que voilà, ils ont trouvé une opportunité, voilà un échantillon qu'on va vous montrer là-bas. Oui. Si ça vous intéresse, vous nous dites qu'on va travailler ensemble. Oui. On a maintenant sorti les échantillons. Et c'est pour ça que tu disais parler tout à l'heure de la cupidité. Effectivement. Donc, ce général, malgré qu'il ait le luxe qu'il a, malgré qu'il est là, il pourra mordre à la maison s'il est cupide. S'il est cupide. Oui. Dès qu'il a pas que tout s'est passé pour vous. Oui. Clairement. Oui. Tout s'est passé pour vous. Et là, vous êtes sûr, ça c'est clair que c'est la pendaison, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Oui, effectivement. Effectivement. Mm-hmm. Il n'y avait plus de cœur. Oui. Il n'y avait plus de cœur. On savait que ça, si ça gagne, si on a gagné, oui. ça tombe, on est tombé. Oui. Et ça, c'est qu'on savait qu'on ne pouvait avoir. En fait, une peine. Parce qu'il y avait même certains Camerounais dans les coulisses qu'on comprenait même qu'ils étaient depuis 25 ans en prison. En 25 ans. On savait que si c'est que ça tombe, on va aller les suivre la banque en prison. Oui. Mais on a quand même serré le cœur parce qu'on était déjà offert. Vous ne pouvez pas sortir parce que vous êtes chez lui dans la maison générale avec les militaires. C'est ça. Mm-hmm. Il a vu l'échantillon. Mm-hmm. Après, on va parler avec celui de la Suisse. Après que celui de la Suisse, parce que puisque M. Bertrand est en Angleterre, a appelé celui de la Suisse, oui. il lui a tout expliqué que voilà les gars sur le terrain qui sont pas se calés. Oui. Si. Tu ne joues pas bien le rôle, ils vont tomber. Oui. Bon, prends le temps, tu cales bien l'affaire. Oui. Celui de la Suisse a vraiment bien calé l'affaire. Bon, on travaillait avec le téléphone. Oui. Il a fait presque 45 minutes étant au téléphone oui. avec le général. Oui. tellement où il espérait que lui prenait le cruchet en prenant mes tâtés. Oui, ah, en fait, vous saviez faire, vous savez ce qu'il faut on faire. On savait ce qu'il faut faire. Oui, mais pour maintenant, lui, pour maintenant, c'est pas vous. Pour moi, c'est pas nous. On sait que c'est pas vous, on sait que c'est pas vous, on n'est pas très impliqué. On a dit que lui-même, nous trompons aussi. Oui. Maintenant, il expliquait comment on devait faire au téléphone. Oui. Il dit que prenons, mettez le cachenet, on mettait le cachenet. Prenez tel. En tout temps, le client qui vous a amené là, celui qui vous a amené, il avait d'abord vu. Il avait vu quand là. Mm-hmm. Il avait vu quand là. Il n'a pas vu en disant marocain. Oui. C'est comme ça qu'on a tout expliqué. On a tout fait. Oui. On a lavé. Oui. Le général a pris les 200 dirhams là. Oui. Il a regardé. Parce qu'on avait fait les achats en 200 dirhams. On a fait deux billets, donc oui. 400 dirhams. Oui. Et je crois bien qu'à ce temps-là, c'était le plus gros billet marocain. Mm. Il a regardé. Et comme c'est leur monnaie locale, oui. ils savent que c'est gros ou pas. Oui. Il dit que c'est un bon billet. Vraiment, oui. Là, il dit que c'est bien, oui. c'est très bien. Ah, mais t'as l'air de féliciter comme ça, celui qui est au téléphone. Mm-hmm. C'est bien, bon billet. Maintenant, on raccroche. Il dit que bon, maintenant, celui qui a acheté, dit que bon, si vous trouvez dans une agente, informez-moi. Oui, il raccroche. Il dit maintenant, le balle dans son camp, il a mordu. Il le voit. Oui, la décision de. Il regarde, il met à terre. Il secoue la tête, il regarde. Il lui dit que Abdulaziz. Il t'appelle Abdulaziz. Oui, pourquoi on t'appelle Abdulaziz? Parce que dans mon passeport, c'était Abdulaziz. Oui. J'avais un passeport, un nom, sur Abdulaziz. Oui. Et c'est là où elle est à la maison. Oui. Il me dit Abdulaziz. Il dit que oui, papa. Il dit que regarde là-bas, regarde. Je lance l'œil. Je vous vois avec le roi Hassan II. Oui. Le père de celui-ci. Oui. Il me dit que. Alors, là, sur la photo, au mur, il se trouve avec le roi Hassan II, qui est le père de Mohamed VI maintenant. Oui, du roi Mohamed VI. Oui. Il dit que. J'ai fait allégeance au roi. Il a fait allégeance au roi. Oui. Il ne doit pas le trahir. Il dit que tu vois ça, je vois. Il dit que j'ai fait allégeance au roi. Oui. Je suis fidèle au roi. Oui. Si j'ai fait ça, oui. Ça veut dire que j'ai manqué à son serment. À mon serment que j'ai fait au roi. Oui. Vraiment, l'a fait très bien. Mais le serment, Merli. Hassan est déjà mort. C'était Mohamed VI qui était là. Oui, parce qu'il. Il était général même avant Mohamed VI. Mohamed VI, oui. Mm-hmm. Il dit qu'il ne peut pas faire ça. Oui. On a dit que bon, papa, il n'y a pas de problème. Oui. On va rentrer à la maison, on va appeler monsieur qui était en Suisse, on va lui expliquer tout. On a ramassé les choses, on a mis dans le sac. Et les 4 billets, les dirhams, vous les laissez. Oui. Qui, bon, on vous a dit que peut-être il peut changer d'avis plus tard. Donc c'est toujours un ameçon. C'est un ameçon. On l'a fait ça, on lui laissait les 400 dirhams, là, oui. Tous les deux billets là, et nous sommes partis. Oui. C'est dans la voiture maintenant que son beau dit que, mais s'il y avait un dirham, il fallait me dire. On ne devait pas aller le voir. Moi-même, je devais faire. Ah, là encore, c'est encore la stratégie. Il a commencé à vouloir réveiller. Oui. En disant que non, lui-même, il était intéressé. Oui. Mais on a vu que en le prenant. Oui. On ne sait jamais, le général peut juste appeler un jour. Oui, donc c'est mieux de le laisser. Oui, de le quitter. On a vu que si on parle l'anarchie, oui. Ça va gâter le général si un jour il peut appeler, oui. pour travailler un gros lot. Oui. Bon, c'est mieux de le laisser, pour espérer que le général peut appeler un jour pour qu'on travaille. Oui, parce que c'est le gros lot là. C'est le gros lot qu'on quittait. Parce que le général demande à l'argent, il ne va pas donner une petite quantité. C'est ça. Mm-hmm. On a une très bonne quantité. Oui. On a jonglant dit que non, vraiment. Donc, lui qui était. Le serment que le général a fait avec le roi, vous serez multimillionnaire ou un milliardaire aujourd'hui. Effectivement, effectivement. En frappant, en mentant à un général. Amen. C'était ça. Vraiment. Voilà. Waouh. Dans cette technique, justement, il nous faut véritablement la vidéo pour bien expliquer ça, pour que les gens sachent effectivement ce qu'il en est. Donc, ça veut dire que les gens peuvent se faire anaquer dehors. Et se font toujours anaquer. Et je remarque le point où tu as dit, parce que c'est toi qui étais le spécialiste du terrain, tu as dit que quand on a la cupidité sur le cœur, qu'est-ce que tu voulais par là dire? Si on ne se contente pas de ce qu'on a, on a contentement. Si tu ne te contentes pas, si c'est que tu n'as pas le contentement, bon, si c'est que tu ne vis pas le contentement en tous les domaines, oui. En tous les domaines, que ça soit n'importe quel domaine social, soit la soif de réussir, on va t'anarquer. Oui. On va t'anarquer ce que tu es exposé. Oui. Que tu as exposé. Mmh. Et si tu tombais sur quelqu'un comme moi en ce temps-là, oui. Quel qu'en soit le domaine qui est dans ton cœur, oui. je vais te produire ça. Oui. Je vais te produire. Que ça soit, je peux me dire quoi? rencontrer même le roi même. Oui, si tu veux rencontrer le roi, oui, tu es capable de le faire. Que tu le rencontres. Alors que le roi ne te connaît pas. Il ne m'a jamais même vu. Je ne le connais même pas. Et tu donnes l'espoir aux gens. Donne l'espoir au niveau de l'initiation à Dakar, au Sénégal, au salon de coiffure, où ce monsieur Niamsi, qui est le formateur, votre formateur. Oui, nous étions à l'initiation. Rends-toi à l'initiation. Parce que là, nous étions en un bon devant le Maroc, là, c'était professionnel. Amen. On va y arriver. Donc maintenant, rentrons avec Niamsi, et puis on voit comment vous avez commencé à le côtoyer, il a vu qu'il vous fait confiance, il a commencé l'initiation. Niamsi était obligé de nous initier, de nous montrer les secrets, parce que nous venions en aide financièrement. Oui. Parce qu'on avait déjà un peu de quoi se nourrir. Et puis, et quand il était un peu. Quand ses affaires ne marchaient pas, il se retenait de nous et on le payait des plats de nourriture. Mm-hmm. Et parfois, même quand il avait même certains échantillons à faire pour aller frapper les clients. Oui. Et c'est nous qui lui donnons même la matière première. Oui. C'est-à-dire que. Il faut les billets d'échantillons pour aller. Pour les donner. Et c'est nous qui le donnons. Oui. Et en nous donnant ça, on devenait comme les actionnaires. Oui, les actionnaires bon, dans son à 10%. Oui. Bon, si c'est qui n'a pas gagné, il peut gagner 100 000 francs, oui. Il donne 10 000. Oui. Bon, si pas, et parce que quand il partait montrer les champions comme ça aux clients, et s'il faut maintenant payer le matériel pour fabriquer, vous financez. On finance le matériel et puis on arrange ensemble avec lui, et en arrangeant et on voyait. Oui. C'est comme ça qu'après, on a eu à savoir aussi fabriquer les différents produits qu'il fallait pour cela. Et le matériel à utiliser. Jusqu'à ce que un jour maintenant, mon jeune frère, avec qui on était du Cameroun, parce que voilà notre premier coup que lui et moi faisons ensemble. Oui. Lui maintenant, se baladant beaucoup, il est maintenant tombé sur un Sénégalais qui travaille dans une boulangerie. Oui. Et il a vite sympathisé avec lui et il s'est rendu compte que le Sénégalais avait un peu d'argent. Oui. Il est maintenant venu me dire que bon, voilà. Il a vu un client. Maintenant, dans notre coup, essai aussi là, on a aussi fabriqué un échantillon. Vous voulez faire ça à deux, sans qu'il y ait sans informer lui. Oui, parce que essayer. On s'est rendu compte que la vie à l'aventure, c'est en clan. Oui. C'est en clan en 2, 2, 3, 3, ou bien en clan en général. Mm-hmm. Quand il m'a dit ça, qu'il y avait un problème, comme on a tout notre matériel, on a tout, on a les moyens, on doit faire pour nous seuls, on ne dit à personne. Oui. On a fabriqué lui ensemble, lui et moi. Il est parti maintenant à la boulangerie. Oui. Comme il y avait bien l'espace, il a maintenant montré l'échantillon. Oui. Et ça a mordu la maison. Oui. Et son ami sénégalais là, je crois qu'il avait apporté dans les 50, 70, 80 000 francs comme ça là. Oui. On a maintenant anarché ça. Oui. On a fui le salon. Oui. Voilà où la dépendance. Voilà où vraiment mon aventure commence. Oui. On a maintenant fui le Sénégal à Dakar. Oui. On est maintenant allé plutôt à Tambacounda. Oui. Dans une région du Sénégal. Le Sénégal. À Tambacounda maintenant, c'est maintenant moi qui est tombé sur le client. Oui. Qui est tombé sur le client, c'était un Sénégalais ivoirien, un enseignant. Oui. Je lui ai montré l'échantillon, il était intéressé. Donc finalement maintenant, c'était l'objectif maintenant. Il fallait faire tout pour avoir l'argent rapidement pour continuer l'aventure. Oui. Mais pour rentrer au Cameroun. Oui, effectivement, puisque on n'avait plus faim. Mmh. Et on prenait déjà goût. Oui. Parce que quand tu avais l'argent, quand tu avais un bon capital, ça te permettait que dans les jours à venir, tu peux en profiter de gagner. Rapidement gagner. Mmh. Et on arrive à Tambacounda. Maintenant, c'est maintenant moi qui me baladais aussi. Oui. Je suis tombé sur lui aussi. Je lui ai aussi montré les échantillons, il a vu. Oui. C'est comme ça qu'on allait chez lui. Chez lui. Il vivait encore avec ses parents. Oui. On allait dans sa chambre. Oui. Il a retiré 120 000 francs CFA. Il était l'enseignant des. Un enseignant de l'école primaire. De l'école primaire là-bas. Ses économies qu'il a eues. Il a mis ça. Donc les femmes n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de pitié. Mais paix sur lui avec toi seulement pour t'amadouer. Effectivement. Mm-hmm. Ils n'ont pas de cœur. Même si c'est l'argent pour aller opérer ton enfant que le docteur attend à 10h30. Il est 9h59. Oui. Et te fait comprendre que comme le docteur attend, on va faire avant que 10h30 arrive. Oui. Il prend, et voilà qu'il prend, il part. N'est-ce pas les ruses du diable ça que. C'est les ruses du diable. C'est les ruses du diable. Puisqu'il y a même eu un fait qui s'est passé au Burkina Faso. Oui. Que le monsieur, son papa était malade. Oui. Il est parti, il prêtait l'argent. Oui. Et ma chance pour lui, il a rencontré un Camerounais en route. Qui fait ça? Qui faisait dans ça? Oui. Tellement que ils ont commencé à sympathiser. Oui. Il s'est dévoilé. Oui. En disant que son père est malade, voilà l'argent qui part comme ça pour le docteur l'attend. Oui. Il a dit que non, attends. Je vais te montrer quelque chose qui va bien t'aider. Oui. Il a détourné ce monsieur-là, le mettre dans un carrefour, oui. Aller rapidement faire des échantillons, venir le montrer. Oui. Et ce message dit que, ouais, est-ce qu'on peut faire avant que 10h30 arrive? Il a dit oui. Parce qu'on m'attend avec le, pour aller soigner mon papa. Oui. Là, il n'y a pas donc, hop, ça sort que là. Oui. Il a compris la multiplication. Effectivement. Pour que une partie va avec son père, il garde l'autre partie. La cupidité. La cupidité. Oui. C'est comme ça qu'il a fait. Attends, je vais aller chercher le papon, je vais aller chercher. Parce qu'on te distrait, non? Oui. Va me chercher le papon, va, je vais, on t'embrouille. Oui. Et dès que tu es un peu distrait, le gars a cru fuir. Il disparaît. Il a disparu avec combien? Il a dit, je crois que c'était pas. Tu vois, en Afrique de l'Ouest, la vie était tellement dure. Oui. Bon, tout ce qui s'est présenté, on frappait son nom. Dans les 60, même si c'est même 20 000. Vous frappez même si c'est même 15 000. Vous disparaissez. Vu qu'on avance, oui. Vu qu'on a de quoi survivre à l'instant. Oui. C'est comme ça qu'il a frappé ce monsieur. Vers 16 heures, il est repassé par la même route. Oui. En ayant un chapeau bien. Pour voir la race, oui. Oui. Il a compris le deuil. Oui. Bon, ce papa-là. Le papa est décédé. Oui. Il était mort. Oui. Et quelle était la réaction de celui qui a pris l'argent? C'est la vie. Il dit c'est la vie. C'est la vie. De toute façon, si vous voulez mourir, devez mourir. Il est mort, j'avais en avance. On avance. Alors maintenant, nous nous trouvons là où tu racontais. Au Sénégal. Au Sénégal. Là où moi-même, de mon côté, attends. Tu as le client, tu es dans la chambre, c'est pour cet enseignant, il a 120 000. Sa maman est en train de faire le tchèpe à la cuisine. Oui. Et ses soeurs sont au salon. Oui. On est nous deux dans la chambre, on a fermé la porte. Il ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que celui-ci fait dans la chambre avec toi? Non, c'est son ami. Oui. C'est son ami. Parce que tellement que j'avais un langage, En fait, je parlais, je disais un peu vite bonjour dans les langues différentes des pays qu'il fait partager. Oui. Et j'ai sympathisé vite. Rapidement. Bon, ouais. Je suis arrivé, j'ai dit à maman, Nangandef, Banifi. Bon, j'ai eu un peu à capter leur conscience rapidement. Oui. Donc, on était dans la chambre, il a sorti l'argent, il a mis, je crois qu'il a 120 000. Oui. On a travaillé. J'ai dit que soulève le lit, oui. Parce qu'il avait un gros lit. Oui. Il a soulevé le lit, j'avais à changer le paquet. Oui. Parce que j'ai pris le paquet de son argent, j'ai mis sur moi, j'ai mis un paquet qu'il avait préparé à l'avance. Donc, ça consiste à dire que tu vas prendre les vrais billets déposés sur le faux, sur le truc, et puis ça va transmettre cela dans l'autre billet. Effectivement, et quand on va injecter le produit, ça va maintenant faire que ce soit uniforme. Que ça prend tout ça. Tout ça une fois, et puis on va laver, on va retirer les billets d'origine. Les billets d'origine, on met de côté. On va maintenant laver tout ce qui est au-dessus. Or, quand vous déposez les billets, les étagères qui sont au-dessus, vous faites tout pour distraire ces vrais billets. Et ce sont ces vrais billets qu'ils vous donnent, que vous prenez, vous gardez. Non. Comment ça se passe? Par exemple, si on va travailler 500 000 francs CFA, oui. Oui. Étant à la maison, on sait bien que 500 000 francs CFA, il faut 1 million, oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que les 500 000 francs CFA vont être introduits, oui. Dans 1 million. Oui. Puisque c'est 500 000 francs CFA, ça fait 2. Oui. Un billet fait 2. Oui. Tu vois, il faut qu'on apprête le paquet de 1 million à la maison. Oui. Ça, c'est le paquet blanc. Le paquet blanc. Oui. Blanc, on met de côté. Oui, côté. Maintenant, on apprend encore maintenant le paquet de 1 500 000 francs qu'on a vendu totalement en noir. En noir, oui. On met ça derrière le derrière, billet. Oui. Ou bien on met ça dans la mallette. Oui. Ou on met ça parce vous cachez qu'il ne voit pas. Cache qu'il ne voit pas. Oui. Maintenant, on prend maintenant les paquets de 1 million en blanc qu'on a porté. Oui. On arrive sur le terrain. Oui. On dépose à terre devant lui. Oui. On prend maintenant un billet d'origine. Oui. On met entre deux billets. Oui. Un billet d'origine, on met entre deux billets. Donc, chaque fois, on vous mettez entre vous. Entre deux billets, parce que ça devient maintenant, normalement, 1 500 000 francs, en général même. Oui. Bon, 1 million en blanc, 500 000 francs de son argent. Oui. On attache devant lui. Oui. On attache. Lui-même, il nous est attaché. Oui, il est attaché. On le fait d'avoir attaché, même d'abord commencé. Oui. Maintenant, pour finir, parce qu'il faut que la forme d'attacher de la femme soit conforme à ce qu'on a sur nous. Sur nous, oui. Vous le faites attacher comme on le fait attacher au début. Oui. Maintenant, vers la femme, maintenant, on modifie avec la forme qu'on a sur nous. Oui. Parce que c'est toi-même qui attaches ton paquet. Puisque ce paquet-là, c'est tous les vrais billets que vous voulez prendre. Effectivement. Et vous avez un paquet du noir encore. Oui. Donc, il y a 1 500 000 aussi. Noir totalement. Noir totalement. Parce que noir, là, c'est pour au cas où c'est gâté. Vous pouvez dire c'est gâté. Non. Moi, au cas, quand on comprend qu'il n'a pas bien conservé. Il n'a pas bien conservé, ça a gâté tout le papier. Ça a tout gâté, ça a tout noisé. Et c'est lui maintenant qui est accusé, parce qu'il gâte le produit. Vous dites qu'il a gâté votre produit, il a gâté le marché. Et il faut encore un produit blanc plus puissant que ça. Vous nettoyez encore ça. Pour nettoyer. Il faut encore l'argent. Il faut encore l'argent. Permettez-moi encore de lire Proverbe chapitre 20, verset 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Parce qu'en fin de compte, on va poser la question concernant cela et tous les inventifs finalement. Donc, vous mettez donc 500, vous entourez chaque billet avec ceci. Là, vous avez un tas là d'un million. 1 500 000. Et d'abord, 1 500 000, il y a 1 million qui est blanc et 500 000 qui est vrai. Parce qu'entre deux billets, il faut qu'il y ait un billet blanc, un billet réel. vous attachez en conséquence. Vous avez déjà fait la même chose là-bas, mais seulement avec le papier blanc. Papier blanc, noir. Noir et papier blanc. Oui. Et voilà. Non, tout est noir. Tout ce qui est chez nous est noir. C'est gâté, oui. Et lui, il même, pour même prévoir, oui. en tant que maintenant professionnel, oui. On part maintenant sur le tas de noix qu'on a fait à la maison. Oui, vous laissez un pied maintenant, on met dans l'encre ou le pic rouge. Oui. Le pic rouge. Oui. On coule l'encre. Oui. On verse. Donc vous enlevez l'encre qui est dans le stylo là. Oui. On verse maintenant sur les deux billets, on met au-dessus. Oui. Si c'est que tu as bien les moyens, par exemple, tu peux me faire même 50 billets en rouge comme ça. En rouge. Pour gâter tout simplement. Non, pas pour gâter, pour continuer l'affaire. Oui. Tu vois un peu, parce que normalement. Vous avez envoyé au commun l'autre aussi qui est resté. Il y a des clients qui sont bruts. Oui. Ils veulent que ce rang soit là-bas. Oui. Donc quand ils se rendent compte que tu es parti, ils disent que non, tu ne peux pas. Oui. Lave son paquet avant de sortir. Oui. Bon, c'est juste les armes de défense. Pour prévenir. Ok, ça veut dire que quand il y a au moins ce langue-là, tu sais au moins que tu as mis des vrais billets là-bas. Oui. Tu sais que tu fais. Tu prends le paquet maintenant. Oui. Tu laves normalement. Oui. Mais c'est tout rouge. Oui. Deuxième tour, rouge. Oui. Troisième tour. Rouge, tu appelles le laboratoire. Oui. Tu dis qu'alors, monsieur le laboratoire, mm-hmm. Mais on ne fait que laver. C'est pour dire que rouge, amenez-moi les échantillons. Oui. Il est quand même convaincu que c'est tout, l'argent est là. Mm-hmm. Ce n'est que rouge. Oui. Rouge. Oui. C'est ça. Maintenant, il te laisse maintenant, tu sors. Tu sors, tu disparais de la situation. Non, pas que tu disparais, tu sors maintenant. Si c'est que tu as encore le cœur de revenir, tu reviens. Oui. Continuer l'affaire. Mais là, il va encore dépenser. C'est qui va dépenser. Juste, c'est un moment donné qu'il ne peut pas dépenser. Il vend même sa maison. Il laisse ça. Il vend même sa maison. Toujours pour de l'argent. Oui. Et donc, pour ce monsieur de 120 000, explique, non? Bon, ce jeune homme de 120 000 francs-là, dès qu'on a soulevé son lit, on a mis son paquet. Oui. Il a déposé que bon, il faut que je rentre à la maison pour me reposer un peu. Oui. Avant que je vais revenir plutôt. Parce que parfois, on met 3 heures de temps. Oui. J'avais mis 3 heures parce que j'ai Kambakunda, Dakar, encore. Autant de disparaître. Il fallait qu'il fuit. Oui. Et lui, il dit que dans 3 heures, je vais venir, on va laver. Oui. Je suis rentré maintenant à la maison. J'ai appelé mon jeune ami, dit que bon, on fait comment? Voilà que ça a donné. Oui. Bon explique-nous. Il est assis avec toi. Oui. D'abord, tu as l'information que c'est 120 000 qu'il a. Oui. Dans ça, tu es là, il m'a déjà dit à l'avance. À l'avance. On est parti collecter. Oui. J'ai même relevé le numéro. Parce qu'il faut que tu sois sûr avant d'aller faire le matériel. Oui. Dans un système que non, il faut qu'on vérifie si les biais. Parce qu'on veut comprendre qu'il y a certains biais que quand. Si c'est un genre là, qu'on va multiplier, ça ne va pas sortir. Ça va pas sortir. Bon, il faut que je vienne vérifier. Oui. Et j'ai même poudre pour enlever. Oui, ces choses-là qui puissent déranger. Oui, c'est ça. Bon, le temps moi-même de venir vérifier. Et c'est pas dans ce temps-là que tu fais les manigances. Je viens d'abord juste vérifier d'abord. Oui. Je prends la poudre tac bébé, par exemple, là, avec le camphor que j'ai écrasé, j'ai mélangé. Oui. J'arrive maintenant, je prends ces biais d'origine moi-même d'abord. Ils me donnent. Je poudre, j'ai dit que bon, je suis en train d'enlever les empreintes. Les empreintes de tous ceux qui ont touché l'argent. Parce que ça va perturber le travail. Effectivement. Dès que je finis ça comme ça, là, j'emballe dans un sachet transparent. Oui. Je le remets. Oui. Il garde. Oui. Bon, non, moi, je connais maintenant le montant qui est à l'intérieur. Oui, tu es sûr. Je suis sûr que je vais fabriquer le matériel de tel à la maison. Oui, avant de venir tout à l'heure. Maintenant, je le laisse maintenant. En fait, tu as poudré ton argent que tu vas prendre tout à l'heure. Voilà, je l'ai poudré dessus. Il est intérêt, ça bien garder. Il garde ça bien. Il va très bien garder. Oui, pour que l'empreinte ne touche plus. Je touche plus, oui. Je rentre à la maison maintenant. Je prépare le matériel en fonction de ce que j'ai vu. Oui. Soit même, si c'est que je vois que c'est un client qui est un peu. Qui marche trop. Oui. Je reste avec lui. Oui. J'appelle le laboratoire pour qu'on prépare le matériel. Oui, on prépare des bon, pour essayer pour le contrôler, pour qu'il ne parte pas dire n'importe comment. Parce qu'il y a des. Il parlait d'un bagarre. On dit que, attention, on a déjà eu affaire. Oui. Et voilà qu'on vient, on t'en sait que. Oui. C'est le coup de poing. Oui. Bon, quand on voit que c'est un client qui bouge un peu trop, là, on reste avec lui. Oui. Donc, quand ils sont calmes, vous êtes aussi calme. Quand il est calme maintenant, tu le laisses. Mm-hmm. Tu pars à la maison maintenant. Tu prépares ton matériel comme j'ai expliqué là. Oui. En fonction du double et des blancs qui vont être introduits. Oui, donc pour lui, donc, tu es allé préparer. Mm-hmm. Tu es rentré. Et comment tu as fait pour prendre cet argent là devant lui sans qu'il ne sache que tu as pris l'argent? On le distrait. Oui. Parce qu'au départ, oui. on lui donne le paquet blanc. Oui. Soit tu lui donnes le paquet d'argent. Oui. Au fur et à mesure que tu mets, oui. Il envoie un bout. Bon, tu le fais travailler avec toi. Avec toi. Bon, tu le fais travailler pour qu'il participe. Oui. Soit tu le montres, soit tu fais y voir. Oui. Tu coupes une partie des paquets blancs, tu le donnes. Pour que lui-même y fait. Bon, au fait, on agit en fonction de la maturité du client. Oui. Si on voit que c'est un client qui est un peu qui dérange un peu beaucoup, oui. On le fait travailler. Oui. Si on voit que c'est un client qui est un peu responsable, on le met de côté. Pour qu'il observe. Mm-hmm. S'ils sont, par exemple, deux, trois, oui. Parce qu'il faut que tu juges la psychologie de tous ceux qui sont dans, dans la salle. Oui. Tu dis que, oh, oh, Hassan, donne-moi l'eau là. La manière d'obéir, oui. Tu comprends rapidement qu'on va quand même obéir. Oui. Tu dis à toi, oh, cherche-moi, chauffe-moi l'eau, chauffe-moi l'eau. Alors que celui-ci vient d'amener, de dire non, va encore réchauffer. Oui. La manière qu'il est un peu dur, tu comprends que non, voilà. Que t'es un têtu. Voilà un têtu. Troisième personne. Bon, on essaie un peu de l'échanger dans la salle. Oui. Parce que tu es seul, par exemple, souvent, tu peux te mélanger là-bas, t'es tapé. Ils sont même plus forts que toi. Oui. Parce qu'en partant, je m'arrangeais toujours à apporter un petit haut. Oui. Bon, quand je suis, bon, ils vont me voir comment je suis d'abord mince, oui, inoffensif. Oui. Ils vont voir qu'avec un coup de poing, ils peuvent même te tuer. Pour montrer que tu es. Alors que tu es fort que la tête. C'est ça même. Que tu es un esprit. C'était ton nom, n'est-ce pas? C'est ça même. Oui, l'esprit, oui. Bon, c'est comme ça que ce jeune homme-là, je me suis rendu compte qu'il était un peu trop éveillé. Oui. Parce que c'était un enseignant. Oui. Il aimait trop dialoguer. Oui. J'ai vu que. Parce qu'à un certain moment, et puis le stress commence. Oui. Quand l'argent veut déjà partir. Oui. Il a commencé à être un peu agité. Oui. Il dit que bon, pense à comment ce chien fait, comme oui. Je dois faire. Pour le stabiliser. Pour le stabiliser. Oui. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Dès qu'il a fait pour lui, j'ai pris son tas maintenant. Pour compléter là-dessus. J'ai fait ça avant de vérifier. Oui. J'ai remis ça sur mon tas. Oui. J'ai maintenant pris le sachet noir. Par contre, on travaille beaucoup, beaucoup avec le plastique noir. Oui. J'ai découpé. Vous dites que, vous dites que la lumière du jour n'a pas beaucoup influencé. Oui, aussi même pour essayer de. De voiler. Lui, de dissuader. Oui. Et parce que l'emballage qu'on a fait est aussi en noir. Oui. Parce que les mêmes choses sont là-bas, sont aussi ici en nous, comme on a gardé. Oui. Maintenant, dès que tu fais, dis que non, viens m'aider. Oui. Dès qu'il vient, parce qu'il faut qu'il participe. Oui. Il arrête, tu scotes, tu mets. Oui. Soit même tu arrêtes, il scotte, il met. Oui. Maintenant, tu dis que prends. Donc tu fais semblant de faire autre, de travailler sur autre chose. Oui. Tu lui donnes, il commence à emballer. Oui. Comme il commence à emballer, et c'est plus tu sais, frère, dans le monde, on dit que l'argent a un pouvoir. Oui. Et c'est vrai. Oui. Parce que quand il voit son argent, oui. Il est un peu tranquille. Oui. Mais quand il commence à emballer complètement, oui. Parce qu'il ne voit plus l'argent. La couleur de son argent, il devient agité. Oui. Que mon argent qui parle. Bon, il commence à réfléchir. Bon, quand on connaît comme ça là, on reste tranquille. Oui. Si on voit qu'il est un peu trop agité, on rouvre encore le paquet. Oui. Pour qu'il voit encore bien son argent. Oui, pour que ça se stabilise. On referme encore. Oh. Et c'est à l'heure là maintenant que les pratiques de marabout intervenaient. Oui. Parce qu'à l'heure là maintenant, les pratiques que le marabout faisait que son esprit s'endormait. Oui. On le domptait. Tout ce qu'on disait, mais il comprenait. On dit que. Parfois même, on le chasse même dès la maison. Oui. On dit, reste que dehors. Va plutôt surveiller si quelqu'un arrive. Oui. Il sort, il peut arriver dehors. Et nous, on fait, et dès qu'on finit, on dit, bon, viens pas, tu nous accompagnes. Alors que le cours est fini, il va encore vous accompagner. Il nous accompagne. C'est après qu'il s'est réveillé. C'est après quand tu es parti, oui. Qu'il devient éveillé. Et qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Alors que c'était la possession, c'était l'envoûtement. C'était l'envoûtement. Bon, ce jeune homme-là, par exemple, que je nomme là, le cas de mon premier coup que moi j'ai eu à faire. Ça, c'est avec cet ancien dont on parle. C'est Sénégalais, 120 000 francs. Je me suis rendu compte qu'il était un peu agité. Tu as dit qu'il était en même temps Sénégalais, il était Sénégalais-Ivoirien. Sénégalais-Ivoirien. Oui. Je me suis rendu compte qu'il était un peu agité. Et quelqu'un agité comme ça, je lui ai fait travailler avec moi. Et dès qu'on a emballé tout l'argent, il a encore commencé à vouloir bien s'agiter. J'ai encore réouvert son argent, il a vu l'argent. C'est calmé. J'ai maintenant, bon, je l'ai laissé réattacher. Oui. Il a réattaché seul. Je suis allé plutôt maintenant soulever le lit. Oui. Il a mis son paquet vraiment en bas du lit. Oui. Il est bien fermé. Oui. On a attendu quelques minutes. Je suis encore maintenant, on a encore soulevé. Il a emmené. J'ai pris une injection. Oui. J'ai injecté à l'intérieur. C'est à ce temps-là que tu. Parce qu'il faut encore faire quelque chose, c'est un travail. Oui, il faut. Parce qu'il faut en fait que l'argent. Il faut changer de paquet. Oui. Il faut changer de paquet. Il faut une stratégie. Je suis encore allé soulever, il a remis. Je me suis rendu compte qu'il était encore un peu agité. Oui. J'ai encore soulevé, oui. Il a retiré. Oui. J'ai encore injecté. Oui. J'ai vu comment d'abord. J'ai encore réouvert, il a encore vu. Oui, son on lit. A fermé. Oui. Il a vu les produits rouges que j'étais qui étaient un peu partout. Oui. Il a encore mis. Il était encore un peu agité. J'ai encore refait pour la troisième fois maintenant. Oui. Après, maintenant, j'ai vu comment il a devenu calme. Oui. Il a dit que bon, maintenant, de moi-même, je veux aussi m'en être bien. Oui. Dès qu'il m'a maintenant donné, il était un peu distrait. C'est pour ça qu'il a chargé le paquet une fois. Oui. Donc, c'est quelques secondes. Oui. Il faut seulement que je donne mon dos. Oui. Et même je change une fois rapidement. Oui. Dès qu'il a changé, je suis allé, il a remis le paquet, il a déposé. Oui. On a raison, on est tranquille. On a causé. Tu as donné ton cœur maintenant, que même s'il agite maintenant un peu, comment ça va? Puisque lui-même, il a fait, il sait que c'est son argent là-bas. Oui. On est resté tranquille, tranquille, tranquille. Sa maman a fait le tchèque, il l'a pris pour lui, il l'a amené dans la chambre. On a mangé tranquillement. Après, et tu manges, tu souris avec lui. On est content. Oui. On est content. Mais vous n'êtes pas content de la même façon. Parce que toi, tu es content de son argent. Je suis content parce que je vois déjà comment ma vie va changer dans quelques instants. Oui. Ceux qui m'ont insulté vont maintenant me voir une autre position maintenant. Oui. C'est comme ça qu'après lui il est content parce qu'on va encore refaire. Parce qu'il dit que lui, comment on va refaire là? Oui. On va encore refaire encore. Oui. Refaire encore. Quoi, finir pour finir. On va remplir sa chambre avec l'argent. Oui. Il n'y a pas de la cupidité. Oui, oui. C'est comme ça, dès que j'ai pris ça maintenant, je suis allé directement voir mon ami, là, mon jeune ami. Oui. Il dit, on fait comment? Tu restes où, on fait comment? Il a dit que non. Comme il n'est pas quoi affiché dans la ville, oui. C'est mieux qu'il va rester. Oui. Je lui ai donné ce que je pouvais lui donner. J'ai pris pour moi. Je suis rentré encore à Dakar, oui. Au Sénégal. Oui. Et là où vous avez fait le coup de 80 000. Là où lui l'avait fait, parce que moi, on ne me connaissait pas. Oui, donc c'est lui qu'on connaissait. On connaissait. Mmh. On est rentré, je suis rentré à Dakar. C'est Dakar maintenant que la ligne vraiment des affaires ont vraiment recommencé. Oui. Ont commencé. Oui. Parce qu'après Dakar maintenant, je rentre encore au Mali. Oui. Du Mali maintenant, je monte en Algérie. Oui. De l'Algérie. Oui, Et là, tu montes seul dans cette fois-ci. Je monte maintenant seul. Oui, celui-là. Donc là, on s'est séparés. Oui, on est chacun a pris ça. Oui, maintenant, soit on est content rarement par Internet. On est content par Internet. Mais parce qu'en ce temps, même le téléphone tu avais, tu perdais, tu avais, on arrachait. Oui. Tu avais les clients qu'on a eu en acquis, t'arrêtes, ils te prennent. Oui. Oui. Parce que bon, c'est comme ça que de l'Algérie maintenant. Ça ne donnait pas. En Algérie, j'ai subi deux déportations, non trois même, dans le désert. Bon, les Algériens, l'Union européenne à ce temps-là finançait beaucoup plus l'Algérie pour empêcher l'immigration clandestine. Oui. Et c'est comme ça que l'armée algérienne se répandait, ils travaillaient vraiment. Oui. Ils attrapaient toute personne qui avait la peau noire pour les déporter à la frontière du Mali. Oui. Il y avait une ville qu'on appelait Chibriche. Oui. La ville là, c'est la première ville du côté Mali. Oui. Bon, ils vous laissent comme ça. C'est pas que Tizawati. Oui. C'est la ville, c'est la dernière ville algérienne. Oui. Chibriche, c'est la dernière ville malienne. La première ville malienne. Oui. Il y a 7 km de désert. De désert. Dans 7 km. Oui. Entre les deux. Entre les deux. C'est là où on nous laisse maintenant, pour que nous rentrons maintenant à Chibriche. C'est là où on vivait. Oui. Et il faut automatiquement que tu trouves l'argent pour quitter maintenant Chibriche et rentrer à Alger. Oui. Et c'est vraiment un calvaire. Oui. Et en temps là, il n'y a pas de Western Union, il y a une poste mais qui fonctionne rarement. Oui. Même s'il y a des postes qui va t'envoyer l'argent, voilà. Tu es obligé de créer encore sur place. Les stratégies pour avoir l'argent. Tu dois trouver l'argent pour pouvoir monter. Oui. Et là encore, ça développe encore tes techniques de l'esprit. Ça développe encore tes techniques de l'esprit. Mm-hmm. Et là-bas, pour manger, il faut fabriquer. Bon, si c'est quand tu veux travailler à un Algérien. Oui. Il faut que tu fabriques les papons. Oui. Les papons comme en terre là. Oui. Et on fabriquait une brique à un dinar. Et pour avoir et pour payer un pain, il faut 10 dinars. Il faut 10 briques. 10 briques pour un pain. Sans parler maintenant d'épargner pour voyager. Oui, pour épargner. Bon, là-bas c'était juste pour la subsistance. Pour subsister. Oui. Parce que souvent certaines personnes se faisaient dans les 8 mois, oui. De 1 an là-bas. Oui. Parce que moi, de mon côté, j'ai fait presque 9 mois là-bas, rien qu'à Chibriche. Oui. Et ce qui nous a sauvé, c'est qu'un jour, on a eu un collègue qui avait gagné un chantier en plein ville de Chibriche. Oui. Non, d'après de Tizawati, au côté algérien. Oui. Et entre-temps, il y a un monsieur qui voulait les entrepreneurs. Non, il voulait un entrepreneur, oui. Pour construire sa maison. Oui. Moi, comme mon ami et moi, on s'est présenté vendu comme les entrepreneurs. Oui. Donc, oui, comme un entrepreneur. Tu as déjà fait l'entrepreneuriat. Je ne connais pas comment tu le sais. Je connais rien. Parce qu'il faut automatiquement qu'on gagne l'argent pour quitter. Parce que la vie est difficile. Oui. Les gens meurent. Oui. Ceux qui n'ont pas de mental, ils meurent. Oui. Parce qu'en étant au désert pour enterrer, on ne creuse pas beaucoup. Oui. On creuse juste un peu, on met les cailloux en haut. Doucement. Parce que le vent. On rame le sable. Parfois, quand on dort, le matin, tu trouves les tibères, les gens devant toi. Le sable a amené, le vent a amené. Et tu prends, tu passes ma remède en place, oui. Tu fermes. Oui. Bon, il te faut automatiquement avoir le mental. Le mental. Ce monsieur-là cherchait un entrepreneur. On allait bien dire que oui, on est des entrepreneurs. La station radio qui est au Mali, c'est nous qui avons construit. Le palais présidentiel, c'est nous. Bon, il faut automatiquement que tu le galvanises, que tu le parles normalement. Oui. Et la manière comme on parlait encore bien français, ça le convainquait. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. qu'on fait le papier. Comment on appelle encore le plan. Le plan de la maison, tout. Oui. On rentre à la maison, on a fait un plan. Mon ami, parce qu'il ne faut pas que tu dises à quelqu'un que tu as gagné un chantier. Oui. Donc tu dis, certains vont aller contourner pour déformer, pour qu'on les donne. Oui. Parce qu'ils vont aller taxer un prix moins que toi. Oui. Nous, on se cachait, on partait au désert, on traçait le plan des maisons, tout. On allait voir. Là, vous êtes devenu dessinateur obligatoire. Dessinateur, tout, il a dessiné tout. Il a vu, il a dit que lui, il veut cette maison-ci. Oui. On a calculé tout. Il est parti payer le sable. Non, le sable, c'était à côté. Oui. Il a payé les pierres. Oui. Il a payé le ciment. Oui. Il nous a donné une avance. Oui. Il nous a acheté, comme c'est qu'on a beaucoup faim là. Oui. Il a payé les jus, le pain, sardines, de donné. Oui. On s'est d'abord assis. Alors, on a récupéré le nombre de temps où il n'a pas mangé. C'est ça. Il nous a avancé 10 000 dinars. Oui. 10 000 dinars, bon, c'est-à-dire. Les grands, mais 10 000 dinars, c'est l'équivalent de combien en 5 ans? Presque 100 euros. Presque 100 euros. C'est presque 100 euros. Oui. Il nous a avancé ça. Et on est directement allé avancer notre transport. Oui. Parce qu'il y avait un convoi qui devait monter là, vous avez vu. Oui. On a le transport. Oui. On n'a pas le temps à perdre. Il faut que tu quittes dans la souffrance, frère. Mais pourquoi ne pas, il faut attendre qu'on réalise la maison, là, on paye tout. De quoi, ça va se réaliser un jour. On ne connaît rien. On connaît comment on va faire. Ça va se réaliser. On ne connaît rien. Oui. On ne connaît absolument rien. Et le plan, vous lui avez donné. Le plan, c'était un plan qu'on a dessiné en collaboration avec certains architectes. Oui. Ce qui fait une force chez les Camerounais, c'est que parmi les Camerounais, oui. Il y a vraiment les ingénieurs. Les ingénieurs, oui. Il y a les informaticiens. Et mais qui veulent aller se chercher tout ce moment. En Europe, c'est ça, ils veulent se chercher. Oui. Et on il y a les instruits parmi les aventuriers. Oui. Bon, on avait fait un très bon plan. Oui. Et il a vu, ça l'a vraiment intéressé. Oui. C'est comme ça qu'il nous a avancé 10 000 dinars. Mmh. On est parti maintenant plutôt payer le transport. Oui. Et de reste, maintenant, on vivait maintenant bien. Mm-hmm. Et il fallait maintenant qu'en étant, on commence à travailler au chantier. Oui. Parce que ce monsieur-là ne vivait pas dans la vie de Chibrich. Oui. Il vivait plutôt dans la vie de Tisawati. Oui. Il vivait plutôt dans une autre ville. Et il venait, il venait pas voir regarder. Oui. Et nous, maintenant, il fallait qu'on se mette à l'œuvre en attendant que le convoi voyage. Oui. Avant qu'un convoi soit prêt. Oui. Et le convoi maintenant retardait beaucoup. Oui. Maintenant, on s'est mis à l'œuvre quand même. Oui, vous creusiez. On creusait, oui. Oui. Et comme c'était en pierre, oui. C'était pas en papier, c'était en papier facile, c'était en pierre. Oui. Et la pierre, c'est que comme ça commence à être penché en fondation, là, oui. Ne crois pas que tu vas creuser ça. Tu vas ça va seulement continuer. tordu. Donc, il faut faire ça droit derrière. Il faut faire ça droit. Et comme nous, on ne connaissait pas, on a commencé à inventer des pierres. En attendant, tu viens de donner une partie d'argent encore. Oui, en attendant, tu viens de passer. Alors, on ne voulait même plus son argent. Enfin, vous voulez que le convoi démarre seulement. Oui. Que s'il arrive, qu'il vienne vérifier. Oui. Qu'il voit quand on a fait quelque chose. Oui. On a commencé à monter les pierres. Et voilà que. On ne mettait pas des pierres normales. Oui. Bon, on n'ajustait pas les pierres. Oui. On prenait les pierres, on mettait les sangs, c'est n'importe comment. Oui. Et voilà que pour finir, on s'est rendu plus tard que le mur était tordu. Oui. On voit qu'en enlevant vite, le ciment sera déjà dur. Oui. Parce que puisqu'on calade avec du ciment. Le ciment. On voit que c'est qu'on va encore redétruire. Oui. On a perdu le ciment. Oui. C'est mieux de continuer comme ça là. Et vous me voyez que c'était on voit que c'est tordu. On ne peut plus rentrer derrière. Parce que soit derrière, le ciment est devenu dur. Oui. Comme le désert fait tellement chaud là. Oui. Le ciment est solidifié rapidement. Quelques secondes, c'était déjà dur. Oui. On ne peut plus rentrer derrière. Et l'eau, c'est le problème. Oui. Pour plusieurs fois, il faut encore aller loin. Bon, même s'il faut qu'on enlève, on revue, il faut encore aller plusieurs fois loin oui. Et revenir. Mm. Et l'eau du feu était à finir. Oui. Il faut seulement qu'on continue. Oui. On réfléchit. On appelait mon ami Mekami Popo. Oui. C'était son sobriquet. C'était un Camerounais. Un Camerounais toujours, un gars Yaoundé. Oui. Un gars Béti. Oui. On a commencé à travailler. On dit que père, la fesse que tu vois là. Ça n'a pas donné. On a un problème. Oui. Il me dit qu'on fuit. Oui. Il dit qu'on va fuir, on fuit pour aller où oui. On a payé le transport. Si on fuit, les gars du ghetto vont maintenant prendre du coup de place. Il faut qu'on reste là, on supporte. Parce que lui voulait qu'on fuit. On a maintenant qu'à Chibrich rester. Oui. Parce que les Algériens, les Tizawati n'ont pas le droit de venir à Chibrich. Oui. Et nous, on vivait à Chibrich. Oui. On vivait entre Chibrich et Tizawati. Donc dans la zone tampon. Dans le tampon, voilà. Mmh. On reste, on réfléchit. Il me dit, je t'ai dit qu'on fuit, mon petit. Oui. Oui. Il dit que non, on fuit. Il dit qu'on fuit. Oui. C'est comme ça qu'on est resté. On voit seulement la poussière qui s'élève à distance. Oui, ça a ramassé. Non, c'est ce monsieur qui venait. Oui. Donc, comme on disait, avec la voiture. Avec sa voiture. Mm-hmm. Il vient, il regarde. Quand il vient, il voit la voiture sur lui comme ça, il regarde. Il sort, il regarde. Nous, maintenant, de l'autre côté, étant bien rusé, oui. Comme mon ami était bien costaud, bien barbu, c'est à lui, c'est bon, c'était lui qui était comme le chef chantier, c'était comme sa main d'œuvre. Oui. Je me suis mis à distance, à l'angle du mur. Oui. J'ai commencé à rentrer derrière un peu. Oui. Lui, le monsieur avance, il regarde le mur, il commence à faire dire que mais comment le mur a fait comme ça? Oui. Dès qu'il a seulement touché le mur comme ça là, oui. Bon, toute la maison est tombée. Oui. Bon, en tombant comme ça là, tout le monde est parti. Oui. C'est lui, mais c'est maintenant lui qui est resté dans les problèmes. Oui. Ils ont bon, heureusement que c'était quelqu'un qui était aussi bien fort. Oui. Il a renversé ce monsieur là, le mis à terre. Lui, il a commencé. Il a commencé à fuir. Oui. Et c'est comme ça qu'on a eu notre transport pour remonter maintenant à Tamaracet. Dans l'Algérie. Dans l'Algérie toujours. De Tamaracet maintenant, et j'étais déjà un peu apte par rapport à la frappe. Mm-hmm. C'est là où maintenant que. À la frappe, c'est-à-dire qu'à l'arnaque. À l'arnaque. Oui. Oui. On a commencé maintenant à arnaquer en professionnel un peu. Malgré les exactions des policiers ou autres, malgré oui, les on jonglait. Oui. On jonglait parce que pour arnaquer, puisque on dormait que dans les montagnes. Oui. Dans les montagnes. Et en montagne, un client ou bien un poussé ne peut pas venir là-bas. Oui. Bon, en plein jour, on était dans un endroit qu'on appelait que la place Tchad. Oui. Bon, c'est un endroit. C'est un espace oui. Que le gouvernement vient là-bas rarement. Oui. Bon, c'est là où toutes les comités se rassemblent. Oui. Camerounaises, Congolaises, Nigériens, tout le monde s'assemble là-bas. Oui. Et le soir maintenant, chaque comité part dormir dans sa montagne. Oui. Et il y a plusieurs montagnes. Oui. Il y a la montagne des Camerounais, la montagne des Ivoiriens, ainsi de suite. Oui. Et les Algériens connaissent que c'est ce soir. Ils savent que l'on dort là-bas. Oui. Et ceux même qu'on en a que parfois maintenant viennent attendre, viennent chercher le bourreau là-bas. Oui. Et en cherchant même, on dit que mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ceux qui sont courageux, oui. s'approchent vers eux. Oui. Ils disent, c'est quoi, tu cherches qui? Oui. Et voilà qui va parler, mais ils disent que non, laisse, je vais continuer l'affaire. Oui. Souvent, c'est un partenaire qui continue. Oui. On les tue. On les tue. Oui. C'est un partenaire qui continue. Et ça n'a encore eu. Waouh! Et à l'issue de cela, tu as dit qu'il y a eu deux ou trois déportations. On vous déporte dans le même lieu, tu montes toujours. Après, tu n'as pas changé d'avis? Non, puisque c'était la seule issue. Oui, il fallait continuer de l'Algérie. Quand on guette le Mali, on voit que c'est la souffrance. Oui. On voit le Sénégal, c'est la souffrance. Oui. On voit la riche choisir la souffrance, on voit que ce n'est que devant. Qu'il faut avancer vers le haut. Et là, la cible, c'était? La cible, c'était beaucoup. Maintenant, ma cible particulièrement, c'était le Maroc, parce que les déportations là m'avaient beaucoup traumatisé. Oui. Et puis, c'est comme ça que j'ai parvenu, je suis arrivé à Alger. Oui. Alger, j'ai regardé un peu Alger, j'ai encore vu qu'on peut encore me déporter ici à Alger. Oui. Il y a maintenant une ville frontalière avec le Maroc qu'on appelle Marnia. Oui. Je suis maintenant plutôt allé à Marnia rester. Oui. De Marnia maintenant, j'ai maintenant créé un temple de maraboutage. Oui. Bon, il y avait presque tout là-bas. Bon, ceux qui voulaient l'ANA, bon, j'étais comme une pièce centrale. Oui. J'étais une pièce centrale. Oui. J'ai créé un temple, bon, les hommes d'affaires. Oui. Les hommes d'affaires qui venaient se ressourcer, oui. venaient vers moi. Oui. Ceux maintenant qui voulaient voyager pour aller en Espagne, bon, c'était deux camps. Oui. Le camp des affaires et le camp des voyageurs. Et toi, tu es là, tu ne t'en sortais pas? Non, puisque... Ou bien ton temps, quand tu commences, on voit que tu es quelqu'un qui a des biens, tu es situé. Voilà, comme j'étais aussi un ancien, oui. Comme j'étais un ancien, j'étais bien rusé. Oui. Bon, maintenant, plusieurs hommes d'affaires maintenant venaient plutôt de mon côté. Oui. C'est comme ça qu'on maintenant on restait... Et parfois il y avait des affaires à Oran. Oui. Oran, c'est une ville qui est une ville qui tue du côté de Marnia. Oui. Bon, comme j'avais souvent peur de partir, oui. J'envoyais plutôt ceux qui ont les passeports. Ceux qui sont plus courageux que oui. Moi. Oui. Ils partaient travailler, oui. Maintenant, je partais prendre les pieds. Oui, mais en tout cas, dans tous ces parcours-là, est-ce que tu n'appelais plus ta famille au pays puisque tu as rarement. Tu n'appelais pas. Rarement, j'appelais. Tu attendais seulement un bon coup pour un pays qui te voit physiquement. Effectivement, c'est ça. Rarement. Oui. Et c'est comme ça donc que... Tu es devenu un marabout professionnel maintenant pour faire voyager les gens et faire résonner les business. Mais tu sais que tu les trompes seulement. Effectivement. Mmh. Parce que même parmi ça, il y a même souvent certains Camerounais même qui étaient encore les nouveaux. Oui. Qui venaient de sortir. Oui. Qu'on prenait un peu plus encore même bien pour les faire fuir. Oui. Donc ils étaient des nouveaux dans l'aventure. Ils savaient que toi tu es un grand aventurier. Voilà, effectivement. Là, donc ça dit que même entre vous, ça se joue avec ça. Se joue, tous les coups sont permis. Tu gagnes fait l'erreur, tu frappes, oui. Tu avances. Oui, quelqu'un, il me rappelle, il y a eu un gars à Bassala qu'on appelait Nyandom. Oui. Malheur pour lui, il a eu à faire un convoi de ceux qui devaient aller en Espagne. Oui. Parce que ceux qui devaient aller en Espagne quittaient beaucoup plus à partir de Marnia. Oui. Il a pris l'argent de ces Camerounais-là. Oui, il a réuni l'argent. Il a fui avec. Oui. C'est comme ça que plus tard on l'a attrapé. Oui. Et quand on l'a attrapé, vraiment c'était un calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh frère. Tu vois, ce sont les Camerounais qui l'ont tué. Bien, non, on ne l'a pas tué, mais bon, il est vivant, mais quand il y a comme mort, oui. On a pris les bidons. Oui. Les bidons là, les bidons d'huile, les oui. bidons là. Oui. On a allumé oui. un plastique. Oui, on a laissé. Voilà, ça tombe sur lui, ça tombe sur lui, ça tombe. On a pris le fer, oui. un fer, oui. bien chauffé. Oui. On a mis ça dans son anus. Oui. Lui, bon, c'est bon, sa peau là, quand tu le vois, il a une peau. Heureusement, comme la panthère. Heureusement parce que le Maroc a une. Lui, je peux dire. Magna, c'est tout. Le Maroc vraiment a une. Je peux dire, ils ont. Comment on peut dire? C'est en Algérie. Oui. Ils ont une médecine développée. Oui. C'est par là qu'il a été sauvé. Oui. Mm-hmm. On a pris soin de lui, sinon il mourrait. On a pris soin de lui. Et comme ce frère Camerounais qui a voulu lui le faire ça. Parce qu'il a pris l'argent des transports. Oui. Il a fui avec. Il a fui. Et voilà que plus tard on l'a rattrapé. Oui. Bon, il n'est pas arrivé en Espagne avec. Oui. On l'a pris qu'en brousse. Oui. Parce que ceux qui font partie, les Marocains qui font l'entrée, oui. pour les contacter, c'est en brousse. En brousse. Bon. Il y a un passeur qui oui. prend l'argent, qui parle, qui l'amène en brousse. Oui. Bon, lui, étant sûr qu'il devait partir, oui. il est parti en brousse. Maintenant. Il est calé là-bas. Voilà qu'il y a eu retardement. Oui, on est venu le trouver là-bas. Oui. Les autres qui l'ont pris l'argent sont venus le trouver là-bas. Non, ils n'ont pas bougé. On a seulement appelé ceux de la brousse. Oui. On l'a venu chercher. Oui. Parce qu'on travaille en collaboration. Oui. Si c'est que je viens à Kamarasset, oui. je t'en que oui. Bon, on parle dans une affaire. Oui. J'étais dupe. Oui. Je fuis à Alger. Oui. Toi, tu restes là à t'embrasser, tu appelles Alger. Oui. Je dis que vraiment, voilà, c'est ce qui s'est passé. Oui. Tu expliques le problème, dès que j'arrive, on m'en prend. Oui. Bon, lui maintenant, il a fui en brousse, on l'a appelé, on l'a attrapé, on l'a maintenant expédié. Oui. Avec deux, il peut dire que deux camions d'abord, on l'a expédié maintenant à Marnia là-bas. Oui. C'est là qu'on l'a traité. C'est terrible. C'est vraiment très terrible. Et ton maraboutage, comment ça se passe? Est-ce bon, c'était pas tellement. Bon, j'avais créé cet endroit puisque je ne voulais pas me mêler. Mmh. Bon, je voulais faire une distinction mmh. entre le clan, entre les hommes d'affaires oui. et ceux qui vont en Europe. Oui, pour que personne ne oui. t'échappe. Et maintenant, ceux qui vont maintenant en Europe, maintenant, ceux qui, les hommes d'affaires en général, oui. parce que quand ils venaient parfois, ils avaient bien l'argent sur eux aussi. Oui. Tu vois un peu, bon, ça permettait que la collaboration, l'entretien mmh. est quand même bien. Oui. En entendant que moi aussi, c'est que en dans la ville, oui. j'ai eu un contact. Oui. Je vais mettre en contact avec mes clients. Oui. Ils partent maintenant, ils en ont que on partage les bénéfices. Oui. Mais malheureusement pour moi, tous mes contacts que j'avais ne marchaient même pas. Oui. Ça ne marchait pas. Donc, mon aboutage à Féric oui. ne marchait pas. Jusqu'à ce que... Tu as changé de métier. Ça m'a découragé. Ça m'a découragé au niveau de l'Algérie. Oui. Je suis maintenant foncé maintenant plutôt vers le Maroc. Là, maintenant, tous les courriers où tu vas acheter, tu as balancé. Non, j'ai balancé. Le stade de maraboutage, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Mmh. Et au Maroc, première ville. Première ville, la première ville, c'est Oujda. Oui. Oujda. Où tu es là où je suis arrivé. Mmh. Mais comment tu as traversé la frontière marocaine pour entrer facilement? On traverse à pied. Oui. Il y a des guides. Oui. Il y a des Camerounais guides qui savent déjà bien comment jongler. Oui. Parce qu'au fur et à mesure que moi-même, j'ai même bien mis en avant, je connais aussi bien. Tu es devenu un guide. Je suis le guide aussi. Oui. Et par guide, maintenant, ceux qui devaient aller en Espagne maintenant, là, par personne, ils payaient 100 euros pour le guidage. Oui. Bon, si c'est que tu as 5 personnes, ils vont te donner 500 euros. 500 euros. Oui. Vous quittez, par exemple, pendant les 22 heures, 23 oui. heures. Oui. Vous arrivez là-bas vers minuit, 2 heures. Oui. Vous dormez un peu en forêt. Le matin, vous prenez le bus. Oui. Tu les amènes maintenant au ghetto oui. qui va les recevoir à Oujda. Oui. Oui. Mm-hmm. Ok. Et donc, quand tu arrives au Maroc maintenant, puisque tout à l'heure, on a fait un bon pour voir le cadre général, c'est là où tu avais perfectionné ton affaire. Donc, tu as atterri dans quelle ville? Ta cible, c'est quelle ville? Ma cible, normalement, c'était Casablanca. Oui. Bon, quand j'arrive maintenant au Maroc, je me trouve dans la ville de Oujda. Oui. Oujda est un peu difficile. Oui. Mais entre-temps, je parviens à gagner beaucoup d'argent là-bas. Oui. Parce que c'était une ville qui avait beaucoup de clandestins. Beaucoup de ceux qui étaient là voulaient aller en Espagne. Oui. Et il y avait peu maintenant des hommes d'affaires. Oui. Et la ville était vraiment bien juteuse. Quand tu parles d'hommes d'affaires parmi les clandestins, ou bien? Bon, je peux dire oui. Parmi ceux qui voulaient clandestiner, oui. mais qui sont arrivés, ils ont pris goût aux affaires. Oui, mm-hmm. ok. Donc parce tu es arrivé maintenant avec l'esprit, comme tu es esprit, mm-hmm. tu as regardé le champ, tu as vu que le champ est prenable. Est prenable. Oui. Maintenant, je suis tombé dans des affaires maintenant. Oui. Bon, j'en ai maintenant les vendeurs de drogue. Oui. Donc tu en as les vendeurs de drogue. De drogue, oui. Oui. Ceux qui vendent le hashish là. Oui. Même procédure, non? Oui. Je viens, je te rencontre, je dis que bon, je veux... Une assez grande quantité de drogue. Non. Je ne pas dire que je vois que ça c'est un dealer. Oui. Je le paie même quelques grammes. Oui. Je fume, vous voyez que non, c'est très bon. Oui. Et que non, j'ai quelqu'un en Espagne qui veut ça. Qui veut la bonne qualité. Alors que tu ne connais pas l'Espagne. Je ne connais pas l'Espagne. Mais j'ai des amis là-bas. Oui. Que quand Cécile mort, oui, tu appelles. J'appelle. Mm-hmm. Moi qui l'appelle, il voit 0,034. Il fait comprendre qu'il a besoin de 100 kilos, oui. De 300, de 500 kilos. Oui. Mais voilà la manière qu'on va payer. Oui. Je lui montre l'échantillon. Oui. Quand ça, la majorité ça intéressé. Oui. Parce qu'il veut aussi avoir beaucoup d'argent. Ils ont un sens à avancer dans les affaires. Oui. Ils comprennent facilement. Oui. C'est comme ça qu'ils sont intéressés. Oui. Et puis rapidement, c'est comme ça. Tu raclais l'argent. On raclait parfois, j'envoyais certains amis, tellement que j'étais sollicité, tellement que j'avais des clients. Oui. Bon, parfois j'envoyais que les amis panaquaient. Oui. Bon, je créais le contact, j'envoyais, oui. J'envoyais. Mm. Ça permettait que je partais même souvent là-bas, me reposer, puis je revenais là-bas. C'était un champ mielleux. Oui. Oui. Tellement que j'ai gagné. Bon, c'est là où maintenant. Tu as pris goût. Oui, j'ai pris goût et puis. Tu as compris que le terrain s'est vraiment fait. C'est bien fait. En fin de compte, tu as quitté la ville centrale, la ville de l'Ouest où il y a la misère. Pour l'Afrique du Nord, où il y a du jus. Du jus. Mmh. Le pays où coule le lait, le miel. Mmh. Ouais. C'est comme ça que ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Après, un certain temps, j'ai dit que bon, il faut que je monte aussi à Casablanca maintenant pour me reposer. Oui. J'ai encore fait contact avec un ami, un partenaire. Oui. On était vraiment beaucoup aussi liés. Oui. On est maintenant monté plutôt à Casablanca. Oui. On est maintenant resté. C'est comme ça qu'on tournait, on tournait, on tournait. On a patrouillé tout. Parce que tout le Maroc, oui. Tout le Maroc, Tanger, Meknès, Laayoune, Ouzou, Fès, tout, on a patrouillé. Mm. Et c'est comme ça que le terrain était vraiment très bien juteux. Puisque beaucoup, même des hommes d'affaires professionnels en papier, oui. Ils quittaient là-bas pour venir là-bas chercher aussi des affaires. Oui. Certains quittaient même l'Espagne, oui. l'Allemagne, certains quittaient même le Mexique, même. Oui. Oui. Les Camerounais qui avaient des passeports. Dominicain, oui. des passeports guatémaltèques même, oui. Ils venaient là-bas. Comme ils peuvent voyager facilement. Oui. Mm-hmm. Ils venaient parfois là-bas. Mm-hmm. Bon, et c'est là où j'avais compris que le Maroc c'est le centre, oui. Qu'il y a vraiment l'argent ici. Parce que beaucoup même qui étaient à Dubaï, oui. Venaient là-bas. Oui. Donc le territoire était bien fertile et bien disputé. J'ai dit que bon, pourquoi partir et revenir, oui. Mieux vaut. Tu es déjà sur place. Je suis parti. Pourquoi pas me concentrer, oui. C'est comme ça qu'on tapait de gauche à droite, on tournait. Mm. C'est comme ça jusqu'à ce que... Mm. Mm. Et là, tu parlais dans ton témoignage ici des imams que les tu imams. As eu à frapper, des pasteurs, des prêtres. Raconte-nous ces séries avant qu'on continue. Nous sommes exemple, au Maroc, à Casablanca. Par exemple, l'imam que j'avais eu à Naki. C'était dans quel pays? C'était à Casablanca. Oui. Mais dans une région. Oui. Dans une région de Casablanca. Oui. Bon... Je suis toujours allé à l'internet. Oui. Donc c'était mon point fort. Oui. Je suis allé maintenant dans les bâtiments. Oui. J'ai vu un entrepreneur tout comment il a aussi la maison qui vend. Oui. Je l'ai appelé parce que je l'ai appelé comme le dimanche. Oui. On s'est vu le lundi. Oui. On a causé tout on a causé. Je lui ai fait part de mes ambitions, oui. De mon investissement et tout et tout et tout. Et, tout. Oui. Et tu dis comme ça, tu n'as même pas un ratine derrière. Il n'est rien. Mm-hmm. Il n'est même pas 5 francs. Mm-hmm. Et même pour aller le voir ce jour-là, j'ai même marché qu'à pied. Oui. À pied de la maison, même pour arriver jusqu'au centre-ville-là. Oui. Tellement que quelqu'un qui veut investir. Oui. Je l'ai vu, on a causé tout, il était très intéressé. Et je suis rentré à la maison. Le lendemain, je l'ai encore appelé, il est même venu me voir. Il m'a pris, il m'a amené dans sa ville, oui. Là où lui vivait même. Oui. Il m'a présenté tout. Je suis maintenant rentré. J'ai maintenant fait par un ami qui avait les moyens, parce qu'il oui. N'avait rien. Oui. L'ami l'a maintenant amené le fond. Oui. On a maintenant cherché quelques échantillons. Oui. On lui a montré. Oui. 4 jours. 4 jours à 5 jours plus tard. Bon, oui. On a fait une semaine de contact. Oui. C'est comme ça qu'il m'a maintenant amené. Il m'a amené dans sa mosquée. Oui. Là où lui coordonnait. Oui. C'est là où nous aimons islamiser. Oui. Puisqu'on a dit que non, vraiment. Puisqu'on a su que vous, oui, oui, pour que bien les bouffer, oui, pour être musulman. Pourquoi ça, on dit que non, nous on veut être que musulmans. Il nous a amené. Vous avez racheté la shahada. On a récité, oui. Bismillah, Rahman, Rahim, Ashhadu, là, tout ça, on a récité. On a fait les ablutions. Oui. On vous a embrassé, vous a bien accueilli comme le nouveau musulman. Effectivement, on nous a présenté à la salle. Oui, les gens ont applaudi. On a applaudi tout. Oui. C'est comme ça qu'après ça nous a amené. Quel est le nom qu'on vous a donné? Plusieurs noms, mes frères, parce que nous sommes dans beaucoup de pays. Nous connaissons un peu le nom qui nous l'a donné. plusieurs noms. Oui. Plusieurs noms. Parce que je me suis amusé en Égypte, je me suis amusé en Algérie, oui. Au Maroc, en Tunisie même. Oui, mais dans chaque pays où tu pars, tu n'es pas encore musulman, tu t'es islamisé. Je l'ai amusé pour bien gagner la confiance. Oui. Pour bien gagner la confiance. Oui. C'est comme ça qu'il nous est présenté et tout. le colis diplomatique qui est arrivé, il nous a pris de sa ville natale. Oui. Je peux dire quoi? Je peux dire malheur pour nous, bien bonheur pour nous. Oui. On est en train de partir comme ça à Rabat. Oui. On quitte comme ça Casablanca, on quitte sa ville natale pour aller comme ça à Rabat. Oui. Et entre-temps, nous vivons dans un quartier qui est à la sortie de Casablanca, Casablanca. Là où tout le monde nous connaît. Oui. Dans le quartier, même les Marocains nous connaissent. Oui. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils s'arrêtent là dans un café, oui. Là où souvent on vient souvent prendre le petit déjeuner. Oui. Là-bas, on dit qu'il faut qu'on mange comme ça. Oui, tu as dit que ma paille veut. Tu as dit ça, c'est quoi? Et celui, dans la voiture, il y a l'argent déjà. Oui. Il avait environ dans les 6000 euros dans sa voiture déjà. Oui. Et qui était prenable. Qui était prenable. C'était après. Oui. Bon, on partait comme ça, donner l'argent pour porter la caisse d'argent. Oui. Parce que lui, on l'avait plutôt pris dans un autre sens. Oui. Bon, on partait comme ça, donner l'argent pour prendre la caisse. Oui. La caisse d'argent et pour rentrer à la maison. Oui. Donc, il devait donner 6 000 euros pour prendre une caisse d'argent. Qu'est-ce que cela? Il s'attendait à ça, alors que c'est la NAC toujours. C'est la NAC toujours. Mm-hmm. On s'arrête dans ces restaurants-là. Oui. Mais c'est là où j'ai même eu peur dans ma vie. Oui. Parce que imagine un instant si quelqu'un voisin qui parce qu'il me connaît. Il dit, oh! Oui. Et alors, je peux comprendre qu'on ne connaît personne dans la vie. Oui. C'est comme ça qu'on a envie de manger, vite. Et tu ne peux pas le dissuader de quitter le restaurant. Tu ne connais pas. Tu as quitté pour partir. Oui. Tu ne connais pas la vie. Oui. Il ne faut pas manifester un acte suspect. Oui. C'est comme ça que rapidement. Là, tu étais comme ça, les intestins bouillés dedans. Oh, frère. Bon, j'avalais seulement vite. Oui. Et comme mon ami là, il mangeait aussi lang. Je dis que, mais Joe, mange plutôt un fur. Tellement qu'il était lang, j'ai encore un prix pour lui. Parce qu'il fallait qu'on. Et en tant que ce monsieur veut qu'on mange bien. Oui. Parce qu'il veut bien prendre soin de nous. Oui. Et il ne savait pas qu'il vous faisait plutôt du mal là-bas. Effectivement. Mmh. On allait. C'est, le vendredi, on s'est islamisé. Oui. Mais même comme le samedi, l'ambassade s'est ferme. Oui, on a dit que c'est ouvert le jour là. Vous avez dit que de tout là, c'est tout à l'ambassade. L'ambassade, c'est pour lui. Dans quelle ambassade vous partiez à Rabat? On partait, je crois que l'ambassade. On donnait beaucoup plus aux ambassades. Les plus prisés. Non. De l'Afrique subsaharienne, oui. Soit de la Guinée, oui. Soit du Mali, soit de la Côte d'Ivoire. Oui, comme c'est pas ça, c'est pour parce eux. Que, oui, parce qu'on va voir un noir venir. Oui. Si on dit, par exemple, que c'est l'ambassade de l'Espagne, s'il voit un noir venir, c'est un problème. Oui. C'est comme ça que maintenant, nous sommes arrivés à Rabat. Et des Rabat, on a appelé celui qui devait venir livrer. Oui. On a vu qu'en s'affichant, oui. Il va entrer dans notre affaire. Oui. On l'a plutôt bloqué à distance. Oui. Pour qu'il ne vienne pas entrer dans les 6 000 euros là. Pour qu'il ne voit même pas le client. Parce que s'il voit le client, oui. il va dire que lui-même il a rien dans l'affaire. Oui. Bon, on est dissuadé. Oui. Bon, il est resté là-bas, on a encore pris un taxi. Aller maintenant chercher le matériel entre ses mains. Oui. Reprendre le taxi maintenant, revenir. Donner au monsieur. Oui. Prendre, en fait, en partant, non, on a pris les 6 000 euros là. Oui. Mettre chez nous. Oui. Parti. Le laisser là-bas. Le laisser. Vous ne pouvez pas revenir. On ne peut pas revenir. Oui. Tellement comme les marabouts travaillaient, non. Oui. Oui. Si on voulait, parce qu'on a vu que non, il peut bien payer gros. Oui. Parce que ce n'est que. On disait souvent qu'on a. C'est que les miettes. On a juste blessé. Oui. Vous avez blessé seulement. Que les 6 000 euros, c'est la blessure. C'est blessure, c'est comme un appât. Oui. Dès qu'on a pris, on a contourné, on a pris la mallette, on est venu, on lui a donné. Oui. Pour qu'il s'avance. Oui. Il s'est avancé. Le temps maintenant de rester préparer maintenant des échantillons. Avec, en conséquence. En conséquence. De tout ce qui est là-bas, oui. Mm-hmm. Mais plus tard, il y a eu une dispute entre mon collègue et moi. Oui. Bon, on ne s'est pas entendu, c'était sur certains points. Et puis. C'est une modalité. Oui, et on a préféré gâter la fête. Oui. Mm-hmm. Vous avez gardé 6 000 euros. On s'est partagé. 3 000 euros. En moins d'une semaine. Oui. Bon, j'étais vraiment juteux. Juteux. Donc, pour une fois, c'est l'un des premiers gros lots que tu as eu là depuis. Non. Là-bas, on a eu des lots de 80 000 euros. Non, mais je dis, ça, oui. C'est ton premier là-bas, gros lot. Là-bas, c'est parce que tu m'as demandé pour, les musulmans. Pour un imam. Ok, pour un imam. Pour le imam, là où tu as pris une semaine, ils ne vous ont pas cherché. Non, ils ne vous ont pas cherché. Jamais à la mosquée. Fais quoi, frère? Si je repartais avec une mosquée, c'était juste pour encore me islamiser seulement. Islamiser pour prendre le même coup. Effectivement. Oui. Et donc, le plus gros lot, c'était où et c'était comment? Le plus gros lot qu'on a eu, c'est quand mon deuxième petit frère, oui. Mon deuxième petit frère est tombé en prison. Parce que quand lui-même, tellement que j'ai duré, je ne venais pas. Celui dont tu as volé le poulet? Voilà, celui dont tu as volé le poulet, oui. Il est quitté aussi, il est parti en Libye, de la Libye. Il allait en Algérie, de l'Algérie. Il a dit qu'il montait vite au Maroc. Oui. À la frontière maintenant du Maroc, à Magna là-bas. Oui. Je suis quitté, je suis allé le chercher. Oui. De l'Algérie, je l'ai ramené à la maison. Oui. Et lui-même aussi, il s'est aussi introduit de son côté dans les affaires. Oui. C'est comme ça qu'il s'est aussi introduit dans les affaires. Et il est parti dans une ville qu'on appelle Agadir. Oui. Avec ses amis. Oui. Bon, le manque d'expérience a permis que. Ils ont rencontré vraiment une très bonne affaire, oui. Mais ils n'ont pas pu cadrer le client. Oui. Et voilà que le client maintenant, voilà que, oui, ils ont pris la main levée, comme oui. On disait souvent, oui. On l'a blessé. Oui. Ils sont allés maintenant pour vivre, comme on dit là. Oui. Ils ont maintenant amené une pute à la maison. Oui. Maintenant, tellement qu'elles sont réveillées, elle a ressenti l'odeur du diluant. Oui. Dès qu'elle est sortie, elle est partie informer la police. La police, la police est venue encercler la maison, on a fouillé la maison, on a vu les appareils, les billets, tout. On les a condamnés. Oui. Et maintenant, en prison maintenant. Et quand ils tombent en prison comme ça, là, je viens juste de gagner de l'argent pour partir en Asie maintenant. Oui. Parce que je voulais quitter l'Afrique. Oui. Je vois maintenant, quand j'ai compris que mon petit frère en prison, oui. Il dit que ouais, comment je vais aller lui laisser. Oui. L'amour, bon, le chagrin oui. Familial oui. M'a fait que je suis resté maintenant le temps de l'entretenir. Oui. Le temps, si possible, chercher même un avocat. Oui. Et en temps, l'argent ne faisait que de finir. Oui. Et lui, maintenant, en prison, maintenant, là-bas, oui. M'a maintenant appelé. Oui. Il m'a maintenant mis en contact avec son client. Oui. On est parti, on a gagné. Donc, même en prison, il continue le même travail bien sûr. Avec le client à l'extérieur. Bien sûr. Il y a des gens qui sont en prison, qui gagnent l'argent étant en prison. Oui. Et on garde pour eux. Parce que puisqu'on cherchait des gens cupides, non oui. C'est en prison qu'on les trouve même. En prison même. Oui, qu'on les trouve même. Oui. Et comme il est en prison, il est bloqué. Oui. Il te met en contact avec son frère de yo. Oui. Et toi, tu es en contact avec ton client de yo. Donc, en temps, vous connaissez dans la prison, en temps, les deux, vous connaissez de yo, c'est bouffe de yo. Oui. Ah, c'est quand même terrible de yo. Hein. Vraiment très terrible. Terrible. Et là, ton petit frère, on l'a pris. Ça a fermé ton ambition pour voyager pour l'extérieur. Pour l'extérieur. Voilà qu'au fur et à mesure, comme c'est un pays qui est trop dépensif, oui. L'argent ne peut-être vite sortir. Oui. Et comme quand tu as l'argent, tu ne peux pas voir tes frères, hommes d'affaires souffrir. Souffrir. Bon, soutien, oui. Nutrition, tout, cigarettes, drogue, un peu tout ça. Oui. Bon, c'est comme ça que maintenant, 8 ans en prison, on m'a mis en contact, on a gagné l'argent. Oui. Et voilà que pour finir, il est ressorti encore avec un autre contact. Il a fait combien de temps en prison? Il avait fait environ un an, 6 mois comme oui, ça. Oui, et puis il a plusieurs appels. Non, disons presque. Oui, il pas tellement. Pourquoi on ne l'a pas rapatrié? Même quand on rapatrie, on te laisse Kaouchida et tu remontes encore. La ville de Agadir avec une loi spéciale, on laissait sur place. Oui. Bon, on ouvre la prison, tu sors. Oui. Pour les Africains. Oui. Oui. Donc là, on l'a enfermé, c'était pas à Gaza. C'était pas à Gaza, c'était à Agadir, puisque c'est à Agadir qu'on l'avait arrêté. Ok, on l'a gardé là-bas, on l'a mis en prison là-bas. Agadir. Et lorsque on le fait prison, on le laisse là-bas qu'il sorte. Oui, qu'il sorte. Que débrouille-toi. Débrouille-toi. Bon, il peut encore remonter encore. Automatiquement. Il est revenu à la maison avec un client encore. Oui. C'est comme ça qu'on a encore entretenu le client, on a entretenu. Oui. Et voilà qu'il avait donné dans les presse dans les 80 000 euros. Donc c'est un grand client. C'était lui. Il est sorti de prison victorieux. Mm-hmm. 80 000 euros. C'était un Marocain. C'était Marocain. Toujours un trafiquant. Oui. Un wow. Trafiquant de drogue. Oui. Parce que ce sont eux qui payaient rapidement. Rapidement, ils ont beaucoup d'argent. Sur la cache, ce n'est pas qu'ils se cachent à la maison. Oui. À la maison. 80 000 euros. Mm-hmm. Vous avez disparu de la circulation. Non, pour partir. C'est lui qui fuit. C'est lui qui va fuir. On est plus resté sur place. Oui. Et vous avez fait commander ces 80 000 euros. La vie. Vous avez acheté des boîtes. La vie. On a même rien monté, descendre, tourner selon comme ça. Là. Chercher envoyer les l'argent au pays oui. Pour qu'on paye le terrain. Oui. Monter, descendre, chercher les femmes. Oui. Aller dans des circuits, allumer la cigarette avec l'argent, comme on voyait souvent les films. Et Doug Saga et autres. Non, Doug Saga venait me dire, il y avait un film de Don Wood. Oui. Comment. Tu vois que c'est les films qu'on aimait beaucoup voir. Oui, ils aiment comment ils allumaient la cigarette avec le dollar. Clint Eastwood. Oui. Et il allume là, il fume sur le dollar. Oui. Vous dites, il a tellement l'argent. C'est oui. Ça. Mm. Déjà des villes là, le bon, tourné. Payer 3 billets d'avion sur 3 billets d'avion de 3 pays différents le même jour. Oui. Alors, et qu'est-ce qu'il fait comme ça là? Comment je mets, voilà, je combat bon. L'argent qui est embrouillé. Oui, ça t'embrouille. Exactement comme ça. La Bible déclare que des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité. Fugitive et l'avant-coureur de la mort. Mm-hmm. Et l'avant-coureur mm-hmm. de la mort. Mm-hmm. On est toujours au Maroc. à Casablanca. Et là, tu continues. Tu nous as parlé des imams cette fois-ci, les prêtres. Comment tu les as fait? Le prêtre qu'on a eu en Acre, c'était en Algérie. Oui. En Algérie. Oui. Et dans la ville de Tamaracet. Oui. Où, comme on avait déjà eu à égorger un prêtre en Algérie, oui. Un prêtre, oui. Et le gouvernement algérien leur avait donné le droit d'avoir l'arme, oui. D'avoir l'arme pour se défendre. Oui. Et ce prêtre-là, tellement qu'il côtoyait avec les Africains subsahariens, oui. Et surtout principalement les Camerounais et les Congolais, oui. Mais beaucoup plus avec les Camerounais. Oui. C'est comme ça qu'en le côtoyant, tellement que les affaires étaient dures, oui. Tellement que les Algériens les dépensaient plus vite. Oui. On a maintenant entré en contact avec lui. Oui. C'est comme ça qu'on l'a proposé aussi. Il a accepté. Oui. Et on l'a. Mais tellement qu'il était juste un peu prudent. Oui. Il était prudent. Bon, il n'a pas mis une très grande somme. Oui. Il a mis juste dans les 50 000 à 100 000 dinars. Oui. Et on a pris, on est parti. 50 à 100 000 dinars, ça, ça fait. Plus que 10 000 dinars, c'est que 100 euros. 100 euros. Oui. Dans les 500 euros. Oui, effectivement, tu comme ça là. 500 euros. Bon, ce n'est pas tellement beaucoup. Mais ça a quand même permis qu'on puisse prendre le transport pour aller devant. Oui. Et puis, depuis ce jour-là, il a maintenant fermé la porte au noir. Quoi. Oui, ça, il veut les ressentir que pour la prière. Oui. Mais pour que confidence là, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et ça, c'est les Camerounais qui ont sali les parcours. Effectivement. Voilà. Maintenant, à quel moment? Je crois que c'est long. Je crois que dans la deuxième partie de ce témoignage, si on va faire la vidéo, tu vas pouvoir parler d'autres choses. Effectivement. À quel moment commence ta descente aux enfers? C'est-à-dire, frère. C'est-à-dire que quand est-ce que tu commences à sentir que cette affaire, c'est pas t'échapper? Ce style de vie, ce n'est plus bon. Bon, en 2008, oui. En 2008, je viens au Cameroun. Je vais changer les stratégies. Oui. J'ai dit que bon, maintenant, il faut que je lève un peu le niveau. Oui. J'ai créé une association. Oui. Bon, en fait, j'ai dit ça à Bafoussam, en presse, à Bafoussam, oui. pour pouvoir créer une ONG. Oui. Parce que je me rends compte que il me faut maintenant une couverture. Internationale. Il me faut une couverture. Mm-hmm. Bon, pour changer de style. Oui. Bon, je voulais maintenant lever le niveau. Maintenant pour... Parce que en temps, la fondation Mohamed VI existait déjà. Oui. J'ai dit que bon, il faut maintenant que j'entre en contact avec les grands. Avec les grands. Oui. Je suis fatigué de monter des gens comme ça là. Oui. Je suis allé pour créer une ONG. Oui. Mais c'était difficile. Oui. En ce temps-là, les Camerounais de l'étranger avaient beaucoup sali les ONG. Oui. Le monsieur de la préfecture m'a dit que non. Comme maintenant là, ça ne sort plus. Oui. Les autorisations pour la liberté des communications dans ce sujet. Oui. Ça ne sortait plus. En ONG, ça ne sortait plus. Oui. À ce temps-là. Mm-hmm. Il m'a conseillé de faire. Soit une association ou bien parce que ça a une durée déterminée avant que ça passe à l'ONG. C'est ça, oui. Il m'a dit ça. Oui. Bon, c'est comme ça que j'ai choisi l'association. Oui. Je lui ai donné 50 000 francs. Oui. Il a rapidement monté tous les statuts, on l'a validé. Oui. Tout. Je suis dans le ressument. Quel était le but de ton association pour porter sur quoi? C'était pour un but social. Social. Comme en arrière-plan, tu pourras demander les aides pour pouvoir dire au Maroc, par exemple, que nous avons les gens qui souffrent ici, on donne l'argent et ça n'arrive jamais à destination. C'est ça, même. Mm-hmm. C'est ça. C'était vraiment ça mon but. Oui. Parce qu'entre-temps, je peux dire, les affaires devenaient déjà un peu dures. Oui, c'était déjà verrouillé. Ça se voyait un peu. Oui. Bon, je voulais déjà changer un peu de stratégie. Oui. C'est comme ça que j'ai donc, tu étais un visionnaire en ton temps. Tu voyais les choses, les changements climatiques dans le cadre de l'argent venir rapidement. Je suis maintenant ressorti avec le formulaire. Oui. Je me baladais maintenant, je baladais. Mais les affaires commençaient à être dures. Oui. Même pas été dures. Oui. Même les affaires. Là, quand tu es rentré au Cameroun, c'est pour faire le formulaire, pour faire le. Tu voyages en avion ou bien par où? Non. J'étais revenu par avion. Oui. Mais la vie a fait que. Parce qu'en temps, ma grande soeur, ma première grande soeur, les 3-10 ans, comme si elle avait attrapé. Oui. Tu vois, bon, il fallait beaucoup dépenser sur elle aussi. Comme si c'est stratégique. Les choses qui arrivent dans l'ouest du Cameroun, souvent, certaines personnes dans leur famille expérimentent une visitation de l'esprit. Mmh. Et on dit qu'ils doivent être initiés pour être des médiums, des voyants. C'est ça, non. Mmh. Donc, en tout temps, ça l'a attrapé. Elle l'a attrapé. Oui. Et là, maintenant, la défense. Oui, il fallait automatiquement. Bon, selon le truc là, il faut que je sois là. Oui. Pourquoi toi? Puisque elle est la première fille et je suis le premier garçon. Oui. Oui, il fallait que je sois là. Oui. C'est comme ça que. C'est comme ça que tu es revenu. Oui, je suis revenu. Oui. Et puis les dépenses. Oui. Ça a fini l'argent avec même qui tu es venu. Mon terrain, même que j'ai même payé. Oui. Puisque je disais que non, comme c'est les trucs qu'on gagne sur mon vivant, j'ai même vendu le terrain. Tu as encore vendu, oui. J'ai puisque vendu. Tu as gagné ça, tu vas encore gagner plus tard. J'ai vendu, j'ai pris l'argent et tout. Mm-hmm. J'ai même engagé la 4 parce que je voulais. puisque j'avais fait l'association avec un nom camerounais, oui. Il fallait que j'ai un document camerounais. Oui. Après, si je vais me présenter, il faut que je présente en tant que le président. Oui. Voilà mon nom, voilà tout. Tout. Oui. Et là, quand tu voyages du Maroc pour là, tu voyages avec un passeport? J'avais voyagé avec un faux passeport camerounais toujours. Oui. Il y avait un camerounais qui voulait un manager. Oui. Il voulait un manager en Europe. Oui. Bon, je me suis fait comme pour un manager. Il m'a envoyé sa photocopie. Oui. Bon, c'est à partir de ça que j'ai pris la photocopie pour aller faire un laisser passer à l'ambassade. Oui. Pour voyager avec ça. Oui. Et là, tu viens là, tu voyages en avion. Oui, oui. Tu arrives au Cameroun. Et là, tu ne dois plus rentrer en avion au Maroc. Non, puisque la carte d'identité même, je n'ai même pas. Oui. Parce qu'il fallait que je voulais faire un passeport. Oui. Je m'en vais à l'immigration. On me sonne ici à l'immigration. Oui. On dit que non, puisque j'ai double identité. Oui. Parce qu'entre-temps, dans ma vie scolaire, oui. J'ai eu à faire la carte d'identité pour aller composer le CAP d'un ami. Oui. Oui. Et je descends là en van. Oui. Je te donne encore 50 000. Oui. On sonne, voilà 100 000 francs. Oui. J'ai pas. Donc, c'est que tu faisais aux gens, on te fait maintenant normalement. Oui. Petit à petit, l'argent fait que finir. J'avais fini. Mm-hmm. En temps, il faut vivre. Oui. Je descends maintenant à Bafoussam, oui. Je refais encore l'autre encore, on sonne encore. Oui. Je dis que ça ne vaut plus la peine, ça va. Oui. Je sors maintenant par la route. Oui, tu dis que non, tu connais la route. Je connais bien la route. Mmh. Comme j'ai des contacts en Guinée-Conakry, oui. Je descends en Guinée-Conakry. Tu fais le passeport. Je refais encore un deuxième passeport. Parce que j'avais déjà fait un autre là-bas depuis. Oui. Bon, quand je n'ai pas seulement eu à faire le témoignage. Oui. Je ressens encore en Guinée-Conakry. Je recontacte mes mêmes amis. Pour qu'ils dépassent un passeport guinéen. Un guinéen. Pourquoi ça fait? Parce que dans la zone, il y a la libre circulation des biens et des personnes. Oui. J'ai fait mon guinéen maintenant. Je ressors maintenant, je passe maintenant par le Sénégal, oui. J'entre en Mauritanie, oui. Je passe maintenant par le Maroc légalement. Oui. Bon, je voyage maintenant sans problème. Sans problème avec ton passeport là. Guinéen, oui. Parce que tu peux prendre l'avion avec la piste de Sénégal. Donc c'est authentiquement faux. Authentiquement oui. Faux. Un passeport oui. Authentiquement faux. Oui. Et là maintenant tu rentres encore au Maroc, casse départ. Je rentre au Maroc, casse départ. Parce que c'est peut dire quoi, c'est mon canard, c'est ma terre promise, c'est là-bas. Là où coule le lait, oui. Le miel. Même si c'est pas n'importe où, tu sais, c'est là-bas. Oui. Là, au Cameroun, tu crées l'association. Mm-hmm. Le passeport avec lequel tu as voyagé pour arriver, tu essaies seulement de trembler pour pouvoir arriver en Côte d'Ivoire, à Casablanca, oui, à terre promise. Maintenant, qu'est-ce que ton titre d'association créé au Cameroun te donne de penser? D'accord. J'entre maintenant, comme j'étais beaucoup habitué à l'Internet, oui. J'entre maintenant dans le site associatif du Maroc en général. Oui. Je contacte plusieurs associations. Oui. Je les envoie les photocopies, je raconte ceux qui sont à Casablanca. Oui. Physiquement, je les rencontre, oui. Je les fais part. Oui. Je les fais part d'une collaboration entre eux et nous. Mm-hmm. Et ceux qui sont maintenant très loin maintenant, je les envoie simplement par mail. Par mail. Oui. Je scanne, je les envoie. Oui. Après, quand ils disent que non, il faut qu'on se voit physiquement. Mm. Si j'ai l'argent, je ne rappelle pas, je me déplace. Oui. Maintenant, je les jugeais. Oui. Certains qu'ils trouvaient qu'ils avaient bien aidé l'argent, oui. J'introduisais les affaires. Oui. Mais ça ne marchait pas. Oui. Et ça me surprenait. Oui. Ceux qui n'avaient pas bien de l'argent, on oui. Travaillait en collaboration. Oui. En disant que non, parfois. En fait, on mettait des projets sur place. Sur place en disant que non, ils vont quitter même le Maroc, venir au Cameroun. Ceux-là ont quitté le Cameroun. Bon, s'ils venaient, s'ils devaient voir qu'il y a l'association sur place. Non, on devait tout organiser. Okay. Tout organiser. Même étant sur place, ils devaient appeler les gars du quartier, on devait organiser. Appeler les gars là. Oui, mettez les habits tenus. On est un plat de pancarte, venez nous accueillir à l'aéroport. Oui. Bienvenue, président, tout ça, on devait nous accueillir. Donc tout était sur pied. Et où est-ce que tu as abouti avec ce projet? Bon, ce projet n'a. Bref, avec le projet associatif, je n'ai rien gagné avec. Oui. Je n'ai pas gagné, même 5 francs, je n'ai pas gagné avec ça. Oui. Bon, tous les affaires que j'ai contactées, ça ne donnait pas. Mm-hmm. C'est maintenant plutôt les affaires toujours de la frappe. De la nappe qui marchait, et ainsi de suite. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'un temps maintenant, les affaires ont commencé à devenir dures. Vraiment dures. Très dures même. Le lait a commencé à se coaguler. Même les abeilles étaient sur le côté du lait. Les marabouts même, rien ne s'est passé normalement. Devenu dur. Oui, avant qu'on avance dans le témoignage pour la fin. Il y a une histoire de l'arrêt contre la condamnation. Écoute, tu as scanné le nom de Mohamed. Vive le roi. Mm-hmm. Explique-nous cette affaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu es allé dans le tribunal? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment l'inspiration est venue? Explique-nous. Bref, On sait que le roi Mohamed VI est beaucoup aimé. Il est beaucoup aimé et non seulement ça, il est vivable. Oui. Bon, il n'a pas trop de fiancé comme les autres. Oui. Et puisque les places négatives. Oui, les places négatives. Mm. Et puisque dans le quartier là où j'habitais même, oui. Il était venu, il a vu deux fois là-bas. Oui. Et quand il vient même, il n'y a pas trop de protocole. Oui. Bon, c'est-à-dire il n'y a pas trop de sujet en tant que tel. Oui. Parce que même dans la mosquée que j'habitais, islamiste à Casablanca, oui. C'est bon, il me rappelle un jour de prière, il est même venu là-bas. Oui. Bon, chaque vendredi. Donc, il essaie de côtoyer les gens dans la société. Effectivement. Mm-hmm. Chaque vendredi, il change rapidement. Bon, il change de mm-hmm. C'est ça. Bon, ce jour-là, je crois bien, on nous avait arrêtés. Oui. On nous avait arrêtés. Pourquoi? Pour une affaire toujours. Oui. Pour une affaire toujours. Oui. Bon, dès qu'on nous a arrêtés, on nous a extradés. On nous a extradés en cellule. Oui. De la cellule. On allait au juge d'instruction. Oui, ça c'est à Rabat ou ça? C'est à Casablanca. Casablanca, oui. À Casablanca. Oui. Donc on devait aller maintenant pour le temps de jugement. Mm-hmm. Oui. Et comme je n'étais pas seul, oui. On était avec des gars. Oui. Et les gars aussi, vraiment, ils étaient aussi des gars aussi éveillés. Oui. On a compris que vraiment, à l'heure, si on s'amuse, on va donner même espace. Parce que Casablanca, avec oui. Des sentences, c'est très très difficile oui. par rapport aux affaires. Oui. Parce que c'est une ville éveillée. Oui. Et il y a même certains juges, certains procureurs qui ont été anarchés. Oui. Bon, donc ils ont la revanche. Ils ont la revanche. Oui. C'est ça. Vous avez anarché même le procureur, il a voulu. Tout le monde. Quand tu es vulnérable, quand tu as du temps, on te prend. Oui. Parce que parfois, même dans les jugements, ils t'appellent même et disent que, mais est-ce que l'affaire est même vraie? Oui. Tu dis que oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Parce que voilà que maintenant, pour finir, il crée un motif qui te libère, non, pourquoi vous ne traitez pas derrière? Vous ne traitez pas derrière. C'est comme ça que tu l'anarques encore. Ah, mm-hmm. Il te libère, tu me prends comme ça. Ok. Et donc là, vous êtes maintenant, on vous sort de la cellule pour aller dans un jugement. En jugement. En jugement. Raconte-nous. C'est comme ça qu'en jugement, maintenant, là, c'est un ami même. Mm-hmm. C'est un ami qui lève, dit que, mais Joe, là où on était parti, là, c'est vraiment, il faut qu'on crée. On est mal barré. Il faut qu'on crée un mouvement. Oui. C'est comme ça qu'on a commencé à scanner, à scanner le nom de. Mm-hmm. Comment vous faisiez ça? Dites-nous. Bon, puisqu'on mettait bien l'ordinateur, oui. Bien l'ordinateur, puisqu'il y a même, bon, certains amis de nos oui. Amis étant à la maison, étaient au courant qu'on partait comme ça là. Oui. Ils ont commencé à scanner ça comme ça. Oui. Mm-hmm. Et quand vous êtes dans la salle, qu'est-ce mm-hmm. qui se passe? Dans la salle, le parc des parce que les noirs à la barre, oui. Ils ne parlent même pas. Oui. Parce qu'on juge qu'en arabe. Oui. En arabe, tu viens, tu parles arabe, on te condamne seulement. Oui. C'est quoi bien, c'est le greffier oui. Qui traduit un peu, et puis on te met de côté. De côté, on a pas le temps de t'entendre. On t'entend pas. Oui. Tout ce que tu dis n'a pas le moins important. Oui. On juge qu'en arabe. Oui. Dès qu'on est arrivé maintenant à notre tour, on est maintenant monté sur la scène. Et puisque parmi nous, il y avait certaines personnes qui étaient seulement là. Dans la maison, oui. Ils ne connaissaient pas l'affaire. Quand on vient, on sème un même dossier. Oui. Maintenant, c'est ceux qui étaient maintenant innocents, donc oui. qui étaient venus nous rendre visite. Oui. Bon, tu peux venir rendre visite. Voilà que qu'on en sait que la maison, nous tous. Oui, on vous ramasse. Oui. Oui. Ceux qui étaient vraiment coupables étaient tranquilles. Oui. Maintenant, nous qui venons rendre visite, maintenant, c'est nous qui on est sortis vraiment, mais on est là pourquoi? Oui. On va aller pour porter 5 ans, 10 ans par rapport à quoi? Oui. On a commencé à chanter, à vivre le roi. Au tribunal. Oui, vous avez commencé vive le roi. Puisque en cellule du parquet. Oui. Il est sur le parquet. Oui. Quittant même la cellule du parquet maintenant pour l'intérieur du parquet. Mm-hmm. On a commencé à chanter comme ça là. À haute voix. Chante-nous ça. Comment qu'est-ce que vous dites? On dit vive le roi, non? Vive le roi. Vive le roi. Longue vie au roi. Longue vie au roi. On ne nous a pas demandé de vous taire. Ils ont dit qu'on était mort, il ne faut pas se taire. Oui. On savait qu'en disant vive le roi, ça va quand même toucher, ça va attirer l'attention. Oui. Et entre temps, parmi eux, il y a ceux qui sont pour le roi, il y a ceux qui sont contre le roi. Oui. Et ils vont voir vraiment que notre affaire, vraiment, ils vont maintenant prendre en considération notre affaire. Oui. C'est comme ça qu'ils ont pris en considération. Mais qu'est-ce qui se passe exactement sur eux? Oui. Pourquoi? On a maintenant le tribunal qu'on jugeait en arabe, on oui. A jugé en français. En français. Ça a permis maintenant qu'on s'explique. Oui. Et parmi nous, quand on s'expliquait maintenant, parmi nous, il y a maintenant les innocents qu'on a libérés sur place. Oui. Et maintenant ceux qu'on a condamnés sur place. Voilà. Et là tu es sorti libéré. Sorti libéré. Donc, et tu étais souvent coupable, mais là tu étais innocent. Sorti libéré, oui. Oui. Et je peux dire, pendant tout cela, oui. J'ai jamais fait la prison. Oui. Bon, une prison qu'on me condamne parce oui. Que j'ai eu à arnaquer. Oui. Bon, c'est ça vraiment que j'ai été épargné pour ça. Oui. Et l'une des prisons même qu'on m'a condamné dans une ville en Algérie. Et on m'a bien pris, oui. Mais j'ai déclaré mineur. Oui. Donc, tellement que j'étais petit, oui. Quand on nous a pris en groupe, oui. Mais comme j'ai déclaré un mineur, oui. Et pour juger un mineur, il faut moins de 21 jours. Oui. Bon, on m'a pris. À part avoir mis la grâce des mineurs. On a dit que non, les gens vont te corrompre. Parce que si on te met avec les grands vont te corrompre. Corrompre. On ne sait pas que c'est toi qui corromps les gens. Effectivement. Ils m'ont mis chez les mineurs. Maintenant, pour que je fasse 21 jours. Oui. Avant qu'on m'amène ce juge d'instruction. Oui. Maintenant, les majeurs, à l'instant T, on les a amenés au parquet, on les a condamnés, on les a refoulés. Oui. Pour la frontière. Oui. Maintenant, ils viennent en prison. Ils prennent leurs habits. Oui. Ils disent que, mais Joe, c'est comment? On dit que non, on nous a déportés. Ils disent que, merde, comment on me déporte? On me laisse comment ici? Oui. Il faut qu'on soit là. Oui. J'ai réfléchi. Et chaque mineur avait un privo. Oui. Donc, quelqu'un qui va le surveiller. Oui. Et dans la salle là où j'étais, il y avait trois mineurs. Oui. Les bébés, hein, les oui. enfants de 9 ans, 10 ans là. Tu n'étais pas mieux. Ils n'ont pas vu eux. J'ai réfléchi. Oui. C'est vrai que j'ai pensé. J'ai pris le drap, j'ai déchiré. Oui. J'ai attaché ça sur l'ampoule. Oui. J'ai fait semblant de me pendre. Oui. C'est comme ça que quand l'un d'eux est entré, il a vu comment j'étais en train de. De faire comme ça, alors que tu ne veux pas défendre. Tu ne peux pas mourir comme ça quand même. C'était juste un place. C'était juste pour avancer mon dossier. Oui, pour qu'on vienne te retirer de là. Pour me retirer de là. Parce que j'ai vu mes amis pas partir. Oui. Et quand j'ai commencé à me battre avec vous comme ça là, lui, il était scandalisé. Oui. Il a crié rapidement. C'est comme ça que toute la prison était arrêtée. Oui. On a appelé le directeur de la prison, il est venu là. Oui. Et si un Africain, oui. en fait, si quelqu'un de la peau noire, un oui. étranger meurt dans la prison, il aura des problèmes. C'est ça le scandale, oui. Un scandale. Oui. Un scandale diplomatique. Oui. Il a rapidement dit que mais qu'est-ce qu'il a fait. On l'a expliqué. Oui. Et il a appelé le juge d'instruction. Là, on m'a pris de la prison, on m'a mis devant lui. Devant lui. Oui. Et on a pris deux passants en route, oui. on les a amenés. Oui. Ils ont comme assistant. Oui. On a appelé mon avocat. Oui. Tout le monde est bon. Ils m'ont jugé là. Oui. Ils ont normalement selon la loi de normalement. Oui. Ils devaient m'envoyer dans un centre de rééducation. Oui. Étant âgé. Mais comme ils avaient un mépris, oui. ils m'ont dit que non, qu'ils vont me renvoyer chez moi, oui. par déportation, par avion. Oui. Mais comme je suis mineur, parce que mon avocat avait dit que non, un enfant comme celui-ci ne peut pas prendre le désert. Oui. C'est mieux qu'on l'envoie directement par avion. Mm. Ils ont vu que me renvoyer à Alger, oui. pour que je parte à Bamako, ce serait trop long. Oui. C'est mieux que je quitte. Est-ce qu'ils croyaient que tu étais malien? Oui, j'étais malien. Oui. Ils m'ont maintenant pris par avion, ils m'ont renvoyé maintenant à Tamaracet. Oui. Et Tamaracet, non, c'était censé que je continue par vous jusqu'à. Oui. Jusqu'à disparaître de la circulation là-bas. Disparaître au frère. Dès que tu arrives à Tamaracet, il y a les enfants même de 2 mois oui. qu'on les déporte que dans le désert. Toi, tu marches, on va te comment? Ils m'ont accueilli à la rue pour un gars qui avait des goudins. Le goudin. On dit que toi, tu es enfant. Oui. Tu dis que tu es meneur. Ils ont fracassé mes tibias, quoi. Oh, voilà. C'est les policiers de là. Les policiers. Des Tamaracet, oui. parce qu'ils avaient une fax, oui. que celui-là que vous voyez là, c'est un cas, mm-hmm. il faut bien le toucher, oui. parce qu'ils nous ont fait transpirer ici, là-bas, oui. en haut, là. Donc là-bas, parce que si on tape là-bas, c'est hors de vue des... C'est hors de vue mm-hmm. des autorités, mm-hmm. oui, parce que là-bas, ils sont barbares, oui. mais c'est une ville que, bon, je peux dire que ce sont des tirailleurs oui. africains subsahariens oui. qui sont venus aider les, oui. Marocains. Les Marocains, et pour finir, ils ont pris la ville, ils ont pris la zone là. Oui. Mm-hmm. Ok. Donc maintenant, comment tu rencontres le Seigneur Jésus? Bon. Ou mieux, comment le Seigneur Jésus te rencontre? À quel moment commence donc la transformation Après que je sois venu au Cameroun, entrer en contact avec les deux marabouts. Oui. Je suis remonté. 2 semaines plus tard, j'ai gagné l'argent encore. Oui. Je suis allé en Égypte, je les ai envoyés leur coup de part. Oui. J'ai aussi envoyé l'argent à la maison. Oui. Et je suis allé. Tu vas à un moment comme ça, ta maman est contente. Très contente même. Mais c'est ce que tu fais dehors. Et c'est ce qu'elle fait dehors. Mm-hmm. Et je suis maintenant. Parce que tout à l'heure, la question qu'il pose par rapport à ta maman, il va poser la même question cette fois-ci avec Jésus, quand tu as amené Jésus. On va y revenir. Oui. Bon, je vois que l'affaire commence un peu à bien marcher. Oui. Je retourne encore au Maroc. Oui. Voilà maintenant que pour finir, les affaires deviennent commencent à être difficiles. Oui. Je pars comme ça, c'est dur. Je fais comme ça, c'est dur. Je fais comme ça, c'est dur. Je rentre même à l'internet. Oui. Je bouscule partout, c'est dur. Rien. J'appelle même mes amis qui sont à l'étranger, mais il n'y a rien. Ils sont pas le dossier ouvert là. C'est dur. Ils ont bien mis en voie, c'est toujours dur. Je me bats partout, c'est toujours dur. Les portes commencent à être fermées. Mm. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ça commence maintenant à me rendre oisif. Oui. Maintenant, je passe maintenant le temps qu'à dormir à la maison, oui. à ne plus trop marcher. Oui. Parce que c'est du mais entre temps aussi, maintenant, la peur commence à naître en moi. Oui. Je commence à avoir peur. Quand on me dit que Joe, il y a une affaire là, je dis que non, je ne suis pas chaud. Tu sens que je te sens qu'il y a une peur qui commence à naître en moi. Mmh. Jusqu'à ce qu'un soir, maintenant, un matin, il y a une soeur, je peux dire une soeur au Maroc, qu'on appelle Salamantou. Mmh. Oui, elle était dans la foi depuis. Mmh. Elle appartenait à l'église évangélique. Mmh. Là où le frère Francis même était d'abord. Mm-hmm. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Non, c'est moi qui l'appelle. Mm-hmm. Il dit que c'est comment ça là. Elle me dit que non. Elle dit que tu es où? Elle me dit que non, qu'elle est comme ça à Rabat. Mm-hmm. Mais elle sera à Casablanca pour une conversion chrétienne. Mm-hmm. Si j'ai le temps, je viens. Mm-hmm. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Dès qu'elle est montée sur Casablanca comme ça maintenant, je crois que je l'ai aussi appelée. Mm-hmm. Elle m'a orienté là où elle était. Mm-hmm. Bon, je venais juste parce que tu voulais changer d'air. Changer d'air, mm-hmm. oui. Souvent que je suis arrivé, on est allé à la convention, à cette convention-là. C'était un pasteur Gaëtan, c'est Gaël. Mmh. Gaël, pour la maison du salut. Mmh. C'est lui qui était là. Mmh. Il avait prêché sur Romains chapitre 12, oui. qui dit que la nuit est avancée, oui. le jour approche déjà. Mmh. Mmh. Préparez-vous. Bon. Tellement qu'il a parlé, il a prêché. Bon, je me suis senti concerné. Oui. Et à cet instant, parce que j'ai un dernier petit frère. Oui. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais pris soin de lui. Oui. Mon Benjamin. Oui. Malgré tout ce que je faisais là. Oui. Tu n'as pas prêté attention à lui. Je n'ai dû. C'était comme s'il n'existait pas pour moi. Oui. Subitement, la pensée de lui est venue dans mon cœur. Subitement. Mmh. Subitement. Qu'est-ce que tu fais pour ton petit frère? Ton petit frère. Mmh. Et à un instant comme ça, j'étais comme ça dans cette assemblée-là. Oui. Et à cet instant, maintenant, il y a maintenant une contre-parole qui dit que. Comme toi, tu n'as pas pris soin de lui, oui. moi, je vais prendre soin de toi. Oui. C'est comme ça que rapidement, je me suis dit. La contre-parole vient comment? Dans mon cœur. Oui. Bon, quand ce pasteur a commencé à prêcher, oui. et j'ai pensé à mon petit frère, oui. et je me suis rendu compte que j'avais pris soin de lui. Oui. Que j'avais dit que ouais, petit, voilà, même 100 euros, voilà, oui. voilà, je n'ai même dit ça. Oui. Mais après cet instant, il y a une de paroles qui est dans mon cœur qui a dit que comme toi, oui. tu n'as pas pris soin de lui, oui. moi, je vais prendre soin de toi. De toi. Et c'est comme ça qu'après, je me suis fondu en larmes. Oui. Sans savoir ce qui t'est arrivé. Sans savoir ce qui m'arrivait. Mm-hmm. Comme j'étais près de mes amis, oui. j'ai baissé la tête. Mm-hmm. Tellement que j'ai pleuré, ils ont su que j'ai entendu pleurer. Oui. Oh, c'était vraiment comme ça un changement qui s'est opéré dans ma vie comme ça. Là. Oui. C'est comme ça qu'après, on a prêché. Et il y a eu pause. Oui. On allait en pause, j'ai lavé la figure, je suis revenu. Oui. Tellement qu'il a parlé, j'étais vraiment très attentif. Oui. Jusqu'à ce que mes amis disaient que mes duos, on fait comment? On me dit que non, allez, moi je vais venir. Et là, les duos là sont les gens avec qui tu travailles. C'était mes lieutenants. Ouais, donc ça veut dire que ça pouvait encore être, si vous pouvez cibler, me passer, aller frapper. Tout était possible. même les étudiants noirs aussi, oui. les Camerounais même qui venaient juste d'arriver quand oui. ils étaient innocents. Quand il n'était pas connu, on partait pour ça parce que vraiment c'était vraiment dur. On partait pour guetter aussi, tâter le terrain. Mais après, arrivé, c'est comme ça qu'ils sont rentrés, je suis resté. Oui. Le lendemain, je suis encore revenu. Oui. Et après cela, je me suis rendu compte que Francis était un Camerounais. Oui. Je me suis approché de lui. Bon, il y a eu contact oui. entre lui et moi. Oui. Et Anna aussi. Oui, ça, bon, son épouse. Lui, parce qu'il y avait des pasteurs congolais, mmh. ivoiriens. Mmh. Mais avec lui, je suis beaucoup plus attaché. Contact, oui. Mais c'était trop distancé. Oui. Après, je suis rentré. Le dimanche, ils m'ont invité. Je suis venu. Oui. Et ainsi de suite. C'est comme ça que je venais pas. Devenait parfois oui. et le cœur des affaires commençait aussi à mourir. Bon, au fur et à mesure, ça s'est tombé de ton cœur. Oui. Mm-hmm. Et mes affaires devenaient dures. Oui. Bon, ça faisait que j'avais même peur oui. d'aller rencontrer un client. J'avais oui. peur, c'est vrai, peur. Oui. Bon, la peur s'est née en moi une oui. fois comme ça là. Oui. Et quand est-ce que cela vraiment, ça a vraiment été manifeste en moi comme ça là? Mon visa pour le Maroc était fini. Oui. Il manquait quelques semaines. Oui. Il fallait que j'aille renouveler. Oui. Et je n'avais pas l'argent pour sortir, pas voir rien. Et ce visa-là, c'est un visa avec dans un cadre, dans un passeport guinéen. Guinéen, oui. oui. Guinéen. C'était fini. Oui. Il fallait que j'aille renouveler. Oui. Et je n'ai pas l'argent pour sortir par avion. Mm. Je suis même plutôt sorti, même pas la Mauritanie. Mm-hmm. Maintenant, arrivé aux côtés, à Dakla, mm. la dernière ville marocaine mm. qui fait frontière maintenant avec la Mauritanie. Oui. J'y reste comme ça. J'attends une voiture de transport qui va nous faire traverser. Aucune voiture ne vient. Oui. Dit, comme à distance, tu crois que c'est proche. Oui. Du coup, tu vois un drapeau, tu vois oui. que c'est proche. Oui. Alors que c'est vraiment très bien éloigné. Oui. J'ai dit qu'en tout cas, comme il ne vient pas, il va commencer à marcher. Oui. À coup de il va reprendre un bon moment. Une petite distance. Une distance. Oui. Tu marches, le drapeau ne fait que s'éloigner. S'éloigner. Mm-hmm. Parce qu'en fait, la zone est plate. Est plate. Mm-hmm. Et quelque part, maintenant, il y a les montagnes oui. qui vont contourner. Mm-hmm. Je me rends compte que je pourrais contourner. Je me rends compte que je ne fais que m'éloigner du Maroc. Et pour finir, il n'y a qu'une voiture. Oui. La peur m'a encore pris. Oui. Je comprends comment une voix me dit dans mon cœur que ouvre ton sac. Retire les boîtes là. Parce que tous mes deux marabouts m'avaient donné des médicaments oui. qui les mettent dans le sac. Oui. Quand je vais aller voir un client, je le dis, je mets sur la langue. Sur la langue. Oui, avant d'y aller les parler. Donc cette voix te dit. Retire ça, tu jettes. Oui. Je persiste, je ne vais pas retirer. Oui. Je fais comme si je n'étais pas entendu. Oui. La voix me dit. Tu ne te poses pas la question, qui a de parler. Je me dis que c'est une illusion. Oui. Je continue toujours à marcher. Oui. Parce que c'est que. C'est ta protection. Mon retour du Cameroun dépend que de ça. Oui. Je commence, je continue à marcher. La même voix me dit que retire ça et tu jettes. Oui. Comme ça, tu ne vois personne. Personne. Oui. Tu restes. Je dis en tout cas, je veux quand même retirer, lancer à côté. De côté. Mm-hmm. Je ouvre le sac, je prends. Je veux la dire, je dis que jette comme tu ne peux pas voir. Oui. Je dis que mais. Tu dis qui en dit parler. Je ne sais pas. En tout cas, je veux quand même aussi essayer. Oui. Je prends. Bon, je voulais lancer à côté. Oui. Mais je ne sais pas quelle force. À propulser, je me suis dit, je me fais un tour sur moi. Oui. Et je n'ai pas. Quelqu'un qui fait le lance, voilà, dans les Jeux Olympiques là. Et c'est même pas là où ça est tombé. Oui. Et subitement, je vois que là, ce n'est que les montagnes. Que oui. Je suis comme ça entre la frontière, entre le Maroc oui. et la Mauritanie, oui. dans la zone tampon. Oui. J'ai accès, je me dis, tu me fais comment? Et je me rappelle que avant il y avait guerre entre le Maroc et la Mauritanie. On a mis les mines partout. Oui. En partant, je peux tomber même sur une mine pour me rendre compte. Mm-hmm. Bon, on va pas seulement prendre ton visa maintenant. Là. Oui. Je commence à marcher. Dès que j'ai fait 3, 4 pas, voilà une voiture qui passe maintenant. Oui. La voiture me porte maintenant, j'arrive au côté de Mauritanie. Mauritanie. Je reprends mon visa d'entrée Mauritanie, sortie Mauritanie. Oui. Je rentre encore au Maroc. Oui. C'est comme ça que j'entre au Maroc, je prends encore entrée Maroc. Oui. Je monte à l'hôtel à Dakar là-bas. Oui. C'est comme ça qu'après maintenant, l'envie d'anarchie. Donc, quand tu fais cette allée-là, c'est pourquoi on met le visa, au moins c'est pour 3 mois. Oui, pour 3 mois. Donc quand tu vas, pourquoi on met le cachet, mm-hmm. ça fait 3 mois maintenant d'entrée. Oui, d'entrée. Mm-hmm. C'est comme ça que dès que j'ai encore repris le visa du Maroc, j'entre maintenant au côté, je rentre à l'hôtel là où je vivais là. Oui. L'envie des affaires est totalement finie sur moi. Fini. Et fini totalement. Mais tu ne te poses pas la question, qui me parle dans le désert? Bon, c'est après que quand j'étais à la convention, là où Salam m'a invité là. Que j'ai compris que non, que c'était le Seigneur qui me parlait comme donc, ça. Donc, attends, cet événement, il t'a parlé dans le désert avant que tu ne partes à la convention. Oui, oui. Donc, ça veut dire que le Seigneur a commencé à te parler alors que tu n'es même pas arrivé à la convention chrétienne. Oui, oui. Mm-hmm. C'est ça même, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. C'est comme ça qu'après, la force des affaires est totalement finie sur moi. Oui. Totalement finie. Et là, maintenant, tu te trouves au Maroc, tu n'as plus rien à faire, ce n'est que les choses que tu sais faire. C'est la chose que tu fais. Comment tu vivais là? Maintenant, je ne fais pas au frère Francis. Oui. C'est comme ça qu'il ne fait pas maintenant à ses collègues pasteurs. Oui. Maintenant, il vote un budget maintenant pour moi. Oui. Puisqu'ils savaient vraiment comment je vivais. Oui. Et ils disaient que vraiment, on sait que tu ne peux rien faire, mais accepte ça de nous quand même. Oui. Ils payaient ma maison. Oui. Ils disaient que chaque fois, je viens prendre la nourriture pour manger. Oui. En attendant. Oui. Et c'est comme ça qu'en attendant maintenant, poussé aussi par le Seigneur Jésus, j'ai pris aussi beaucoup de temps aussi à lire la parole. À lire la Bible, oui. Et entre temps, je me sentais aussi maintenant beaucoup plus attiré encore dans les affaires. Oui. Parce que justement, cette envie encore revenue en moi. Oui. Et eux là-bas, ils avaient une stratégie, vraiment dans chaque quartier, ils avaient mis une cellule. Oui. Et un jour, je partais rendre visite à un ami, toujours homme d'affaires. Oui. Et je suis arrivé là-bas, maintenant chez lui, et l'heure de la cellule est arrivée. Oui. Je me suis rendu compte qu'il y a une cellule juste près de chez lui. Oui. Je suis quitté sa maison pour aller à cette cellule-là. Oui. Arrivé, bon, tellement que j'étais dialoguant. Oui. J'ai maintenant fait part aux jeunes frères là-bas. C'était des jeunes étudiants. Oui. 16 ans, 18 ans, 15 ans, comme ça, très très jeune même. Oui. Pas que vous m'en ferez, vous savez que maintenant j'ai changé de vie. Oui. Mais entre temps, je suis beaucoup plus attiré par des affaires. Oui. Et ça ne va pas. Oui. Vraiment, j'aimerais que vous priez pour moi. Parce que j'étais toujours attiré pour parler aux affaires. Oui. Ils m'ont dit que non, frère, mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Oui. Et à un seul instant, oui. Il dit que mais comment toi, Joe, comment toi, gros porteur, tu vas te mettre à genoux devant les enfants? Oui. Bon, il y a eu cette bagarre en moi. Oui. Comment les enfants qui ne valent même rien, qui viennent même sur toi laver même les assiettes, comment tu vas te dire que... Oui. Bon, il y a eu une bagarre. Après, subitement, je me suis mis à genoux. Oui. Dès que je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Oui. Je me suis encore fondu en larmes. Oui. Et depuis ce jour-là, quand je me suis relevé, je n'ai plus jamais eu à faire avoir l'affaire. Terminé. Même quand je comprenais que mon ancienne affaire que j'étais avec l'autre a eu à gagner. Tu ne dis que non, qui m'en salue seul. Oui. Dieu a effacé ça sur ton cœur. Oui, c'est tout m'a effacé. Jusqu'aujourd'hui. Et là, tu as pris la résolution de rentrer au Cameroun. Mm-hmm. Puisque le frère Francis était. Puisque eux, ils travaillaient. Oui. Tous les pasteurs travaillaient. Oui. Ils revenaient que le soir. Et le soir, ils étaient tous fatigués. Oui. Et j'avais beaucoup de questionnements à faire. Oui. Bon, puisque moi, je ne faisais absolument rien, je n'ai pas le temps à lire. Oui, et là, tu as beaucoup de questions. Je me suis rendu compte que quand je les appelle, ils sont en plein travail. Oui. Et je me dis que bon, comment je dois faire? Il me faut vraiment aller au pied de quelqu'un avec qui je peux être bien nourri. Oui. Je suis allé à l'internet. Il y avait le pasteur Mamadou Karambiri. Il y avait Pierre Gaëtan du Gabon. Oui. Il y avait Raoul Wafou. Oui. Les gens que je suivais beaucoup. Oui. Et je dis que bon, Seigneur, comme ces pasteurs qui sont ici au Maroc sont très occupés, et il faut que tu me conduises quelque part là où je vais vraiment aller être bien nourri. Oui. Maintenant, j'ai été convaincu qu'il faut que j'aille plutôt qu'au Burkina Faso. Je me rends au Mamadou Karambiri. Je suis allé dans mon compte de bagages que j'avais. Comme j'avais, en fait, en temps, j'avais créé une société. Oui. Bon, dans laquelle j'ai gardé un peu d'argent. Oui. Je suis allé, j'ai même vidé tout le compte bancaire. Oui. J'ai déclaré faillite de l'entreprise. Oui. J'ai fait part à la sœur Ena. Oui. Comme la sœur Ena, en ce temps-là, elle travaillait dans un call center là où elle pouvait facilement me trouver le travail. Oui. Elle m'a dit que non, attends un peu. Oui. Je vais te chercher un bon travail, je vais te mettre là-bas. Oui. Et entre-temps, je suis allé aussi à Rabat. Oui. J'ai déclaré l'asile politique. Oui. Non, l'asile économique au HCR. Oui. Ils m'ont donné un statut. Mm-hmm. C'est avec ça maintenant que j'ai remis ça à la sœur Ena pour qu'elle me trouve un travail. Oui. Et réellement, elle m'a trouvé un travail. Oui. Mais le jour qu'elle me trouve le travail, c'est ce jour-là que je suis en train de partir du Maroc. Oui. Elle m'appelle, elle me dit, mais frère Paul, c'est comment il y a? Il dit que non, sœur, je suis en train de partir. Oui. Elle appelle mon le frère Francis, il m'appelle, il me dit que mais frère, Ena a trouvé un très bon truc pour toi, et ça, c'est comment? Il dit que non. Comme je t'avais dit que je vais partir, je vais rentrer au Cameroun, je suis content de rentrer. Oui. Il m'a dit qu'en tout cas, bonne chance. Que le Seigneur te conduise. Mm-hmm. Et maintenant, tu as atterri au Cameroun. Mm-hmm. À la case départ, mm-hmm. dans le quartier et dans la maison qui t'a connu et qui, là où l'ambition a été née de ton cœur, où tu devais aller rentrer pour frimer. Mm-hmm. Est-ce que tu es rentré pour frimer? Non. Avec quoi tu es rentré? Je suis rentré avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur. Donne-nous la réaction donc, de la maison. Commençons par ta mère. Comme la maman, je ne sais pas quel mystère Dieu a mis ça dans la maman. Mm-hmm. Même si l'enfant n'a rien, c'est toujours quand même l'enfant de la mère. Oui. La maman m'a reçu, mais avec un peu de déception. Oui. Oui. Mm-hmm. C'est le papa qui était totalement radical. Oui. Oui. Radical pourquoi? Radical parce que depuis même l'enfance, entre lui et moi, on ça ne donne pas jusque-là. Mais quand, étant à l'étranger, quand j'envoyais l'argent, il était son meilleur enfant. Oui. Bon, quand maintenant il a compris que je suis devenu un chrétien, mais comme ça que tout le monde est témoin des jours, voilà. Oui. Comme dit que il dit qu'il est témoin. Il dit qu'il va prier, là on va tomber du ciel. Oui. C'est comme ça qu'il passe, il a passé son temps, rien qu'à me mépriser. Mm-hmm. Mais comme il ne pouvait rien faire mm-hmm. physiquement, sinon il pouvait, non. C'est comme ça que c'était rien que le mépris, rien que le mépris. Quand tu es rentré, tu as expliqué à ta maman que ça, la voix que tu avais prise n'était mm-hmm. pas bonne. Mm-hmm. Comment tu as rencontré le Seigneur? Oui, oui. Et là, la réaction de tes soeurs, c'est comment? Oui. Ma soeur, elle m'a quand même accepté avec un œil. Mm-hmm. C'est-à-dire, parfois, elle partait chez les marabouts. Mm-hmm. Pour voir elle si tu pas entré dans un secte. Oui. Oui, dans une secte. Dans ces maraboutages, on disait que non, vraiment, on ne le voit pas qu'il entre dans un secte. Oui. Oui. Que vraiment, qu'il faut qu'il fasse vraiment attention, sinon il va entrer dans un secte. Oui. Oui. Et c'est que ces marabouts. Bah, il fallait que marabout dise quand même quelque chose. Il va te dire quelque chose, c'est ça. Oui. C'est ce que c'était dans l'ancien collègue. C'est ça. Et ton petit frère qui était initialement à Libye, dont tu avais récupéré, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Bon, pour finir, étant au Maroc là-bas, il est entré que dans des trucs des biens, de vente des biens, de vente des biens électroniques. Électronique. Donc, il s'est recasé par là-bas. Oui. Il en atteint maintenant. Bon, de son côté, ça marchait très bien. Oui. Parce qu'il coupait les hôtels, oui, les billets d'avion, oui, tout ça. Parce que même la majorité des voyages qu'il a fait, c'est pas ça comment me voyager. Oui. Bon, il coupait, il était en contact avec beaucoup de monde à l'international. Oui. Bon, ça faisait qu'il gagnait très bien. Oui. Après cela, il a eu des contacts en Russie, il est allé en Russie, à de la Russie, il est allé à Dubaï, de Dubaï, il allait en France aussi. Oui. De la France, maintenant, c'est là où il est, c'est là où il est immigré, quoi. Oui, il est maintenant là-bas, il est en France. Il est en France. Il est en France maintenant. Mmh. Maintenant, est-ce qu'il continue dans sa même voie? Dans la même voie. Devant même, il était aussi au pays. Oui. Bon, quand je lui ai fait part de l'évangile, je lui ai fait part de la vérité. Il a dit que tu as raté, que... Il me dit que c'est sûr qu'on a bu mon cerveau. Mmh, que son cerveau, mmh, que tu ne vois pas comment le DEA est bien. Mmh. Et ton ami avec lequel vous avez vous séparé au Sénégal et lui, où tu es parti? Oui, dans les dernières nouvelles de lui, j'ai suivi qu'il est devenu pasteur en Turquie. En Turquie. En Turquie, oui. Il est devenu pasteur. Oui, ce que j'ai suivi aussi. Oui. Bon, c'est dans les coulisses, quoi, que oui, j'entends aussi certains gars qui me connaissent, qui le connaissent aussi. Oui. Qui dit que voilà que toi tu es rentré, tu fais la moto au Cameroun. Oui. Alors que Beta, même ton ami. Est encore à l'extérieur. Oui, il est quand même pasteur. Oui. Il est pasteur en Turquie. Oui. Oui. C'est vraiment une histoire, pas vrai? C'est bon, c'est une très longue histoire. Très longue histoire. Je n'ai même que abrégé. Abrégé. Donc, on va voir 15 ans d'histoire, 15 ans de vie comme ça, c'est pas en deux heures de temps. Oui, donc on va parler la prochaine fois dans la vidéo. Mm-hmm. Mais je veux qu'on essaie de récapituler en donnant plutôt des conseils. Mm-hmm. Dès le départ, l'ambition qui est née de ton cœur. Mm-hmm. Il y a un problème avec l'ambition parce que la façon de regarder sur la tête pour gagner de l'argent. Mm-hmm. Que tu as eu dans ton cœur, est-ce que c'est la bonne façon? Non, c'est pas la bonne façon. Mm-hmm. C'est une façon vraiment inspirée par le diable. Oui. Mm-hmm. Comment tu vas faire souffrir quelqu'un pour bien vivre? Oui. Et surtout, comme on avait des versets bibliques, hein, oui, comme dans Job qui dit que Dieu prend aux pauvres, donne aux riches. Bon, on avait des versets bibliques sur lesquels on calme notre conscience pour vraiment arnaquer. Donc, vous suivez le verset biblique pour dire que non, Dieu prend souvent aux pauvres pour donner aux riches. Que le pauvre, que le riche amasse pour le pauvre. Le pauvre, oui. Ça veut dire ça. Ça veut ça que. Oh, c'est... Ah. Que Dieu vraiment soit loué par rapport à ton témoignage. Et donc, quel conseil peux-tu donner à tous ceux de tes amis qui sont dans ces choses-ci, qui se trouveraient que peut-être le Seigneur les fera tomber sur cette affaire? Ou bien ceux-mêmes qui sont dans la même affaire, même qui ne te connaissent pas, qui vivent dans ces villes-là? Qu'est-ce que tu peux leur adresser? Parle-leur. Oui, je peux vous dire, je peux leur dire que vraiment, cette voie dans laquelle ils nous ont pris là, n'est pas une bonne voie. Mm. Ce n'est pas une bonne voie. Mm. Ça, ce n'est qu'une voie qui mène tout droit à l'enfer. Oui. Une voie qui mène tout droit à l'enfer. Oui. Parce que comment se fait-il que tu vas te réjouir quand l'autre est en train de mourir? De souffrir, oui. Parce que nous savons que chez les païens, oui, c'est l'argent qui fonde la famille. Oui. Et quand tu prends cet argent-là, c'est un désordre total. Oui. Le garçon devient délinquant. Oui. La fille devient prostituée. Oui. La mère divorce. Le oui. père devient alcoolique. Oui. Bon, voilà que toute une famille est dégénérée. À cause de ton et ce garçon-là, qui est devenu délinquant, va aller vendre de la drogue qui va faire tuer les autres personnes. Oui. Bon, et la femme, bon, tu vois que ça devient un désordre total. C'est toute la société. Toute la société. Oui. Parce que c'est ce constat que j'ai eu à faire quand oui. j'ai pris. Donc tu vois le mal donc, que tu as fait au beaucoup, dans la de vie mal, beaucoup de mal, beaucoup de mal, beaucoup de crimes. Beaucoup de crimes. Parce que je suis sûr que beaucoup de personnes sont mortes, oui. sont en train de mourir oui. parce que j'ai pris le fondement de leur famille. Les familles. Oui. Il n'y avait pas de cœur, frère. Il n'y avait pas de cœur. Oui. Il n'y avait pas de sentiments. Oui. C'est quand tu souffres qu'on est content. Oui. Mm-hmm. Parce que je me rappelle encore une affaire qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est un monsieur qui faisait dans les tableaux. Oui. Et je l'ai rencontré en faisant comprendre les œuvres d'art, les dessins, oui. tout ça. Je l'ai rencontré à l'internet. Oui. Quand je suis allé le rendre, quand il m'a dit qu'il n'y a pas de bon, puisque j'ai pris mon numéro, parce qu'il y a un système à l'internet. Oui. Comment tu peux transformer ton numéro à un numéro international? Oui. Je suis allé, j'ai transformé mon numéro à l'international. Donc, il croit que tu es international, alors que tu es toujours là-bas. Que je suis là. Mmh. Je l'ai appelé. Mmh. Faire comprendre que j'ai besoin des tableaux. Oui. Mais je vais envoyer un représentant. Alors que c'est toujours c'est toi. Toujours moi. Mmh. Du coup, j'avais changé de voix. Oui. Maintenant, je suis allé maintenant en tant que le représentant de Monsieur Wilson. Oui. Alors que c'est toujours toi. Toujours moi. Mmh. Dès que je suis maintenant arrivé, j'ai pris les photos. Mmh. J'ai maintenant estrada Monsieur Wilson. Mmh. Monsieur Wilson a regardé les tableaux. Monsieur Wilson, qui est toujours, toi. Toujours moi. Mmh. Je l'ai toujours appelé. Mmh. Et les tableaux-là sont très bons. Mmh. Mais tu vas me laisser un tableau à 500 euros. Oui. Maman, et j'avais comme ça envie d'une vingtaine, une trentaine de tableaux, le maximum qu'il pouvait en avoir. Oui. Mais maintenant, j'ai dit qu'il faut que Ousmane soit d'accord. Oui. Bon, dans la carte, il faut que moi-même, il faut que Ousmane le noir maintenant. Oui. Parce qu'il y a Wilson, le blanc. Oui. Il faut que Ousmane soit d'accord pour que je vais. Ousmane est mon œil là-bas. Oui. Je le fais tellement confiance. Donc, si je dis oui, je prends. Je prends. Ça fait maintenant, quand je suis là, allé en Côte deuxième rendez-vous, en tant que Ousmane, ce monsieur, il fallait automatiquement qu'il prenne soin de moi. Oui. Parce qu'il faut qu'il me convainque pour que je dise oui à monsieur Wilson. Oui. Il a commencé à m'entretenir. Oui. Commencé à me couper les ongles même, à brosser mes pieds. Oui. Commencé à tout bon. Oh, vraiment. Commencé à me donner tout bon. Commencer à me prendre soin de moi. Vous ne pas imaginer, pas l'homme d'un doute que ça puisse être toi. Non, parce qu'il voit un numéro étranger qui l'appelle. Effectivement. Il entend une autre voix. Effectivement. Et à l'heure maintenant qu'il fallait que lui et moi, on appelle monsieur Wilson maintenant, j'ai maintenant pu t'appeler mon petit frère. Oui. Parce que lui, à tout temps, il est enfant. Bon, jusque tellement qu'on est déjà éveillé, oui. Je l'ai juste averti, oui. Et il a continué une fois à parler. Oui. Et quand il parlait un peu, j'ai arraché le téléphone au client, je l'expliquais. Oui. Bon, je faisais le maximum d'efforts d'arranger comme ça va mettre fave, favorable. Favorable, ça. C'est comme ça qu'on a eu arrangé. Et l'erreur qu'il a fait ce jour-là, parce qu'à la veille, on peut voir son oncle, on peut voir son grand frère. Oui. Son grand frère lui donne un chéquier. Oui. Il part à la banque le matin, il retire l'argent. Oui. Et l'erreur qu'il a fait, c'est que quand on est arrivé à la maison, il m'a filmé. Oui. Quand il m'a filmé, il dit que c'est fini pour toi. Oui. Parce que normalement, je voulais juste prendre ce moyen et partir. Oui. Quand je me suis rendu compte qu'en me tournant comme ça, j'ai justement vu les éclairs. Oui. J'ai compris qu'il m'a filmé. Oui. Et il fallait automatiquement que je prenne cet appareil. Que tout là. Oui. Mais si je dis que demain, il va pas me donner, il faut trouver une stratégie. C'est pour prendre ça pour son appareil. Il allait demander que bon, monsieur Wilson a demandé que tu as les diplômes, il m'a dit qu'il a les diplômes. Il a tout pris ses diplômes de peinture, journalisme. Oui. Il a même pris son passeport parce qu'il fallait qu'il trouve un moyen pour prendre cet appareil pour tout. Oui. Et c'était l'un des moyens que j'avais vu. Oui. Il a tout ramassé, il a mis dans son sac à main. Oui. Maintenant, j'ai dit que prends-moi aussi l'appareil photo parce qu'à Rabat, je vais me filmer aussi un peu dans les coins. Oui. Il a aussi pris la mina au sac. Oui. Alors que c'est l'appareil photo que tu voulais. Okay, tu es allé sur le diplôme et autres. Oui, pour essayer un peu d'embrouiller. Oui. On est passé par la banque, il a retiré l'argent qu'il m'a donné. Oui. Normalement, l'argent là me suffisait même de l'abandonner mon autre et de partir. Oui. Mais comme on avait l'appareil, c'était dans les 4000 dirhams. Bon, dans les 100, 200, 300, presque 500 euros, quand il dira lui, vu que c'était juste une substance qu'il voulait en ce moment-là. Ce qui m'a beaucoup fait, moi, c'est la manière à laquelle il a souffert plus tard, quoi. Mm-hmm. Bon, dès que j'ai pris cet argent-là, normalement, j'étais sans intention de le laisser. Mm-hmm. Mais comme il avait... L'appareil photo. Oui, comme il avait la photo. On a... Parce que je ne voulais pas que ton image soit quelque part, parce qu'il pouvait te retrouver avec cela. Parce que la police marocaine est très très puissante pour chercher les gens. Oui. Il faut que je prenne ça. Oui. On arrive à Rabat maintenant, je l'embrouille. Il est dû. J'ai fait comme ça, il est dû. J'appelle maintenant un collègue encore en disant que lui travaille à l'ambassade. Oui. C'est comme ça qu'il embrouille, Il dit comme donc qu'il faut qu'il fasse la photocopie de la CNI. Oui. Maintenant, il me remet le sac. Oui. Il m'a remis le sac. Il a traversé la route pour aller faire la photocopie. Oui. Et comme il y a des taxis qui sont toujours prêts à partir là, oui. Je suis une fois directement entré dans un taxi. On est parti. Avec le sac. Avec le sac. Le sac, l'appareil photo, tout ça. Avec ses diplômes. Oh là là. Terrain de sa maison, tous ses diplômes qu'il a eu dans sa vie. Dès que je suis en train de partir, il m'appelle, il dit que Ousmane. Pardon, il me dit que Smali. Athénée. Bon, que demain, rien que son sac. Oui. Il dit que frère, il s'est fait tard. Oui. Pourquoi tu m'as filmé? Oui. Je ne voulais pas prendre. Ton sac, oui. C'est parce que tu m'as filmé que je prends, que moi j'ai pris cela. Oui. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Quand je récupère juste l'appareil photo, je balance mon sac n'importe où. Oui. Mais comme c'est un pays qui a un état d'alerte, oui. si je n'ai pas mettre le sac, on va dire que c'est un terroriste. Une bombe. Oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il me dit que pardon, va même dans une poubelle. Oui. Et au Maroc, même les fous sont les policiers. Oui. Ils se déguisent en fous. Alors oui. ce sont les policiers. Les vrais policiers. Ils mettent ça où? Ils réfléchissent. Que le courrier, le risque. Je suis allé à la maison, je n'ai que tout brûler ça. Oui. Je n'ai que tout brûler. Brûler tout ce tout ça. Parce que comme on avait contact sur Internet, oui. Il a passé son temps qu'à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais il a fait comment? Tu n'as même pas pensé à laisser ça dans une maison, quelque part, mais dans la nuit, déposer quelque part. Tu dis que tu as déposé ça quelque part. C'est un pays là où la sécurité, c'est 24 sur 24. Oui. Je fais marcher, il y a des caméras partout. Oui. Tu vas dans la poubelle. On va te filmer. On te... Il peut même te localiser. Oui. Parce qu'il va que tu as laissé ça dans tel tel endroit, il va. Il va essayer de chercher, il va parler la zone. Oui, c'est ça. Oui. Et comme c'était juste mon voisin encore, oui. Il habitait là, j'habitais. Mais j'habitais il ne savait pas que tu étais là. Il ne savait pas. Oui. Parce que nous, on avait poussé chapeau. Oui. Mm-hmm. Bon, c'est une voie vraiment, c'est une voie que je conseille à tous ceux qui sont encore là. Oui. Vraiment des. D'abandonner. Oui, qui ne voilà les diplômes de quelqu'un comme ça, d'un mm-hmm. père d'enfant qui t'a brûlé comme ça, là, c'est titre foncé. Mm-hmm. Titre foncé, acte de mariage, acte de naissance, tout ce qu'il a eu dans sa vie. Oui. Tout. Diplôme de journalisme, tout. Brûlé. Ça, c'est oui. Avec son appareil, tout ce qu'il avait pris comme œuvre d'art dans son appareil. Tout. Brûlé. Tout, il a tout brûlé. Tout. Pourquoi ça te revient chaque fois? Bon, ça me revient chaque fois pour que je comprenne vraiment l'immensité de la grâce que le Seigneur m'a donnée, oui. m'a accordée. Mm-hmm. Mm-hmm. Et la méchanceté de l'acte. De l'acte aussi, oui. Mm. Comme j'étais vraiment sans cœur. Oui. J'étais vraiment sans cœur. Mm. Même quand on appelait au pays ici, là, c'était pas facile qu'on envoie de l'argent. Mm-hmm. Parce qu'on était content que la famille souffre. Quoi. Mm-hmm. Tu vois, bon, c'était bon. Ça, ils essaient de dépendre de toi. Oui, le mal était vraiment à un niveau qu'il n'y avait pas les sentiments. Mm-hmm. Il n'y avait pas les sentiments. Comme ça, quand tu viens, tu fumes beaucoup, c'est soit toi, on voit qu'on on te voit. C'est ça. C'est pour ça que même quand tout cela vient dans nos pays, mm. pour qu'ils donnent 5 francs à leur famille, c'est des problèmes. Mm. Ils préfèrent aller dépenser en boîte de nuit, dépenser des problèmes. L'autre jour, je sortais des Youpé pour acheter les poissons. Les poissons frais. Oui, non. Les bungas. Ouais. Comme madame fait un petit commerce là. Oui. J'ai rencontré un jeune homme avec qui on était en Tunisie. Oui. Il m'a vu. Il m'a stoppé, je me suis arrêté. Et il était avec un jeune homme. Oui. Le jeune homme a pleuré. Oui. Il dit qu'il pleure pourquoi? Il dit qu'il pleure parce que son grand frère est venu au Cameroun. Oui. Il a bien vécu avec lui. Et son grand frère dit que c'est à l'aéroport qu'il a donné pour lui. Qu'il a lui donné un fonds de commerce. Oui. Mais c'est voilà que son grand frère est parti avec tout l'argent. Oui. Même sans donner même 5 francs. Même 5 francs. Oui. Il ne sait pas comment. Il a même fait pour quitter de l'aéroport pour la maison. Oui. Bon, qui ne sait pas comment il va faire. Mmh. Et là, tu comprends. Non, j'ai rapidement compris. J'ai compris quel est l'état de son cœur. Comment. Parce que c'est que son grand frère a fait. C'est ce que nous-mêmes nous. Vous faisiez. Vous préférez dépenser avec les inconnus. Dépenser avec les femmes, les prostituées. Oui. Parce que c'est un argent qui ne peut pas enrichir. Enrichir, c'est ça. Mmh. La souffrance des gens. Effectivement. Les paroles sont dites. Parce que quand vous faites arnaquer quelqu'un, les malédictions sont données derrière l'argent. Effectivement. Il souffrait vraiment. C'est vraiment un métier, c'est un métier vraiment inspiré par le diable. Bon, maintenant, la preuve en est que tous ces leaders qu'on admirait, oui. comme les Donatien, oui. finissent toujours mal. Tous ces soi-disant grands-là, ils sont morts aujourd'hui. Voilà. La majorité sont morts, d'autres sont même aveugles, oui. coupés la main, tout ça. Oui. Et maintenant, si on demande le bilan de ce canevas que tu as fait pendant presque 20 années, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois avec quel bien? Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas permis que je puisse sortir avec une seule aiguille. Bon, j'ai encore quelques vêtements à la maison seulement, oui. les vêtements que j'ai fonctionné avec. Oui. Sinon, le Seigneur s'est arrangé à ce que, avant qu'il me rencontre, que tout ça soit, tout cela s'envole. Oui. Parce que, maintes fois, je me suis imaginé en disant que si Dieu avait permis que j'ai des immeubles au Cameroun, oui. comment est-ce que je devais arriver au Cameroun étant devenu chrétien, entrer dans ces immeubles-là et dormir? Oui. Sachant que c'est le sang. Sachant que c'est le sang des gens, que j'ai eu avec lui. Comment je devais dormir? Bon, au fur et à mesure, quand je me suis posé ces questions-là, j'ai dit que Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as permis que tout cela s'envole avant que je te rencontre. Oui. Puisqu'il y a aussi dans nos jours plusieurs frères, plusieurs amis même, avec qui on fonctionnait. Oui. qui ont il y a parce qu'il y a un ici qui a le pomme là-bas. Oui. Quoi, c'est le pomme. Oui. Il a presque un duplex. Lui. Oui. Il a un duplex et quand il vient c'est là où il dort. Il sait pas. Non. Ou bien. Celui-là il n'est pas même plus. Oui. Il s'est dit chrétien. Oui. Il s'est dit chrétien. Mais il est dans ce duplex. Oui. Bon parfois je dis que mais dans mon cœur dit que mais comment est-ce qu'il parvient même à dormir? Parce qu'il a du baisse même, il a même deux voitures. Oui. Il dit que mais comment est-ce que tu. Parce que et tout ça, c'est le salaire d'Iline. C'est le salaire d'Iline qu'il a eu hier. Oui. Si bon. Quelqu'un nous écoute et qu'il est dans cette situation, il dit qu'il s'est converti avec cet argent, avec tout ça, que ce soit terrain, maison, voiture, qu'est-ce qu'il doit faire? ce qu'il doit faire, c'est de vendre ces choses-là et distribuer l'argent de cela aux pauvres. Et recommencer sa vie à zéro avec le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, merci pour ce moment que tu nous donnes d'écouter ces témoignages, que nous pensons que ça pourrait être bénéfique pour certaines et que les gens soient vigilants à tous ceux qui les approchent, qui peuvent être amis, parce que c'est un peu comme le lion, la Bible, quand le lion rôde cherchant qui dévore. Amen. Les mêmes stratégies utilisées partout dans tous les attributs de Satan. Quelqu'un te suivait chaque jour, il est comme ami, mais le jour qui frappe, c'est là où tu comprends que ce n'était pas ton ami. Amen. Donc dans le monde, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié, là-même. Ce n'est qu'en Jésus qu'il y a les amis. Absolument. En Jésus. Et même en Jésus, là. Oui. Parce que beaucoup peuvent prétendre être en Jésus, oui. Mais ils sont plutôt qu'à côté de Jésus. Oui, à côté de Jésus. Oui. Et ils sont des ciblés. Des ciblés. Parce que la preuve en est que c'est que, parce qu'on est même devenu musulman parce qu'on cherchait à arnaquer. Arnaquer. Vraiment, ça n'a pas été facile. Ouais. Ça n'a pas vraiment été facile. Si ce n'était pas que c'est le Seigneur qui m'accordait sa grâce, parce que je rends vraiment beaucoup grâce au Seigneur, parce qu'il n'a pas permis que je devienne son enfant ou je devienne chrétien, chrétien en ayant quelque chose, un bien matériel quelconque. Fixé. Parce que parfois, on dit que, mais toi, souvent, quand j'ai des conversions avec soit ma mère, soit même un ami quelconque, il dit que, mais tu penses que d'autres qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, qui ont eu. Pourquoi est-ce que toi-même, tu n'as pas eu gardé avant de devenir Avant de devenir enfant de Dieu. Donc tu prends d'abord le salut et l'iniquité. C'est ça, tu as construit avec. Bon, c'est un peu ça, frère. Maintenant, Proverbe chapitre 20, verset 21 dit, un héritage promptement acquis, ou bien un héritage mal acquis dès l'origine, ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. Et le verset 6 du chapitre 21 du Proverbe dit, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité furtive et l'avant-coureur de la mort. Donc même si on ment pour gagner des choses, pour gagner sa vie, tôt ou tard, cette vanité-là va nous conduire dans la mort. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être venu ici. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen, frère. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de permettre que tu parles pour une première fois. Vraiment pour une première fois. Pour t'exprimer ainsi. Oui. Et qui pourra aussi, par la grâce de Dieu, édifier d'autres personnes qui se trouvent dans cette situation-là. Mais y a-t-il quand même beaucoup de gens que tu souhaiterais de façon spécifique qui étaient dans ton métier pour qu'ils comprennent ces choses? C'est-à-dire de façon comme spécifique. Le Seigneur a permis que depuis que je reviens au Cameroun, il m'a d'abord coupé le contact avec l'Internet. Oui. Bon, je sais rare que je suis à l'Internet et tous ces amis-là. Oui. Bon, j'ai compris que il fallait que je sois vraiment très bien affirmé avant de rentrer encore en contact avec eux. Oui. Bon, il y a beaucoup qu'on n'est plus en ligne. Oui. Bon, et parfois même certains, on se voit en route, ils me voient faire la moto, ils disent que comment je suis comment, moi, c'est comme ça. Donc, moi, on se voit rarement. Oui. Mais chaque fois qu'on se voit, je leur dis quand même que cette voie n'est pas bien. Pas bon. Il me dit que mais comment il va d'abord construire avant de laisser. Mm-hmm. Que Dieu te bénisse. Merci, frère. Amen. À bon entendeur. Salut. Paradis. puissance. Recherche la gloire, recherche le pouvoir que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras. Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux. Un jour glorieux, un jour merveilleux. Où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui. Et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Hey, est-ce qu'on se verra? Les boîtes bourniront encore les cerfs, les muets fumeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, aucun impur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Je veux te voir ma Seigneur. Est-ce qu'on se verra après toi? Je veux te voir, mon Seigneur. Combien de fois mon âme soupira? Combien de fois mon esprit en moi touché, Seigneur? Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir. Que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh my soul.